Bonjour à tous, bienvenue pour Upcast numéro 13, un Upcast enregistré le 18 mai 2015. Je suis en compagnie, comme d'habitude, de Grégoire. Salut. Salut Grégoire, de Julien. Salut Stan. Salut et de notre nouvel ami Dim. Salut Dim. Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, écoute. Ce soir, nous allons parler, comme d'habitude, de technologie, de divertissement, d'art ludique. Et nous allons vous faire un conseil critique, parler un peu de ciné aussi à la fin, bah pour ouais. Terminer tout cela. Plein de choses au programme. Avant qu'on commence, je crois que, Greg, est-ce que tu voulais aborder finalement la question du code 3DS ? Bah, en fait, je voulais déjà remercier ceux qui avaient participé et les nombreux, nombreuses personnes qui ont participé. Donc, à notre concours. Déjà, pour ceux qui ne savaient pas, c'est qu'on avait demandé de nous envoyer un petit message sur le site demandant un code. Exactement. D'obtenir un code 3DS pour un jeu. Mario versus Donkey. Voilà. Typic Stars. Je et il y a eu deux, on avait deux codes à donner, hein, donc je crois que c'est qui est-ce qui a gagné. Jay, c'est et, Bob Jay et Bob FR qui a gagné un premier code que Julien lui a envoyé. Tout à fait, et ça marche. Et ça a marché, et c'est Super Chno ensuite qui a tenté de participer avec succès, puisqu'il a été le deuxième sélectionné. Malheureusement, il vivait aux États-Unis, donc il n'a pas pu profiter ouais, du code qu'on lui a envoyé. Il vit toujours d'ailleurs. Oui, ouais, il vit toujours. Non, apparemment, il aurait l'intention de déménager exprès pour récupérer son code. Très investi dans ce podcast. Donc Super Chno, malheureusement, ne peut pas utiliser son code, donc je propose qu'on le remette en jeu éventuellement. Donc voilà, on est à l'épisode 13 du podcast. Si voilà. Vous venez commenter sur upcast.fr, vous pourrez gagner donc à nouveau ce magnifique ouais. Jeu Mario versus Donkey Kong Tipping Stars, un truc comme ça. Sur 3DS, un code à gagner juste en mettant un petit commentaire et voilà. En nous disant que vous avez une 3DS et que vous voulez participer. Même si vous n'avez pas de 3DS, venez nous faire un commentaire. Non, parce que on y croira quand même. Ça nous fera plaisir. On a eu des commentaires quand même sur le dernier. On a eu des commentaires. Ça on fait répond plaisir. D'ailleurs. On a eu des très beaux commentaires, de très longs commentaires en plus. Ah ouais. Donc, un commentaire musical. Ouais. Nomizis qui avait fait un ouais. Commentaire musical ouais, aussi. Fait. Merci d'ailleurs. Ouais, pour tous les conseils aussi, merci. Voilà, c'était le débrief un peu hein, finalement. Oui, c'était le débrief. C'est après, on a répondu aussi sur le forum. Voilà. Donc on va pas. On va pas répondre à nouveau. On va pas redire notre réponse. Mais c'est vrai qu'à la dernière fois, le concours, on l'avait caché un peu à la fin. Donc voilà, là, on déjà pas passé 3 heures. Voilà. 3 longues heures. On vous fait grâce des 3 heures. Là, vous pouvez couper maintenant. Même. Là, il y a un code, voilà. Ça va peut-être aller plus vite. Vous êtes trompé de podcast, vous débarquez, vous dites, oh, il y a un code 3DS. Et hop, gagner. Allez, hop. Bon, on va commencer tout de suite par la partie techno. La partie techno avec une news, Greg, que tu voulais aborder au sujet de Spotify et Apple Beats. Oui, c'est une news que j'ai hésité à mettre aussi dans la partie de divertissement parce qu'elle concerne un petit peu bah, forcément la musique. Hein. Vous l'avez peut-être lu sur vos sites de news préférés, mais Apple aurait l'intention de profiter de la Worldwide Developer Conference, donc au mois de juin, pour lancer une nouvelle plateforme construite un peu sur les cendres encore fumantes de Beats Music, hein, qu'ils ont racheté en mai 2014 pour plus de 3 milliards de dollars, si mes souvenirs sont bons. Au petit passage à Dr. Dre qui est devenu un des rappeurs les plus riches grâce à cette opération financière. Et donc la plateforme qu'a l'intention de lancer Apple proposerait en gros les mêmes services que Spotify, Deezer, tout ce genre de services. Voilà, l'utilisateur a accès à un catalogue composé de milliers voire de millions de titres en échange d'un abonnement mensuel. C'est un secteur qui est quand même très très concurrentiel, ce secteur de la musique en ligne. Hein. On avait déjà maintes fois parlé de Spotify. Et là, c'est vrai que Apple risque peut-être d'avoir du mal à s'imposer sur ce marché, surtout qu'on est déjà, bah, comme moi par exemple, je crois que ce n'est pas votre cas tous les deux, mais il y a déjà des millions de personnes qui ont déjà souscrit à une offre concurrente, donc qui sont peut-être encore plus réticentes à quitter une offre. 15 millions d'utilisateurs payants, exactement. 100 millions d'utilisateurs gratuits pour Spotify. Je n'ai pas les chiffres de Deezer ici, mais du coup, Apple, ils sont malins quand même, parce qu'ils ont une idée pour tuer un peu la concurrence. Comment ils vont faire ? Bah, ils ont tout simplement l'idée de mettre un terme au streaming gratuit, tout simplement. Donc je vais développer un petit peu. Comment on a su ça ? C'est que The Verge qui a révélé que le département de la justice aurait ouvert une enquête contre Apple, puisqu'il soupçonnerait en fait la firme de faire pression sur les maisons de disques pour qu'elles ne renouvellent pas les licences accordées aux services proposant des accès gratuits à leur catalogue. Donc voilà, ce qui n'est pas tout à fait légal, on va dire. Pas très sympa en plus, pas très fair play, on va dire, en termes de concurrence déloyale. Apple, en gros, ils ne sont pas contents de quoi ? Bah, que tout simplement, eux, on sait qu'ils ont des baisses de revenus sur iTunes pour vendre de la musique. Et les baisses de vente de cette musique ne sont pas compensées par les revenus publicitaires générés par le streaming gratuit. Donc eux, voilà, en gros, ils essayent de couper le streaming gratuit pour pouvoir un peu gagner un peu plus d'argent. Bon, bien sûr, en plus, l'avantage pour Apple, c'est qu'ils prêchent un peu des convaincus, puisque les patrons de labels sont plutôt d'accord. Hein. Je cite par exemple le patron d'Universal Music qui a expliqué, donc Lucien Grande, la publicité ne peut pas soutenir l'ensemble de l'écosystème, il faut accélérer la transition vers le modèle payant. Donc chez Warner et Sony, a priori, ça serait à peu près les mêmes discours, hein. Ils seraient plutôt vers un modèle payant qu'un modèle gratuit. Du coup, ça pourrait être un avantage pour Apple qui pourrait profiter de tout ça pour signer des exclusivités avec des grandes majors sur son futur service. On ne connaît pas encore le nom, mais peut-être qu'ils vont garder Beats Music, je ne sais pas. Tout ça, ça pourrait bien sûr affecter le service offert par Spotify. Spotify, tu l'as dit, ils ont réussi à avoir plus de 60 millions d'utilisateurs actuellement, mais seulement 15 millions qui sont payants. Donc ça veut dire que quand même la grande majorité des gens utilisent l'écoute gratuite, je crois, comme vous pouvez le faire de temps en temps. Du coup, au niveau de comment ça pourrait impacter Spotify, on a vu, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a 2-3 podcasts, j'avais parlé du fait que Spotify avait du mal en ce moment à renouveler ses contrats avec notamment Universal, qui laissait un peu transparaître une certaine impatience contre la formule gratuite du service de Spotify. Et du coup, maintenant, avec cette nouvelle information de The Verge sur les départements de la justice et les pratiques d'Apple, on se demande en fait si ce n'est pas tout simplement Apple dont on voit un peu la pression sur Universal qui s'était fait sentir sur Spotify à l'époque. Bref, encore une belle concurrence, tout ça très sympathique. Spotify, c'est pas les seuls impactés par cette pratique un peu forte d'Apple, qui profite de son carnet de chèques, comme vous allez le voir, puisqu'ils ont aussi une dent contre YouTube. Apple, ils veulent qu'en gros, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui écoutent de la musique sur YouTube. Hein. Ouais. D'ailleurs, Google avait décidé de lancer MusicKey, un service donc payant, voilà, mais qui permettait d'ôter la publicité. On pouvait regarder plein de vidéos musicales. Et ben, Apple a proposé apparemment à Universal de lui payer la licence musicale versée par YouTube si le label arrêtait d'autoriser la diffusion de ses chansons sur YouTube. Donc en gros, on vous verse la même chose que ce que Universal vous verse, enfin ce que YouTube vous verse, et vous arrêtez de mettre vos vidéos sur YouTube. Donc, grosse pression du côté d'Universal pour qu'ils arrêtent de diffuser de la musique quelque part gratuitement. Bon, malgré toute cette puissance financière, parce que c'est vrai qu'Apple, c'est une firme qui gagne plutôt bien sa vie, hein, Julien t'en avait pas mal parlé lors des derniers podcasts, c'est pas encore tout à fait gagné pour Apple. Apparemment, selon les dernières rumeurs, donc voilà, des sites Billboard notamment et de 9to5 Mac, Apple n'aurait pas encore obtenu tous les accords de licence pour son futur service d'écoute en musique de streaming. Donc voilà, apparemment, il n'y aurait pas... alors attendez, je cite 9to5 Mac qui... indique que ça serait avec Universal Music Group qu'il y aurait des problèmes justement pour encore réussir à signer cet accord. Et du coup, ils n'arrivent pas non plus aussi à... Comment dire, Apple n'a pas suffisamment de poids encore pour peser, pour imposer des tarifs plus attractifs pour son nouveau service. À la base, Apple, quand ils ont créé ce nouveau service qui va être annoncé, ils voulaient faire un abonnement autour de 7$. Apparemment, justement, les négociations ne se passent pas très bien avec Universal et compagnie, et ça serait plutôt un prix similaire à ce que Spotify ou Deezer peuvent déjà proposer, donc plutôt autour des 10$. Ce qui est déjà bas comme prix. Ce qui est déjà pas extrêmement élevé, sachant que sur ce service, il n'y aura pas d'offre gratuite a priori. Justement, Apple, ils sont contraints, ça je l'ai bien dit. Du coup, Spotify se laisse pas faire. Concrètement, Spotify contre-attaque sur cette news. Comment ils contre-attaquent Spotify? Déjà, légalement, apparemment, Spotify serait en passe d'accuser Apple de pratiques anticoncurrentielles, donc là, devant un juge, etc. Pourquoi? Alors, en se basant sur quoi? Tout simplement parce que Apple touche 30% sur chaque offre d'abonnement payant premium de Spotify qui a été contracté via l'Apple Store. Donc là, vous contractez un abonnement Spotify sur l'Apple Store, il y a 30% qui vont à Apple. Or, si vous faites la même chose sur la future appli Beats, Apple ne touchera pas ces 30%-là, puisque elle ne fera pas payer 30% supplémentaires pour se dégager un gain, un bénéfice, puisque ça lui appartiendra. Donc, forcément, les deux applications n'auront pas exactement les mêmes façons de fonctionner, donc concurrence déloyale. Donc, a priori, Spotify compte attaquer là-dessus. En plus, Apple interdit aux applications de renvoyer vers un lien qui permettrait de télécharger l'application sans payer ses 30%. Donc voilà, Apple en plus a une pratique un peu, encore une fois, pas très très claire, assez obscure, on va dire, pour faire payer plus le consommateur et surtout pour toucher ses 30%. Donc Spotify va se retourner légalement pour tout ça, sachant qu'en plus l'Union européenne chercherait aussi en ce moment, en plus de la justice européenne, à déterminer si la firme a passé des accords secrets avec l'industrie du disque. Donc légalement, on sent que ça va être la contre-attaque assez forte de la part de Spotify. Et puis commercialement, Spotify ne se laisse pas abattre non plus. Ils ont indiqué une nouvelle offre de découverte qui est en ce moment disponible, qui permet de s'offrir donc 3 mois d'abonnement à Spotify Premium pour moins d'1€, donc 0,99 €. Donc voilà, c'est quand même relativement intéressant pour l'offre que c'est. En plus, de leur côté, là, ils ont très récemment démenti les rumeurs qui indiquaient que Spotify, sous pression des ayants droit, justement, allait supprimer son offre de streaming gratuit. Donc a priori, vous allez pouvoir continuer à écouter de la musique gratuitement sur Spotify, avec l'échange de quelques publicités, bien sûr. Et puis, du coup, ils cherchent aussi un peu à se diversifier. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent, ça me paraît même être assez concret, on peut l'annoncer, ils vont se lancer sur le secteur de la vidéo sur le web, Spotify, un secteur aussi concurrentiel. C'est le Wall Street Journal qui a révélé ça. Ils sont apparemment en discussion avec plusieurs fournisseurs de contenu vidéo pour d'éventuels partenariats, donc déjà des gens qui travaillent sur YouTube, par exemple, et aussi des médias réputés plus traditionnels, donc des YouTubers, mais aussi des médias plus classiques. Bon, il ne faut pas s'attendre à voir Game of Thrones non plus, hein, ce genre de choses, mais plutôt voilà, le genre d'émissions qui sont déjà produites uniquement pour Internet, on va dire, donc le genre de trucs qu'on peut trouver sur YouTube. A priori, ça va être un service qui serait à la fois disponible pour les abonnés et les non-abonnés. On ne sait pas encore si ça va fonctionner sur la publicité ou pas. A priori, oui. Et on en saura de toute façon plus le 20 mai prochain. Hein, donc, on est le combien là, on est le 18. On est le 18. Donc voilà, dans deux jours. Donc voilà, au moment où vous écouterez peut-être ce podcast, ça sera déjà révélé. A priori, Spotify aura révélé son offre de vidéos. Reste à voir comment ça se concrétisera exactement. En tout cas, ça semble plutôt logique pour Spotify, puisque Spotify, rappelons-le, ne gagne pas d'argent avec la musique. Hein. Ils reversent 70% de leurs revenus aux ayants droit de musique. Et ils ont perdu en 2013 57,8 millions d'euros, après en avoir perdu 87,6 millions d'euros l'année précédente. Donc c'est plutôt une chose logique, finalement, d'aller sur le secteur de la vidéo, qui est plus rentable, a priori. Donc à suivre de très près tout ça, on en saura plus pour nous dans deux jours. Et pour vous, peut-être, vous avez déjà la réponse sur ce que Spotify prépare. Et on aura les nouvelles de Apple en juin sur son offre. On reviendra certainement dessus à ce moment-là. Les enfants de cœur d'Apple. Ouais. Là, on sent que c'est une entreprise qui profite de son pouvoir financier pour manipuler les choses dans le sens qu'elle les veut, quoi. Oui. Bon. Intéressant. Fallait ça. Pas acheter d'Apple Watch. Ça voilà tombe bien. Voilà le verdict. On l'a pas fait. Bon. On a essayé de les commander, mais non, on attend toujours. On attend toujours. Ouais. Totalement un autre sujet. Julien, tu voulais nous parler d'une étude CNC. Oui, je ne sais pas si ça va être une news intéressante ou un peu longue et un peu chiante. Moi, ça m'intéresse voilà. En tout cas le titre. En la préparant, je me suis dit, ouais, ça peut être chiant. Alors, il y a du chapitrage sur le site internet. Vous pouvez zapper cette news. Tu nous donnes envie, Julien, arrête. Vous pouvez zapper les 40 prochaines minutes. Non, mais il y a des chiffres intéressants. En fait, je vais vous parler voilà, d'une étude, comme tu disais, CNC. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le CNC, c'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui s'appelait avant le Centre National de la Cinématographie. Et en fait, ils ont publié leur bilan de l'année 2014. Alors en fait, le CNC s'intéresse aussi bien au cinéma. J'avais déjà parlé du bilan des entrées ciné en 2014. On avait fait je crois que c'était une news secrète. Ouais, avec les rentabilités des différents films. Avec les rentabilités, selon les... Bouboule. On cherche toujours Bouboule, on l'avait pas trouvé, je crois. Non, mais on a vu Benoît Brisefer. On avait vu Benoît Brisefer. Benoît Brisefer qui n'avait pas du tout, il n'avait pas du tout performé. Je comprends pas, Le cinéma m'échappe, je ne comprends pas. Bah voilà, c'était comme quoi. Hein. Un grand film, tu vois. Ouais. On en parlera dans 10 ans quand il sera reconnu à sa juste valeur. Donc voilà, il s'intéresse au cinéma, à la télévision, aux jeux vidéo, aussi bien du côté du public que des acteurs de ces secteurs. C'est-à-dire qu'il y a aussi autant des chiffres sur la production, la distribution, l'exploitation. Donc en fait, c'est un rapport qu'ils ont publié qui fait un peu plus de 200 pages et que vous pouvez trouver d'ailleurs... Et je vais vous les lire intégralement. Donc page 1. Introduction. Non, quand j'ai lancé cette touche, je me suis dit, ah, il est quand même long. Non, mais il y a des choses qui ne concernent pas la technologie, parce que comme je disais, il parle aussi de distribution, de production, d'exploitation, de choses comme ça, qui sont d'ailleurs au demeurant intéressantes. Hein. Je blague un peu sur le... C'est parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais ça reste quand même intéressant pour qui veut avoir un panorama complet de ce qui se fait en cinéma, en musique... Donc, pour reprendre ce que j'étais en train de dire, vous pouvez le consulter d'ailleurs en PDF, donc sur le site du CNC. Oui. Et pour le coup, moi, je me suis intéressé à un chapitre qui s'appelle « L'équipement et les dépenses des ménages en programme audiovisuel ». Voilà, ça m'intéresse. Voilà, ça, c'est intéressant et ça tombe bien parce qu'on a une partie de technologie et ça tombe totalement dans la partie incroyable. Incroyable. Alors, il faut savoir en fait qu'en 2014, les dépenses des ménages en programme audiovisuel ont diminué de 0,4% par rapport à 2013. Alors le chiffre c'est 7,839 milliards d'euros, mais bon ça c'est pas très important. Simplement ce qui est important de constater c'est que parallèlement les dépenses totales de consommation des ménages augmentent d'1% selon l'INSEE. D'accord, donc globalement ce que les gens achètent ça augmente, mais tout ce qui est audiovisuel, programme audiovisuel, c'est en baisse de 0,4%. Donc c'est pas forcément lié à un moindre pouvoir d'achat. Ouais. Voilà. Donc ça c'est important de le préciser. Après, si on regarde en fait dans le détail le recul de ces dépenses d'audiovisuel, ça donne il y a une baisse des dépenses qui sont consacrées à la vidéo physique. Donc ça, on en parle assez souvent ici. Forcément, le DVD, le Blu-ray, les gens qui achètent de la vidéo dans les Fnac et j'allais dire les Virgin, mais dans les Fnac. ça a tendance à baisser. Et là, 14,1%, c'est quand même énorme. Et les abonnements de services de télévision qui baissent de 3,1%. Par contre, par rapport à ça, il y a une hausse des dépenses dédiées à la vidéo à la demande, plus 3,8%, à la contribution à l'audiovisuel public, bon ça c'est pas les gens qui choisissent, mais 4,9%, et au cinéma, plus 6,5%. Ça c'est intéressant aussi, tiens. Donc en 2014, chaque foyer français a dépensé en moyenne 283,7 euros en programme audiovisuel. Donc, même, presque 284 €. Ouais, en presque 300. Allez, rien que si on est abonné au cinéma UGC, ça fait déjà. Bah oui, en fait, tu payes 20 € par mois pendant 12 mois. Ouais, donc 240. Après, quand tu vas voir le détail des chiffres, c'est-à-dire que 70% de cette somme est consacrée à la télévision. D'accord. Ah bon ? Donc ça veut dire, la télévision, ce que j'entends, c'est télévision à péage et audiovisuel public. Ah d'accord. Puisque les... Bah, la redevance. Donc les impôts, ouais. Alors, télévision publique, c'est, ça représente 84,5 centimes d'euros. D'accord. Donc à peu près 85 € sur les 284. Ouais. Après, voilà, le détail, donc 70%. La part consacrée au cinéma représente 17%, d'accord, soit à peu près 48,2 €. Par an, tu dis, hein, c'est chiant. Par an, ouais, par foyer. 48 € par an, par foyer, non, ouais. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Donc la part consacrée au cinéma, elle augmente d'1,1% par rapport à 2013. La vidéo physique, ça représente 10,2%. D'accord. Donc soit à peu près, c'est-à-dire que les gens consacrent 29 €. Ah, des DVD en fait, ouais, c'est DVD, ça. Des DVD, des Blu-ray. 29 € en moyenne. 9 €, qui achète encore des DVD aujourd'hui? Ils s'achètent 2-3 DVD, quoi. Ça fait ça. Ouais, c'est des cadeaux, ça peut être. Oui, c'est vrai, c'est à Noël, ce genre de truc. Ah, ça fait à peu près. Tu sais, en plus, t'as des offres à 30 € les 5. Oui, ça te fait 5, ouais. 4-5 DVD par an, quoi. Donc, ça, c'est en baisse d'1,6%. Et la vidéo à la demande, elle est donc, ça représente 3,2%. C'est pas énorme, mais elle est en hausse de 0,2%. D'accord, ça augmente. Bon, ouais. Logique. Alors parmi les chiffres, bon, il y a énormément d'infos sur ce rapport. Il y a quelques petites choses que j'ai notées. C'est que le nombre total d'abonnements aux offres de télévision payantes du groupe Canal+ est en diminution de 0,7%. D'accord. Alors en fait, ils n'ont pas les chiffres. Ils ont les chiffres que, par exemple, pour le câble. D'accord. Quand on veut essayer de voir un peu, finalement, ce qu'ils dépensent en termes de télévision par Internet, tu ne peux pas. Parce que tout ce qui est ADSL, ils n'ont pas les chiffres. D'accord. C'est un autre organisme. Donc là, ça ne représente que le câble. Je crois que le câble, ça représente à peu près 9% des gens qui sont... la télévision, ça représente 9% des gens qui cotisent pour la télévision ADSL câble. Ouais. Donc c'est pas énorme. Mais donc les dépenses de cinéma correspondent en moyenne à 7,6 entrées par foyer. Ah, donc ouais, on était loin du compte avec nos 4 films par an. 7,6 ouais, par foyer. Ouais, si tu t'imagines qu'il y a, je sais pas, 3-4 personnes par foyer, forcément. Et c'est là où on se dit qu'on va beaucoup au cinéma, en fait. Ouais, c'est vrai que quand je faisais le calcul à peu près. Ouais, c'est par mois, nous, plutôt, qu'on fait ça. Enfin, bon, voilà, nous, on a une, moi, j'ai une carte UGC. Ouais. Voilà. Stan aussi, oui, je crois. Oui. Toi, Julien, t'en as pas? Non, j'en ai plus. Non, t'en as plus. Tu peux plus y aller quand t'as un enfant. Ouais, c'est compliqué, c'est vrai. Autre chose, le marché de la vidéo, donc j'en parlais, physique et dématérialisé, atteint son plus bas niveau depuis 1990. Ah oui, quand même. Voilà, donc ça, c'est quand même... Ah, mais ça, c'était, on le sentait venir, ça. Enfin, a priori, ouais, c'est une évolution logique, finalement. Ouais, c'est une évolution logique. Donc, il y a une baisse de 10,4% par rapport à 2013. Alors, ce qu'ils expliquent dans l'étude, il y a trois principaux facteurs. Les changements d'usage de consommation de la vidéo, c'est-à-dire qu'en télévision, ce qu'ils appellent télévision de rattrapage, ouais, les vidéos à la demande. Vous allez voir qu'ils ont des termes assez anciens, un peu surannés. J'allais dire un peu papiqué des hannetons, pour rester un peu dans leur registre de langage. C'est pas faux. L'équipement encore limité des foyers en lecteur Blu-ray, donc, ce qui expliquerait pourquoi finalement il y a une baisse de la vidéo physique, oui, puisque finalement c'est compréhensible. Le renouvellement, le passage du DVD au Blu-ray, c'est pas fait autant qu'à l'époque de la VHS. Même si beaucoup de gens ont une PS3. Ouais, mais ouais, beaucoup, après, je sais pas, beaucoup. Bah, ouais, entre en guillemets, France, combien? 10 millions non. De PS3, 10 millions, non, non pas en 1 million non, 1 non. Million. Bon, je sais pas, bon, bref, c'est pas. Il y a 1 million de PS4 déjà en France. Ouais, mais pas 10 millions de PS3. Ouais, ça me paraît un peu. Ça me paraît beaucoup, oui, je dis peut-être n'importe quoi. Bon, vous direz, hein. La troisième raison à cette baisse, c'est aussi le piratage, forcément. Bah oui. Oh. Non, ça, c'est pas bien, les gens. J'aurais pas imaginé, tiens. Et autre petite chose que j'ai notée, c'est que la progression du marché de la vidéo à la demande ne compense pas forcément, évidemment, le recul du marché de la vidéo physique. C'est-à-dire que même si elle est en augmentation, elle n'arrive pas encore à compenser déjà, la baisse. Parlant, tu veux dire, au niveau financier. Ouais, au niveau financier. Bah déjà, c'est pas les mêmes tarifs. Ouais, ouais, voilà. Netflix, c'est 7-8 € par mois. Donc forcément, c'est beaucoup moins cher qu'un... Ouais. Ouais. Donc ensuite, on a les ventes d'équipements audiovisuels. Alors le point principal, ça m'a un peu étonné, c'est qu'en 2014, les ventes de téléviseurs ont augmenté. D'accord. Donc, alors, par exemple, ce que j'ai noté un truc intéressant, c'est qu'il y a 97,6% des foyers qui ont la télévision. Mais alors que font les trois autres personnes? Bah, moi, ça m'étonne qu'il y en ait autant. Bah ouais, non, c'est énorme, c'est non, quasiment tout le monde en fait. J'ai des amis qui n'ont pas de télé, mais ils ont un ordinateur et ça leur suffit aujourd'hui. Oui, oui, bah oui, voilà. Ouais. C'est vrai que 97% de télé, c'est énorme en fait. C'est énorme. Hein, ouais, c'est énorme. Ouais. Alors, en 2014, les ventes de téléviseurs en France s'élèvent à 5,8 millions d'unités, contre 5,6 millions en 2013. Ah oui, c'est pas mal l'augmentation, en plus. Ouais. Alors, eux, ils expliquent l'augmentation par la Coupe du Monde de football, qui est souvent un moment où les gens renouvellent leur télé. Stan fait les gros yeux parce qu'il aime pas le football. Oui, j'avoue que j'ai un peu levé les yeux aussi. Je peux parler de Marseille. Hein. Et aussi, alors il y a un autre facteur, c'est vrai que je n'avais pas forcément noté, c'est le début du renouvellement du parc d'écrans plats. C'est-à-dire des gens bah qui ont acheté les vieux écrans plats. 2004, 2005, ou même avant, je ne sais pas en quelle année sont arrivés les écrans plats. C'est ça, ça va faire ça. Oui, les gens ont commencé à en acheter massivement il y a 7-10 ans. Ouais. Et puis maintenant, ils sont super épais, les premiers écrans plats. Bah, celui que j'ai là, il est assez épais, il a moins de 10 ans. Donc c'est vrai que là, les gens doivent commencer à renouveler les premiers écrans plats. Ouais. Et haute progression des ventes d'écrans qui s'explique par les ventes d'écrans ultra HD. Ah ouais, l'ultra HD, ouais, l'UHD arrive. Je comprends pas comment les gens. Enfin, pardon. En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que là, les chiffres sont assez impressionnants. C'est-à-dire qu'en 2013, il y en avait que 10 000 qui ont été vendus en France. Et là, il y en a 210 000. Oui. Donc ça explose. Après, il y a de plus en plus de. Je pense qu'ils les ont remplacés même dans les premières gammes de prix. Tu as déjà des télé UHD. C'est pas simplement réservé haut de gamme. Donc, tu vas acheter ton écran et puis c'est un peu. Tu prends comme, un 4K, point barre. Tu prends un 4K et j'ai l'impression qu'il y en a de beaucoup plus, même sur des tailles standards de 1 mètre. Il y a des bons vendeurs aussi. Hein. Ils disent ça, prenez ça, vous serez tranquille. Et puis les gens achètent. Hein. Pour 100 euros de plus, tu vois, c'était un 4K au lieu d'un HD. Ça dit, ils ont pas tort, hein, les gens. Moi, c'est toujours un 4K. Oui, mais Netflix diffuse en 4K certains films ou séries. Ouais, puis t'as aussi le truc, les gens pensent que quand t'achètes une télé 4K, t'as du 4K. C'est un peu comme la HD à l'époque où les gens disaient, j'étais en HD. Mais si ta source, elle est en SD. Ça veut dire, mais oui, il faut expliquer aux gens. Ouais. Oui. C'est pas évident parce qu'on change de format. C'est vrai que pour des gens qui ne sont pas forcément technophiles, on va expliquer le changement de format, ce que c'est la HD, qu'ils ont eu du mal avec la HD. Donc c'est pas évident. Les écrans plats, ça représente 87,1% en 2014. Donc c'est la belle domination. Ouais, les cathodiques ont été. Ça veut dire qu'il y a quand même des pourcents de gens. Encore 13% qui ont des cathodiques. 13% qui ont des écrans cathodiques. D'accord, il y a quand même des tubes cathodiques, pardon. Ouais, il en reste quelques-uns. Mmh. Ça va se renouveler progressivement. 16,5% des foyers sont équipés d'un téléviseur connectable à Internet. Ouais. Donc là, c'est une progression de 3,1 points. Ouais. Et l'équipement en cinéma à domicile est relativement stable au niveau des 5 dernières années, puisque ça représente 14,2%. Alors je pense qu'il compte vraiment des. Tu vois, tu as un 2 points ou un 3 points. C'est ça, le cinéma à domicile, c'est le stéréo en fait. Le home cinéma. Mais je pense donc l'installation son plus. Je pense pas non, son seulement, par son et image avec la télé. Oui, mais ça veut dire qu'ils doivent considérer que des petits appareils. C'est pas la vidéoprojection qui compte. Ouais, je pense qu'ils prennent pas les gens qui ont une salle dédiée avec. Sinon, il y aurait beaucoup de monde. Il y a beaucoup de riches en France. Voilà, je me suis dit, 14%, ça va être toutes les petites solutions. Tu vois, les barres de son, ce genre de choses. Ah oui, les barres de son, c'est pas déconnant. Il y a beaucoup de gens qui ont des deux points, tu vois, où tu vois un petit caisson posé. Les barres de son, ça se vend bien, en fait. Les barres de son, ça se vend très bien. Donc, les beaux chiffres, c'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre, 14% déjà. Après, les lecteurs de vidéos, donc tout ce qui est DVD Blu-ray, faut savoir que 79,3% des foyers ont un lecteur pouvant lire les DVD. Donc ça peut être un lecteur de salon, une console ou un ordinateur. Ouais. Et 29,3% ont un lecteur Blu-ray. D'accord, c'est déjà pas mal, dis donc, 30% des gens. Ouais. Par contre, là, les ventes de vidéos reculent pour la 10e année consécutive. Le chiffre qui fait mal, la statistique qui fait mal. Et là, pour le coup, en 2014, le volume des ventes de lecteurs vidéo... compris, c'est-à-dire DVD plus Blu-ray, ça a atteint un nouveau point bas, donc un des points les plus bas depuis 10 ans. Ils en ont vendu 1,5 million d'unités, tout produit confondu. C'est une diminution de 15,4% par rapport à 2013. C'est énorme en plus. Alors, le lecteur de DVD, ça reste la catégorie de lecteur vidéo la plus vendue en 2014. Je sais pas, les gens préfèrent acheter un lecteur vidéo DVD, alors qu'un Blu-ray, ça lit aussi des DVD, mais bon. C'est vrai que les prix sont un petit peu plus... Enfin, il y a peut-être souvent sur le très bas de gamme... Maintenant, y a 20... on trouve des Blu-ray à 40 euros. Ouais, mais c'est peut-être pas 40 DVD... euros, mais c'est au moins 70 euros. Ouais, t'as des DVD à 30-40 euros. Quoi. Ouais, par contre, les lecteurs DVD sont vraiment plus très chers maintenant. Ou peut-être qu'ils sont pas informés que tu peux lire des DVD sur un lecteur Blu-ray. Ouais. Ça peut être aussi ça... donc le volume de vente recule de 12,9% par rapport à 2013 avec 635 000 unités. Eh ben. Pour les Blu-ray, c'est 622 000 unités. Et les ventes de lecteurs DVD portables sont en baisse de 28%. Donc en fait, là, ils expliquent par la diminution des ventes et des taux d'équipement lecteurs vidéo qui s'expliquent en fait par l'évolution des modes de consommation de la vidéo. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le recul de la vidéo physique. Forcément, si tu t'achètes moins de DVD, tu ne vas pas t'acheter un lecteur DVD, ça paraît quand même logique. Il y a une progression du dématérialisé, une augmentation de la consommation de télévision de rattrapage. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, les gens, même s'ils ne voient pas leur programme, ils le regardent après à la demande. Mmh, et c'est vrai que forcément, tu t'achètes plus de films, tu achètes juste des films pour faire des cadeaux, donc tu n'as plus besoin de lecteurs. Voilà, ça peut s'expliquer, c'est les explications qu'ils donnent. Et enfin, le dernier point, c'est ce qu'ils appellent les ordiphones. Les smartphones, c'est pas vrai, ils disent les ordiphones. Mais je ne sais pas qui dit ça, mais moi je l'avais jamais vu. C'est génial. Je vois écrit ordiphone, alors j'ai cherché, et en fait depuis 2010, pour l'appellation smartphone qui n'est pas très française, on peut dire ordiphone. C'est peut-être les fablettes. Peut-être. C'est pas mal en tout cas. Je crois que donc, je vais dire ça maintenant. On va les appeler les smartphones. Alors, un Français sur deux est équipé d'un ordiphone. J'ai l'impression de 80 là, moi. Non ? Il est où ton tam-tam ? C'est un peu ça. 51,2% des individus de plus de 11 ans sont équipés dans, donc d'un smartphone, on va dire, en 2014. Donc, c'est une augmentation. Parce que d'un ordiphone, tu veux dire ? D'un ordiphone, oui. Il y a, en 2013, il y avait 43,7% qui avaient un ordiphone. Et là, les ventes d'ordiphone, voilà, encore une fois, elles atteignent un record avec 18,2 millions d'unités en 2014 contre 15,8 millions. Et ils s'intéressent un peu à tout le CNC, là, même ouais. Les smartphones, ouais. Enfin, les... Ouais. Et on prévoit, alors là c'est GfK, ils reprennent les données de GfK. D'accord. Mais ils l'incluent dans le rapport. Et justement GfK prévoit qu'en 2015, les ventes d'ordiphone, je viens de y arriver, vous savez l'ordiphone iPhone 6, devraient progresser à 20,5 millions d'unités. Donc ils prévoient encore une augmentation de presque plus de 2 millions. Bah, le CNC s'intéresse à tous les supports qui permettent de diffuser l'audiovisuel, pour pouvoir nous taxer après. Et pour finir avec les tablettes qui équipent 36,1% des foyers français en 2014 contre 28,7% en 2013. Donc là, les ventes des tablettes sont stables. C'est vrai qu'on en avait parlé. On atteint un palier là un peu. On atteint un peu un palier. C'est, saturé. Alors ça, c'est un tiers de la population qui est équipée. Ça va s'arrêter là à peu près. C'est vrai qu'il y a eu un moment, c'était un peu l'Eldorado où ça a augmenté chaque année. Ouais. Le premier, iPad quoi. Et en 2015, les ventes de tablettes devraient être pour la première fois en baisse avec 5,5 millions d'unités vendues selon GfK. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une étude assez intéressante. Après, je ne sais pas si la news était intéressante. Si. C'est beaucoup de chiffres. Vous nous direz dans les commentaires. Ouais, après, ça dépend. Il faut que les gens aiment les chiffres. On en a la page combien là ? On a 3, 12. Non, mais, en plus, là, je n'ai pris qu'un chapitre qui doit représenter à peu près 10 pages sur les 200. Parce qu'après, il y a des. C'est intéressant de voir la nouvelle répartition du chiffre. Non, moi, c'est surtout les DVD, ça m'impressionne. Il y a moins de 600 000 et quelques DVD vendus finalement dans l'année, c'est rien quoi. Et voilà, parce que dans l'étude, justement, d'autres choses qui auraient pu nous intéresser pour la partie techno, mais que je n'ai pas traité, sinon ça faisait 48 minutes. Allez lire le PDF. Mais il y a la vidéo à la demande et également la vidéo de rattrapage. Donc ça, c'est intéressant de voir les évolutions des mœurs, qui a des conséquences, comme on disait, sur la vente de vidéos physiques. C'est les modes de consommation différents. Donc voilà, je vous invite à consulter le PDF sur le site, il est facilement trouvable. Et on reparlera de vidéos à la demande un tout petit peu plus tard, il me semble, avec Stanislas. Oui, si tu veux. Un peu, Un peu. Bon bah super, moi j'ai trouvé ça intéressant. Merci, parce que je vous avais prévenu que ça allait être chiant, vous trouvez ça intéressant. C'est ça, c'est bien, t'as bien fait. Je sais pas comment on appelle ça. C'est technique, mais... Voilà. Grégoire, je crois que tu voulais nous parler de quelques startups méconnues mais enthousiasmantes. C'est exactement le titre de ma news. Comment tu l'as su, Stan ? Incroyable. Je suis divin. Non, c'est vrai que du coup l'activité est relativement calme en ce moment dans le monde de la techno. Hein, donc j'en profite pour faire un petit peu un focus sur certaines startups, grâce notamment au TechCrunch Disrupt, qui est un événement qui permet justement de mettre la lumière sur certaines startups un peu enthousiasmantes. Et je vais tout de suite vous parler du vainqueur qui s'appelle Liquidity. Liquidity qui, comme toutes les startups de la Silicon Valley, essaye de changer le monde. Hein, elles disent tout ça, sauf que cela... To make the world a better place. Exactement, to make the world a better place. Et cela, Liquidity essaye vraiment, a priori, de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est un système de filtration d'eau. Donc voilà, une startup assez originale, mais cette fois-ci, très très innovante, on va dire, avec un réseau de fibres très dense, très précis, qui permet de bloquer les bactéries. Alors que l'eau continue à passer, donc l'eau coule quasiment à flot normal, on va dire, par leur système de filtration. Et avec un système de filtration en plus très qu'on a besoin de changer seulement tous les 2-3 mois, et qui est le résultat quand même, mine de rien, de 15 années de recherche universitaire, qui est décrit comme peu cher, pratique et efficace. Hein, ça filtre. En fait, c'est quoi, c'est Brita ? C'est marrant parce que il y a des anciens de Brita qui est dans cette start-up exactement, mais sauf que ça va beaucoup plus loin parce que là on parle de prendre l'eau du Gange et de pouvoir la boire en filtrant avec ça quoi, en gros hein. Donc c'est très très efficace, ça enlève 99,9999% des bactéries, pour ceux qui aiment les chiffres. C'est une émission chiffre. Alors le principe de cette révolution qu'essaye de mettre en place Liquidity, c'est pas tellement, parce que donc eux ils ont présenté ça sous forme un peu de gourde pour l'instant, mais en fait c'est pas tellement de vendre cette gourde, parce que voilà, on voit mal l'utilité nous de se balader avec cette gourde dans Paris. Tiens, je vais aller filtrer l'eau des égouts pour la boire un peu. Non, le but c'est plutôt de placer ces filtres dans tous les appareillages de filtration du monde. En fait, c'est un peu de faire ce que fait Intel Inside avec les processeurs dans les ordinateurs. En fait, voilà. Donc ça, c'était le vainqueur de la TechCrunch Disrupt. Ils ont aussi montré une autre startup qui m'a intéressé. Il y en a eu beaucoup, donc j'en ai sélectionné seulement certaines. Qui s'appelle Paribus. Alors là, c'est plutôt une start-up au sens classique du terme. Le principe, c'est de redonner de l'argent au consommateur quand il n'a pas payé le prix le plus bas. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais quasiment tous les sites d'achat ont en fait une politique de type « on vous rembourse la différence si vous trouvez plus cher ailleurs ». Sauf que déjà, en général, on ne le sait pas. Oui, pardon, moins cher ailleurs, j'ai dit plus cher. Si vous trouvez plus cher ailleurs. Vous nous devez encore plus d'argent si vous trouvez plus cher. Vous nous devez de l'argent. Non, oui, pardon, il rembourse la différence quand vous trouvez donc moins cher ailleurs. Merci Stan. Et sauf que d'habitude, on ne le sait pas hein, forcément que les sites le font ça, puis qu'en général, on n'a pas le courage d'aller vérifier sur tous les autres sites pour voir si c'est moins cher ailleurs, etc. Donc Paribus se charge de ça pour vous. C'est vrai qu'en plus, sur Internet, les prix sont très fluctuants. Je citerai à titre d'exemple Amazon qui change 80 millions de ses prix tous les jours sur son site. Donc c'est difficile de se tenir au courant de tout. Et du coup, là, en gros, avec Paribus, l'appli va aller scanner vos emails pour regarder un peu vos achats électroniques, voir les reçus. C'est là où ça devient intéressant pour eux. C'est pas exactement là où ils se font de l'argent, mais ça, on va voir s'il y aura peut-être un scandale Paribus dans quelques années. En gros, là, ça scanne vos emails donc, pour voir vos achats, les achats que vous avez faits, les sommes que vous avez dépensées. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous l'oubliez, hein, vous ne la voyez plus. En fait, c'est une appli fantôme, on ne la voit plus, on ne la voit plus travailler concrètement. Et à partir de ce moment-là, elle connaît, elle, de son côté, tous les secrets des sites marchands. Elle sait combien du coup vous avez payé, elle sait si c'est moins cher ailleurs. Et elle sait aussi toutes les politiques et pratiques de remboursement qu'il faut faire sur tous les sites. Donc elle se charge à votre place d'envoyer des mails pour exiger le remboursement. Et elle se paye en prenant 25% des remboursements que vous touchez grâce à elle, tout simplement. Donc voilà, appli un peu innovante que j'ai trouvée assez marrante. Pour ceux qui connaissent l'excellente série Silicon Valley, je ne sais pas si Stan, voilà, je crois que tu faisais référence. Vous allez être un petit peu peut-être amusé, ça va peut-être t'arracher un sourire, puisque la prochaine... C'est vrai que je suis pas très sourire, comme gars. Non, t'es un peu sombre comme mec. L'homme qui rit jamais. C'est un peu, prends ça dans ta gueule, toi tu ne jouerais jamais de toute façon. Donc après... Je vais y arriver. La prochaine startup s'appelle Pied Piper, exactement comme dans la série. Très justement, bien. Ils ont repris en fait le nom de la startup fictive dans la série de Silicon Valley. Et en plus de partager le même nom, ils partagent aussi le même but, puisque ils ont pour ambition de faire de la compression sans perte. Alors c'est pas de la compression audio comme dans la série. Là, c'est de la compression des images sans perte. Alors, l'idée est pas mal, c'est assez court. Dans la série, enfin, je fais pas de spoiler, mais... Oui, voilà, on va dire qu'il parle de compression. Là, c'est uniquement sur les images. Le principe, c'est de... qui est vraiment pas bête, mais ça va, je vais aller assez vite, c'est de détecter, en fait, les visages sur les photos et de compresser tout, sauf les visages. Donc, le visage reste en définition, haute définition, et le reste autour est compressé. Et comme l'œil humain est naturellement plus attentif au visage, même si vous essayez de regarder les détails à côté, votre œil sera toujours, on va dire, attiré inconsciemment par les visages. Donc, vous ne voyez pas que c'est compressé, en fait. C'est quasiment impossible. Donc, on n'a pas d'informations sur les mais photos. Mais vous compressez les poitrines et tout ça aussi. Parce que l'œil humain n'est pas attiré. Pour les hommes, non. Si c'est Non, voilà. Donc, a priori, je trouve que le système n'est pas bête. Ils n'ont pas, dit comment ça se passait s'il n'y avait pas de visage sur la photo. Mais bon, je trouve que l'idée était intéressante. J'imagine qu'un Facebook ou autre pourrait être très intéressé par ce genre d'application, par exemple. Et enfin, je voulais vous parler de deux startups où c'est plutôt lié à la sécurité. La première, elle s'appelle Cloudware. Et alors, elle est assez intéressante puisqu'elle est, en fait, c'est une entreprise qui permet de déterminer la position d'un utilisateur et ensuite de lui donner accès à un réseau, par exemple un réseau de travail, etc., informatique, grâce à cette information sur la localisation. Donc, ça permet d'éviter de multiplier les couches de mots de passe tout en garantissant une certaine sécurité. Mais bon, vous allez me dire, peut-être, Gmail et Facebook, ils détectent déjà quand on se connecte à un endroit un peu étrange pour accéder à notre compte. Ils vous disent, par exemple, si vous êtes en voyage à l'étranger, mais attention, là, il y a quelqu'un qui se connecte depuis les États-Unis ou voilà, depuis votre lieu de voyage à votre compte. Sauf que là, ce n'est pas exactement ça l'idée de Cloudware. En fait, il ne se sert pas de l'IP de l'ordinateur que vous utilisez pour voir si vous êtes bien en train de vous faire pirater ou pas. Mais en fait, il se sert de la localisation de votre smartphone et de la personne qui doit se connecter. En gros, est-ce que la personne qui est en train d'essayer de se connecter à son ordinateur et à ce compte, est bien physiquement devant cet ordinateur au moment où il essaye de se connecter? Donc c'est pas bête, hein, ils envoient un petit ping, ils regardent si vous êtes bien devant votre ordinateur, et puis si vous y êtes bien devant, ça se fait sans que vous le sachiez, bah, vous avez accès à votre compte et au réseau de travail. C'est pas mal. C'est pas bête. Et la dernière dont je voulais parler, qui s'appelle Multipass, donc ça évoquera quelque chose à ceux qui aiment bien Luc Besson, voilà. Donc là, c'est une petite carte, tout simplement. Hein. C'est une petite carte qui permet en fait de retenir tous vos mots de passe pour vous, ce qui peut être pratique parce que c'est vrai que ça devient un peu galère. Moi, je commence à m'y perdre pas mal. J'ai un fichier Excel avec tous mes mots de passe que si je me fais chourer, vous pouvez prendre tout ce qu'il y a sur mon compte, etc. Ça s'appelle Password. Ça travaille chez Sony, toi. 1, 2, 3, 4. Tu veux être embauché, c'est Sony. Ouais, c'est clair. Donc là, voilà, le but, en fait, c'est que vous retenez seulement un mot de passe unique, c'est celui de la carte, en gros, qui est une sorte de code PIN. Hein, voilà. Et puis après, vous branchez votre carte multipass à votre ordinateur ordinateur via USB ou avoir votre téléphone. Vous avez une smart card qui est fournie avec, vous la déverrouillez avec votre code PIN et dessus, bah, ça va automatiquement identifier le site que vous essayez de consulter et le mot de passe qui est lié et qui est enregistré sur la carte, donc vous n'avez plus à vous souvenir. Donc même si quelqu'un vous vole la carte, de toute façon, il faut aussi qu'il connaisse le code PIN de cette carte pour pouvoir la détecter. Donc il faudra une seconde carte pour se rappeler le code PIN de la première. Ils vont peut-être l'imprimer dessus. C'est le truc. Voilà, donc ça, c'était, ça peut par contre pour l'instant ne retenir que jusqu'à 37 mots de passe. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, bon, ça vous fera une bonne partie des sites que vous utilisez au quotidien. Oh, oui. Et voilà, bon, bah, comme sur un smartphone, en gros, si on vous la vole et qu'on essaye tous les codes PIN possibles, bah, ça se bloque au bout de 3 codes PIN et la carte devient inutilisable. Donc vous perdez tous vos mots de passe. Donc essayez quand même d'avoir une petite mémoire à côté. Voilà pour les petites entreprises qui m'ont intéressé ces deux semaines. Julien. Oui, c'est moi. Tu nous parles régulièrement de Amazon Prime Air. Ah oui, d'accord. J'adore te bousculer, Julia, tu sais bien. Oui, parce qu'on a eu en fait des précisions, et c'est vrai que comme tu disais, c'est un feuilleton que je suis depuis quelques semaines. Ça m'amuse beaucoup, moi. Et qu'on pourrait appeler ça Amazon et les drones, hein, ça ferait une bonne série ou une série de romans. Et en fait, je vous avais déjà raconté les problèmes qu'Amazon rencontrait avec la FAA, l'Agence fédérale de l'aviation civile américaine, puisqu'ils les empêchaient de faire voler leurs drones. Finalement, ça s'était résolu, ils avaient pu le faire, mais ils étaient très encadrés pour effectuer ces vols-là. Et là, on a eu en fait quelques nouvelles précisions sur le programme de livraison des colis par les drones, qui s'appelle donc le Amazon Prime Air, puisqu'en fait, Amazon a déposé des brevets. Donc les brevets, c'est toujours intéressant pour voir ce qu'il va y avoir, comment ça va fonctionner. Souvent, c'est assez étudié pour avoir de la news. Et en fait, on apprend que les drones pourront livrer un paquet non pas seulement à une adresse, mais également à une position. Donc je voyais le petit visuel du brevet. Donc on voyait en fait un plan type un peu Google Maps. On voyait trois lettres ABC qui marquaient trois positions. Donc deux, c'était des adresses, l'adresse à domicile et l'adresse du travail, mais également une position, la position de celui qui a passé commande et qui peut être géolocalisé pour recevoir le colis directement. Donc ça peut être intéressant, plutôt que de le recevoir chez toi, bah, le drone il te l'amène directement. J'essaie d'imaginer en fait. T'essaies d'imaginer un drone. Bah, la défense, et puis il faut que le drone te trouve. Et il géolocalise, après si tu bouges, peut-être tu l'attends. C'est-à-dire que quelqu'un te pique ton paquet quoi. Ouais, c'est ce que justement, je suis en discutais avec un ami et on se disait, il va y avoir une espèce de masse, je sais pas, des gens qui vont s'organiser pour. Des pyramides du maître, c'est pour essayer d'attraper le drone en hauteur. Tout ça pour un vase à la con. Non, Amazon, ils vendent des vases. Ils vendent de tout, Amazon. Ah, d'accord. Okay. On apprend aussi qu'il y aura plusieurs tailles de drones selon le poids du paquet, forcément. Ça, on se dit, est-ce que ça va être des. Jusqu'à l'hélicoptère Airbus. Un truc énorme. Airbus. Non, j'en sais rien. Tu vois le truc énorme. Je commandais une commode hier. Et alors, il y a une petite précision qui m'a beaucoup fait rire, c'est que les drones feront tout pour éviter les humains et les animaux qui vont croiser. Donc c'est écrit, si le trajet du drone risque de croiser des humains ou des animaux, la navigation de l'appareil sera reprogrammée pour les éviter, ainsi que les routes et les trottoirs. Ça va être chaud quand même ça. Je sais pas où ils vont livrer. Ils vont livrer en campagne. Ils vont livrer Tom Hanks sur Paris, son île, pas dans son île désert. Voilà, donc les brevets montrent aussi qu'ils embarquent tout un tas de capteurs de caméras qui leur permettent de trouver leur chemin et d'atterrir sans aucun problème. On sait pas trop si ça serait effectif. Et voilà, moi, comme tu disais, moi, je suis vraiment curieux et à la fois un peu inquiet de voir comment finalement ils vont réussir à organiser un nouvel espace aérien de livraison. Tu vois, parce que si ça décolle ce truc-là, on se croirait dans la science-fiction quand tu vois plein de petits drones qui volent partout au-dessus de toi. Quoi. Ouais, t'imagines les pertes de colis, genre ils les ont lâchés à un endroit. Alors, pas de colis, il est dans la forêt de Rambouillet. Il est dans la Seine, hein, donc bon. J'ai la position géolocalisée, vous pouvez y aller. Hein. Voilà, ouais, ça va me faire bizarre, tu vois. À une époque, on parlait beaucoup, on parlait tout à l'heure des voitures, alors les voitures sans conducteur, mais les voitures volantes. Là, j'en parlerai pas, mais on en parlait beaucoup. Mais tu te disais, ouais, tain, le ciel, il va être plein de voitures volantes à la Retour à le futur. Mais là, ça va être des drones. Avant, il va être plutôt plein de drones, ouais. Voilà, donc voilà, bon, je suis curieux de voir comment ça va s'organiser. Ce serait bien que ça se développe, ce serait marrant, je trouve. Ouais. Greg, tu voulais nous parler un peu de Facebook, notamment de Facebook et internet.org. Effectivement, internet.org, j'avais fait une petite mention là-dessus sur le podcast d'avant, le podcast 12, qui a un peu du plomb dans l'aile, on va dire, qui a du mal à convaincre. Hein. Je rappelle que rapidement, de internet.org, c'est Mark Zuckerberg en 2013 qui avait dévoilé ce programme, qui consiste en gros à connecter l'ensemble de la planète via des drones autonomes, par exemple. Qui vont diffuser de l'Internet donc aux pays qui ont le moins accès à Internet. Hein. Donc il y a Facebook qui y participe, bien sûr, c'est eux qui sont à l'origine de ce programme. Il y a aussi Ericsson, il y a aussi Nokia, il y a aussi Samsung, par exemple, qui peut participer à ça. Et en avril, il y a plusieurs sites et médias indiens qui ont effectivement décidé de se désolidariser. désolidariser. Voilà, vous le dites pour moi, hein, du projet. J'avais aussi parlé, moi, des associations au Brésil qui avaient demandé à la présidence de vérifier la conformité avec d'internet.org avec la législation de la neutralité du net qu'il y a au Brésil. Et là, il y a une dizaine de jours aussi, en plus de ça, des dizaines de milliers d'internautes indiens ont participé à une opération blackout en désactivant leur profil Facebook pendant 24 heures hein, pour essayer de faire prendre conscience au réseau social qu'ils n'étaient pas foncièrement d'accord avec tout ça. Pourquoi ? C'est quoi le problème ? En gros, c'est qu'en s'appuyant sur différentes infrastructures, donc j'ai parlé des drones, hein, mais aussi des connexions satellitaires, ce genre de choses, et sur une application mobile spécifique, internet.org, donne un accès donc gratuit à différents services et à différents sites d'information comme Facebook, Google Search, Messenger, Wikipédia ou AccuWeather pour le temps qu'il va faire. Sauf que le problème, c'est que les accusations portent sur le fait que Facebook pourrait porter atteinte à la neutralité du net. Pourquoi ? Parce que Facebook, c'est eux qui choisissent en fait concrètement qui va avoir accès à quoi, enfin à quoi exactement ces gens vont avoir accès. Donc Facebook a fait la liste de certains sites auxquels vous pouvez avoir accès quand vous profitez entre guillemets de l'internet gratuit d'internet.org. Et donc ils ont dit bah voilà, vous aurez accès à Wikipédia, etc. Mais si vous voulez aller sur notre site, en gros vous n'avez pas le droit. Ça c'était prévu dans internet.org et c'était Facebook qui choisissait tout ça de son côté sans consulter personne. C'est lamentable quoi. Donc eux, bien sûr, tout le monde doit pouvoir accéder au même site sans aucune discrimination. Et comme les sites étaient en plus choisis donc par le biais du géant américain, logiquement ça créait un petit peu des petits problèmes. Au début, Mark Zuckerberg avait répliqué en disant voilà sur le réseau social, bah sur Facebook, je crois qu'il avait mis cette publication en disant que lui, il était plutôt engagé sur la neutralité du net. Hein. Là-dessus, on peut lui donner plutôt d'accord parce que lors de débats aux États-Unis, il était plutôt effectivement du côté de la loi qui garantissait la neutralité du net. Et lui, il disait plutôt que bah, son application avait d'abord pour but d'aider les gens les moins aisés et qu'il valait mieux un accès limité à Internet que pas d'accès du tout. Voilà, un peu, c'était ça sa position. Ça n'a pas suffi à rassurer, ça n'a pas visiblement convaincu et Zuckerberg a finalement décidé de complètement revoir sa copie et de lancer une nouvelle plateforme, enfin en tout cas de se servir d'internet.org pour l'ouvrir complètement. Donc bientôt la plateforme sera ouverte et complètement non bridée. Voilà, c'est en train de se faire là, c'est des manipulations techniques qui sont en train de se faire pour que ça se change. Et ça sera donc ensuite à charge pour l'internaute de choisir la trentaine de services auxquels il souhaite avoir accès. Et ils seront modifiables tous les mois. Donc c'est l'internaute cette fois-ci qui choisira les sites auxquels il veut accéder et non plus Facebook qui choisira pour lui. Il faudra quand même, pour faire partie des sites, on va dire, qui sont éligibles, il faudra quand même montrer patte blanche et respecter les règles définies par Facebook. À savoir, en fait, c'est surtout des règles qui consistent à donner une certaine consommation de données, en fait. C'est pas tellement des contenus, mais c'est plutôt en termes de bandes passantes qui sont consommées, etc. Donc voilà, et d'utiliser aussi des éléments adaptés aux smartphones. C'est-à-dire que s'il y a trop de bandes passantes, ça ne marchera pas ? Bah non, parce que... Donc YouPorn, par exemple, c'est pas possible. Je pense qu'il va falloir qu'ils fassent une autre appli différente, YouPorn ou ce genre de site avec de la vidéo. Effectivement, par exemple, sur leur application spécifique Facebook pour les pays voilà, qui ont internet.org, c'est une appli, par exemple, où il n'y a pas de vidéo, et je crois qu'il y a très peu de photos, beaucoup moins de photos, ah bah, qui sont sur, sur leur version de Facebook, du coup. Donc voilà, il faudra aussi à peu près suivre la même logique si vous voulez développer votre propre appli pour internet.org. D'accord, bon, moi je trouve pas ça génial, mais bon, c'est mon avis. Ouais. Il faut voir ce que ça va donner. Bon, déjà, c'est bien que les gens se soient mobilisés pour que oui, ça change. C'est bien que les gens aient conscience déjà. Et que ça a été efficace puisque ça a changé. Donc c'est plutôt bien. Super. Julien, tu nous parlais de voitures tout à l'heure. Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais parce que j'aime beaucoup fois... les voitures. Non, c'est qu'à chaque fois que tu me surprends, comme tu. Oui, je change de conducteur, donc je ne sais plus où j'en suis dans mes notes. J'adore faire ça. Non, en fait, on a déjà parlé dans Upcast des voitures autonomes. Ou des voitures sans conducteur, je crois que c'est Greg qui avait parlé 3-4 autres. Ouais, quand on avait vu la version définitive de la Google Car en fait. Ouais, puisque là vraiment les voitures sans conducteur c'est une réalité, bah, tout du moins aux États-Unis où les Google Cars sillonnent déjà les routes de Californie. Effectivement. Et bien en fait chez Google là on est un peu passé en mode communication de crise puisque l'agence de presse qui s'appelle l'agence AP a déclaré que 4 véhicules sur les 48 qui circulent sur les routes de Californie, donc c'est pas énorme, hein, il y en a 48, avaient été impliqués dans des accidents de la route depuis septembre 2014. Alors les 4 véhicules concernés roulaient tous à moins de 16 km, hein, donc voilà, il n'y a pas non plus... 16 km/h. 16 km/h, ouais. quand elles ont eu les accidents. Ouais. Elles peuvent rouler plus vite. Hein. Ouais. D'accord, sinon. Et 2 seulement circulaient en mode automatique, les 2 autres étaient contrôlés par des conducteurs, et 3 véhicules étaient effectivement des Google Cars. L'autre, c'était une marque qui s'appelle Delphi Automotive. D'accord. C'est juste pour la précision. Donc selon les compagnies d'assurance, pour le coup, les dégâts ont été mineurs, hein, puisque c'est 16 km/h, on ne va pas non plus... Ouais. Se mentir, c'est des petits dégâts. Et c'est vrai que vu le faible total de véhicules en circulation, on ne va pas non plus tirer des statistiques sur la fiabilité de ce système. Oui. Mais c'est vrai que les voitures sans conducteur, c'est quelque chose qui est encore un peu méconnu, qui peut faire peur au grand public, qui doit se démocratiser. Et c'est vrai que même des incidents comme ça, qui sont assez mineurs, ça peut rapidement faire une mauvaise publicité au projet. Ça peut un peu faire tache d'huile. Hein, si les voitures, excellent. Excellent. Google a plutôt bien fait de communiquer là-dessus en expliquant que c'était des accidents à faible kilomètre heure et que du coup c'était pas très très grave et que même les compagnies d'assurance avaient validé ça quoi. Ouais, et pour le coup ils ont même presque plus que réagi puisqu'ils ont vraiment voulu éteindre le feu et rassurer les consommateurs et aussi les autorités puisque ça c'est important. Et donc c'est Chris Urmson, le directeur du programme, qui a fait une lettre pour préciser que en fait depuis le début des tests les voitures de Google avaient été impliquées au total dans 11 incidents mineurs. Et alors qu'elles ont déjà roulé pratiquement 1 million de kilomètres sur le bitume américain. Et il a précisé qu'aucun de ces 11 chocs n'a été causé par une défaillance des algorithmes programmés par Google. Il s'agissait à chaque fois d'erreurs humaines. Donc en fait, pour lui, ce n'était pas les machines, c'est à cause des conducteurs. C'est toujours une erreur humaine, c'est ça. Qui était due en fait à des mauvais comportements de chauffeurs d'autres véhicules. Donc en fait, il expliquait, nous avons été accrochés 7 fois par l'arrière, principalement à des feux rouges, mais aussi sur des autoroutes. Donc voilà, en gros, c'est machine contre humain. Et pour lui, forcément, il est directeur du programme des Google Cars, donc il a choisi son camp. En même temps, on ne va pas se mentir, des mauvais conducteurs, il y en a sûrement plus que bons conducteurs. Je dis ça parce que je ne conduis pas, donc je peux me permettre de juger les autres. Mettre à dos la moitié de la population française en moi, comme un gros salaud. Et on voit sa ligne de défense et parler du comportement dangereux des conducteurs. Et justement, il dit « Nos chauffeurs voient régulièrement des individus changer de fil inopinément. Nous avons vu des gens lire des livres volants et même un qui a joué de la trompette. » Voilà. Il a précisé ça dans sa lettre. Ça fait marrer. C'est what the fuck. Quoi. Voilà, je vois bien un type là en train de conduire, puis il joue de la trompette en même temps. Voilà, pourquoi pas. Hein, tout est possible. De l'autre côté, pour lui, les machines, elles, sont pas en cause, puisque forcément, elles sont infaillibles. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'avec une visibilité à 360 degrés et une attention à 100% en permanence dans toutes les directions, nos capteurs peuvent garder en vue tous les autres véhicules, les cyclistes et les piétons, à une distance de presque 2 terrains de football. Ouais, c'est pas mal quand même. Donc voilà, là, c'est une sorte de, ça sera le super conducteur. Tu peux rien répondre à ça. Il a forcément un peu raison, quoi. Et en même temps, je me suis dit, s'il y a des procès comme ça, je pense que les conducteurs gagneraient en fait. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que la bataille des machines est déjà perdue, même si c'est infaillible. Tu crois? Moi, je suis justement de l'avis un peu opposé en fait. Ouais, je dirais qu'à mon avis, Google, quand ils vont avoir un accident comme ça, ils vont avoir des centaines de pages de données récoltées automatiquement, tu vois, avec des analyses de partout, des photos prises en direct. Tout sera filmé avec des caméras, tout sera enregistré via des Google. Enfin, tu vois, à mon avis, il y aura trop de preuves pour que les assurances puissent donner raison à l'être humain qui est accroché par derrière. Non, mais une bonne chose, c'est que c'est bien qu'ils aient des mini-accrochages durant les fast tests. Au moins, ça montre que même si les Google Cars sont irréprochables, elles devront tenir compte des comportements humains qui sont n'importe quoi. Mais en fait, il expliquait que justement, par exemple, à un feu rouge, ils attendent tu vois, 1 ou 2 secondes pour démarrer. Ouais. C'est programmé comme ça parce qu'ils disent... Il ne faut pas qu'ils viennent à Paris. Hein. il faut klaxonner, il faut courir derrière. Mais ils attendent pour pas qu'il y ait des gens, tu vois, par exemple, qui passent moment où il y a le orange, ils passent, ils accélèrent, il y a le rouge qui passe. Donc si c'est un gros carrefour, faut mieux laisser passer 1 ou 2 secondes pour s'engager. Oui, mais c'est intéressant. Ouais. Ça se concrétise quand même aux États-Unis, hein, cette histoire de voiture autonome. C'est super intéressant. Moi, j'aime bien l'idée. Après, surtout quand tu conduis à Paris, t'aimerais bien que ça soit plus calme. On en reparlera peut-être dans un autre podcast parce que là, on va pas prendre le temps de faire ça. Mais en termes d'impact sur l'économie réelle, ça risque d'être hyper important, quoi. Tu vois, genre toutes les firmes d'automobiles qu'on connaît actuellement, les Peugeot, etc., ils peuvent couler avec cette histoire de voiture. Ah oui, ça peut être une révolution. Sauf s'ils s'engouffrent dans la brèche comme ils semblent vouloir le faire. Ouais, mais il y en a qui sont mieux partis que d'autres, on va dire. Ah bon. Bon, Greg, je crois que tu aimes les suricates. J'aime les suricates et je vous avais déjà parlé de cette rivalité entre effectivement Meerkat et Periscope il y a quelques podcasts. Hein. C'était un petit peu la guerre entre ces deux applis. Et moi, ça m'avait passionné ce genre de guerre, un peu comme Spotify et Apple tout à l'heure. Et c'est vrai que là, on a eu un peu. J'avais dit à l'époque que Periscope risquait de largement gagner sa victoire contre Meerkat. Ça s'est plutôt confirmé. On a eu un match de boxe aux États-Unis. C'est assez populaire comme sport, beaucoup plus qu'en Europe. Et là, c'était donc entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao. Donc, je m'y connais pas trop en boxe. Désolé. Si je m'y connais pas des masses, mais en gros, ce combat du siècle, voilà, exactement, a été largement l'occasion de vérifier que Periscope avait complètement battu à plate couture Meerkat, puisque des centaines de milliers de personnes ont vu ce combat de façon illégale, puisque normalement il faut payer pour le voir, mais ils l'ont vu sur Periscope, puisqu'il y a des gens qui filmaient le combat directement depuis la salle ou qui filmaient leur écran de télé qu'ils avaient eux acheté, ils avaient fait le pay-per-view. Et donc, le combat du don de pay-per-view a été gagné par Periscope, qui d'ailleurs, même le patron de Twitter a déjà dit, même sur son réseau social, justement, The winner is Periscope. Donc, à la fin du combat, voilà, il a fait grincer, j'imagine, des dents les gens qui avaient les droits de ce combat. Parce que bon, bah, ça, on risque d'en entendre parler à nouveau, hein, de ce combat de Periscope et surtout de Periscope versus Meerkat au niveau des diffusions en direct, hein, de ces applis, donc, qui permettent de diffuser en direct des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, puisque ça va poser pas mal de questions de droit à l'image dans les années qui viennent. Et je l'ai dit, là, Periscope a largement gagné le match. C'est vrai que par rapport à Meerkat, ils ont eu beaucoup de gens qui ont regardé ce match via Periscope. Meerkat n'abandonne pas le jeu quand même. Ils se laissent pas faire finalement. Meerkat, par exemple, a gagné la bataille sur le lancement sur Android, puisque depuis le 1er mai, vous pouvez avoir Meerkat sur Android, alors que Periscope n'est pas encore disponible à ma connaissance. Et même dès le 4 mai, on a, lors de la première mise à jour de Periscope, on a vu qu'il était possible de coupler l'application au contact du téléphone, mais aussi de poster des vidéos de Meerkat sur Facebook et de s'inscrire sur ses services en utilisant son compte Facebook et non plus son compte Twitter. Donc Meerkat prend des distances avec Twitter, hein, logiquement, c'est la guerre entre eux, ils font la même chose, et ils se rapprochent plus ou moins de Facebook avec l'intégration de Facebook. Twitter, après quelques jours, juste après Periscope, a également fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils se sont... Periscope s'est un peu éloigné de Twitter, vous n'êtes plus obligé d'avoir un compte Twitter pour utiliser Periscope, maintenant vous pouvez l'utiliser sans compte Twitter. Au passage, Meerkat, on notera qu'il se rapproche donc un petit peu de Facebook. Il y a déjà des rumeurs qui parlent du rachat de Facebook, enfin de Meerkat par Facebook, pardon. Ça m'est très ils auraient grossi vite. Ils auraient grossi très vite. Donc là, c'est Jason Calacanis, qui est un entrepreneur de la Silicon Valley assez connu là-bas et un grand investisseur, et qui a dit qu'il y avait des sources, des infos privilégiées en disant que Facebook allait acheter Meerkat dans les 6 prochains mois, a priori. Donc c'est le moment d'acheter des actions de Meerkat si vous en avez. Ce qui ne serait pas non plus d'ailleurs stupide de la part du réseau social, hein, parce que c'est quelque chose qui semble vraiment plaire au grand public. Hein. Le succès de ce match de boxe diffusé sur les réseaux sociaux l'a prouvé. Et puis Facebook n'a pas de solution actuellement pour diffuser des vidéos en direct, donc ils pourraient s'en fournir une, ce qui serait relativement logique avec les WhatsApp, les Instant Messenger. Ça compléterait bien leur offre, on va dire, multiplateforme. Donc ça peut faire sens, donc à suivre dans les 6 prochains mois pour voir si ce monsieur, cet analyste, s'était trompé ou pas. D'accord, je tiens au courant. Bien sûr. Bon, 2 petites news pour terminer. Julien, tu voulais nous parler de Kickstarter. Ouais, puisqu'en fait, on avait quelques rumeurs ces dernières semaines, et c'est vrai qu'il y avait le lancement d'un Kickstarter allemand qui montrait que le célèbre site de crowdfunding, donc financement participatif en bon français, peut-être traduit par le CNC, ils vont peut-être trouver une autre appellation, avait coché l'Europe sur sa carte des investissements. Et bien, en fait, c'est officiel, puisque Kickstarter va débarquer en France le 27 mai. Cool. Donc voilà, il faut savoir, déjà la France s'était classée en 2014 au 6e rang des pays les plus dynamiques en matière de dons sur Kickstarter. Ah oui. Ouais. Alors qu'il n'y avait pas de... Il n'y en avait pas en France. C'est le même site, mais après, c'était pas traduit en langue française. Il existe quelques sites en France Il y avait un truc avec Ulule. Ouais, Ulule, ouais, et merci. Aussi un truc Bang Bang ou... Kiss Kiss Bang Bang. Ah, ils ont repris exactement le nom du film. Ouais, je crois que c'est ça. Donc dès le 27 mai, la France aura sa version localisée. Et donc ça veut dire, selon le communiqué de presse officiel du groupe, que les créateurs installés en France auront la possibilité de lever des fonds en euros via Kickstarter et en utilisant leurs coordonnées bancaires locales. Bon, donc ça c'est bien. Juste pour rappeler, Kickstarter, depuis sa création, ils ont levé un total de 1,7 milliard de dollars auprès de 8,5 millions de personnes et ils ont financé 84 000 projets. Pas mal. Et la plateforme était disponible dans 11 pays, et je crois qu'ils vont encore se développer dans les pays du sud de l'Europe. On va pouvoir mettre le podcast sur Kickstarter. Kickstarter France est parti. Upcast. Ouais, par contre, il y a 44% des projets présentés seulement, c'est déjà beaucoup, mais un peu moins de la moitié des projets qui sont financés. Ah merde. On a qu'à le lancer deux fois. Le mec s'y connaît en stats. On le lance deux fois et c'est bon. Ouais, trois fois, t'es sûr de l'avoir 100%. Ouais, c'est bon. Ouais, d'ailleurs, souvent, quand moi je regarde un peu les projets Kickstarter, notamment en jeux vidéo, c'est souvent des gens qui sont un peu connus, qui ont un nom. On est mort alors. On voit les anciens de Rare là, qui ont lancé leur projet. Oui, j'ai vu le truc, d'ailleurs qui ne va pas plus, mais. Ouais, le successeur. Pourtant, qui a été financé. Le successeur de Banjo-Kazooie. Ouais. Et il y a aussi le jeu de Itagashi, le mec qui a fait Castlevania Symphony of the Night. Blumstein, qui a été aussi financé en 1,5 million. En quelques heures. Quelques heures, ouais, c'est toujours comme ça pour les gros. Donc en fait, quand tu as vraiment un gros nom, tu finances. Oui, ça va vite. Ok, bon bah super. Grégoire, pour finir la partie techno, tu voulais nous parler de Google Copy Pinterest. Bah ouais, très rapide news pour parler de la nouvelle fonctionnalité de Google du réseau social qui s'appelle Collection, donc qui permet voilà, bah, de créer des collections, hein, tout simplement, sur vos passions, vos hobbies, et de publier donc des photos, des vidéos sur chacun de vos centres d'intérêt. Collection, c'est largement personnalisable, hein. Vous pouvez en gros nommer chaque vignette que vous postez, donc chaque photo que vous postez, avec une image, une couleur, etc. Donc voilà, si vous êtes fan de, je ne sais pas, de voitures de sport, justement, ou de choses comme ça, ou de football, vous pouvez faire les meilleures photos de votre équipe. C'est très dans le ton du podcast. Voilà, tu nous connais bien. Mais j'essaie de changer un peu l'audimat, tu vois. J'essaie de recruter des nouvelles personnes. Donc vous pourrez vous abonner aux collections des autres internautes, hein, celles qui vous intéressent. Bon, pourquoi pas. C'est vrai que la ressemblance entre collection et Pinterest est assez frappante. Hein, donc voilà, vous pouvez faire un peu la même chose que sur Pinterest, mais bon, j'y crois assez peu parce que bon, déjà Google+, le réseau social, ne marche pas des masses, ça on le sait. Pinterest marche très très bien. Justement, Pinterest dispose maintenant de 50 milliards d'épingles postées. C'est un peu compliqué de les rattraper, je pense. Ils viennent de finaliser une nouvelle levée de fonds d'un montant de 367 millions de dollars, ce qui fait passer la valorisation de Pinterest quand même à 11 milliards de dollars. Donc en gros, c'est peut-être parce que Google s'est dit maintenant ils sont un peu chers pour les acheter Pinterest qu'on va faire un concurrent. Parce que c'est vrai qu'il y a un an, par exemple, Pinterest valait que 5 milliards de dollars. En un an, ils sont passés à 11 milliards de dollars. J'ai pas vu du tout progresser comme ça. Ah oui, ouais, c'est en train de devenir énorme. Et en plus, c'est pas fini, puisque si on en croit les rumeurs qui sont quasiment confirmé en fait, hein, il y a un bouton acheter qui est en train de se mettre en place sur Pinterest, ce qui change mine de rien toute la politique site, hein. C'est-à-dire que c'est plus du tout un site où on va juste épingler ses passions. Si une des photos vous plaît, vous pourrez cliquer sur le bouton acheter et donc acheter le produit par exemple que vous voyez, si c'est un produit. Donc ça devient un site de collection de hobby, ça passe à un site marchand en fait, mais avec un nouveau design, une nouvelle façon de vendre les choses. Donc ça, c'est à suivre de très près, parce que ça pourrait faire encore exploser beaucoup plus Pinterest, qui se rapprocherait plutôt d'un Amazon graphique, on va dire, que voilà, d'une simple collection de photos. Donc Pinterest, en plus, je conclurai là-dessus, c'est quand même une société maintenant qui a plus de 500 salariés, qui a des bureaux à Londres, Paris, Berlin, Tokyo, Sao Paulo, et qui commence déjà à avoir des revenus depuis 2014, hein, avec quelques publicités sous la forme de contenus sponsorisés par des annonceurs, comme sur Twitter par exemple. Donc c'est vrai que bon, c'est bien Google, c'est joli d'essayer de collection, mais à mon avis, ça va être compliqué de rattraper Pinterest. Voilà. D'accord. Merci Grégoire. Ainsi se termine notre partie techno. On enchaîne avec notre partie divertissement. Dans cette partie divertissement, nous allons commencer par parler un peu de séries. Ouais. Voilà. C'est moi en fait qui avais envie de vous parler un peu de Amazon. C'est Amazon, je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne savez pas, mais Amazon est un nouvel acteur dans le monde des séries. Et j'avais un peu envie de revenir sur Amazon parce qu'il a une façon différente d'aborder les séries qu'on connaît ici, par exemple par le biais de Netflix, hein, qui est une façon de produire des séries assez classique, on va dire. Mais Amazon, justement, produit des séries de façon un peu différente. Est-ce que déjà vous saviez qu'il y avait des séries Amazon ? Alors moi je savais, on en avait parlé un petit peu lors de la Transparente qui avait eu un prix, je crois. Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient eu, un Golden Globe, il me semble, un truc comme ça. Enfin, ils avaient eu pas mal de prix au Golden Globe, ouais, il me semble, Amazon. 4 prix, il me semble, de mémoire, entre Netflix et Amazon. C'est possible, dernier oui, Golden ils ont eu Globe. Des prix. Je peux pas te dire tous les prix qu'ils ont eu, donc, mais c'est vrai qu'ils ont été bien. Je savais qu'Amazon en faisait, après j'en ai jamais vu, perso. Bah, en fait, déjà, on peut voir les séries Amazon en théorie par Amazon Prime. Donc il faut aller sur le site Amazon, en fait. Oui, mais Amazon Prime, c'est réservé au public américain, donc normalement, on ne peut pas le voir par Amazon en France, c'est normal, donc il y a moins rayonnement. Sauf avec un petit VPN, peut-être. Peut-être, je sais pas si, mais ça coûte plus cher, c'est $99 par an. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, mais t'as de la musique, t'as des séries, t'as. Ah d'accord, ça vraiment beaucoup plus de choses. Voilà. Okay, okay. Ça n'existe pas, ils font pas ça en France encore. En France, non, ça commence à se développer, mais en France, on a que le Kindle. Et puis la loi en livres. France, elle est particulièrement chiante, donc à mon avis, avant qu'ils fassent ça. Je pense France, qu'ils sont un peu plus tièdes là-dessus. Ouais. Ouais, ils vont faire comme Netflix et ils vont gueuler toutes les deux semaines pour dire. Je sais pas, à mon avis, ils attendent d'avoir une assise un peu plus importante aux États-Unis avant d'arriver. Donc Amazon Prime, donc, on peut les voir en France sur des chaînes comme OCS par exemple. D'accord. Voilà, ah, donc voilà. Leurs séries sont quand même diffusées sur d'autres. Moi, c'est comme ça que j'ai pu les voir. Hein. D'accord. Je vais vous expliquer. Pourquoi je vais vous parler d'Amazon ? Non pas parce que c'est juste un nouvel acteur, c'est parce que c'est un acteur qui veut faire les choses différemment. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la façon de produire les séries d'Amazon ? C'est que Amazon veut déjà produire des séries que vous et moi pouvons leur proposer. C'est-à-dire qu'ils ont un site qui s'appelle Amazon Scribe Submission, sur lequel vous pouvez déposer un script, et Amazon s'engage à le lire et à vous dire s'il est intéressé ou pas. C'est pas vrai. Si, si. C'est génial, ça. Sur ce site, Amazon Scribe Submission, vous avez même des outils qui vous aident à construire votre histoire et à faire un storyboard. C'est génial. Donc, quand vous allez sur ce site, vous pouvez voir d'ailleurs tous les scripts qui sont proposés. Les plus intéressants sont mis en avant. Vous pouvez voter. Et si suffisamment de votes sont retenus, enfin, ils sont lus et analysés par Amazon, Amazon les met en avant. Si ils sentent que la mayonnaise prend, un pilote est produit. Et à ce moment-là, le pilote est diffusé sur Amazon Prime. Deuxième chose intéressante, c'est que justement, les pilotes sont diffusés pas sur Amazon Prime, mais c'est seulement si les pilotes intéressent les gens, qu'ils sont regardés et que les gens disent « on est intéressé », que la série démarre. Donc en fait, n'importe qui peut proposer un truc, mais il y a une phase de présélection, on va dire, par des votes. Il y a une phase de présélection plutôt interne à Amazon. En fait. Voilà, okay. Ensuite, Amazon dit « ça nous plaît, on fait le pilote ». Le pilote est financé par Amazon. Il y a le vote entre les deux, du coup. Avant le pilote, non, il y a en le fait, vote. Non, je m'en mêle un peu. On dépose un script. Amazon dit « ça nous intéresse, on produit le pilote ». Le pilote est diffusé. À la fin du pilote, Amazon dit « est-ce que vous avez aimé ?» Okay. Et là, vous et moi, on peut dire « on est d'accord ». D'accord. Alors ça, c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu des séries qui ont été produites. Exactement. Suite à une soumission. Je vais vous parler tout de suite de séries qui ont déjà été choisies comme ça. Par exemple, alors... En 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez, Zombieland, ils ont essayé de faire une série de ce film. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Oui. Il y a eu un pilote, ça a été annulé. D'accord. C'est-à-dire qu'au terme de l'épisode, en fait, vous avez un message d'annonce qui dit « connectez-vous là et dites-nous ce que vous en avez pensé ». S'il y a plus de 70% de suffrages qui disent « on a aimé, on veut voir la suite », ils le produisent. Donc Zombieland, clairement, ça n'a pas plu. Oh la vache, c'est un peu, c'est dur ça. Oui, on va parler après de... On parlera après de ce système, hein, oui. C'était bien ou mal. Mais... par exemple, je ne sais pas si vous le savez, en 2014, Chris Carter a produit une série pour Amazon. Ouais. Donc Chris Carter, pour ceux qui connaissent, c'est quand même celui qui a fait X-Files. Ouais. Voilà. Sa série s'appelle The After. J'ai vu le pilote et cette série n'a pas été. Ça s'est arrêté au pilote ça aussi. C'est pas. Ça s'est. Ça peut être escondu. Est-ce qu'on parle tout de suite de ce mode quand même de dire il faut être convaincant au pilote quoi. Ça veut dire ça quand même. Alors après on parlera du bien et du pas bien. Ouais. On ouvrira une sorte de débat. Okay, ouais, parce que là moi ça m'étonne hein, purée. Alors donc il y a le système. Je soumets un script. Ça plaît à Amazon. Amazon fait un pilote. On vote si le pilote nous plaît ou pas. Okay. Ils ont aussi une autre politique qui les créateurs qui ont fait leur preuve ont évidemment carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Bon. Ainsi on a appris que Woody Allen allait faire une série pour Amazon. Effectivement. Steven Soderbergh. Ah ouais. A fait un pilote et la série va être lancée. D'accord. Ça s'appelle Red Hoax. Excusez-moi pour l'accent, Red sais pas. Hoax. Red Hoax, voilà, oui, Red Hoax. J'ai pas vu personnellement ce pilote, hein, mais je sais que la série va être produite. Et là, d'accord. Pour le coup, c'est le même principe, c'est-à-dire tu votes aussi pour la suite. A priori, non, sur les grands. C'est les grands auteurs, ils produisent. Genre Woody Allen, s'il se fait recaler. Oui, yes, c'est un peu dommage. Woody, écoute, non. Non, les grands auteurs, les gens n'ont pas aimé ton jazz au début de merde, là. Après, voilà, ça parle trop. Les grands auteurs, s'ils font une saison et que la saison n'est pas suivie, je pense qu'ils arrêtent, hein, comme n'importe qui. Oui, après, c'est rentable. Évidemment. Mais par exemple, on a une série qui s'appelle Mozart in the Jungle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je connais le titre, ouais. Moi, que je suis, que j'aime beaucoup. Qui a été produite comme ça aussi, du coup. Qui a été faite par Jason Schwartzman. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Et Roman Coppola. Ah oui. Le fils de. Ça va pas plaire à Greg. Non, Schwartzman, je suis pas fan. T'aimes pas? J'ai du mal avec ce mec, ouais. On a des débats de fond, tu vois. D'accord. Il y a, le débat Indiana Jones 4 et le débat Jason Schwartzman. Pas un débat Indiana Jones 4. Bon, Mozart in the Jungle, il y a Gael Garcia Bernal qui est acteur principal dans la série. Ah oui, c'est une grosse série déjà. Oui, oui, mais la série est vraiment très, très intéressante à regarder. Je vous parlerai plus précisément de. C'est sur Mozart, du coup? Non, c'est sur un chef d'orchestre. D'accord. À New York. Donc voilà, donc, le principe de Amazon c'est de donner la parole au public, entre guillemets, ça veut dire que vous regardez un pilote, si ça vous plaît, c'est produit. Okay. Donc qu'est-ce qui a été produit, qu'est-ce qui n'a pas été produit? J'ai évoqué Zombieland en 2013, on a eu Alpha House par exemple en 2013, qui est une série avec John Goodman, qui a des très très bonnes critiques, dont j'ai absolument pas entendu parler, qui est une série qui parle de la vie de sénateur américain sur le ton humoristique, une sorte de House of Cards humoristique. D'accord. Voilà, ça c'est intéressant. Il y a The After de Chris Carter dont j'ai vu le pilote. Alors ça c'était, moi j'ai trouvé que le pilote était intéressant mais que la série aurait été vraiment nulle hein, ouais. Pour le coup. C'est en gros c'est 8 personnes qui se retrouvent enfermées dans un ascenseur et quand ils arrivent à sortir de l'ascenseur dans plein New York, c'est le chaos, l'électricité a disparu. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Certains qui, si je dis Ravage de Barjavel, ça peut parler à certains. Ouais, il y avait une autre série qui s'appelait Révolution, je crois, qui était un peu sur le même principe. Je sais pas. Qui partait du principe justement, on recommençait tout, voilà, l'électricité disparaissait, etc. Il fallait réapprendre à vivre sans ça. Il n'y a pas un film avec Will Smith là Je suis une légende. Dim. J'ai dit iRobot. Non, au contraire, iRobot. Qui était basé sur un bouquin aussi, Je suis une légende. Ouais, qui s'appelle comme ça. Je suis. I am legend sans E. Enfin, aux États-Unis, ça ne s'appelle pas Je suis une légende. Non, c'est Je suis légende. Je suis légende. Ouais, I am legend. Comme si c'était son nom en fait. Je croyais que tu faisais juste une traduction littérale du. Concrètement, The After de Chris Carter, pour moi, j'ai trouvé que si ça avait été une série, ça aurait été vraiment nul. Bon, voilà. Donc c'est bien. C'est bien, les gars, vous avez bien voté. Donc Redox de Soderbergh, que j'ai évoqué, qui est alors une série d'être amusante. Hein, c'est un quotidien d'un assistant de prof de tennis. Donc il faut savoir que c'est joué par Paul Reiser, par exemple. Paul Reiser. Ah oui, d'accord. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein, il a joué dans Whiplash récemment. Oui, c'était le père dans Whiplash. Et il a été connu dans Dingue de toi avec Ellen Dingue de toi, Mad About You, ouais, ouais. Avec Ellen Hunt, effectivement. Série comique des années 80, je crois. Voilà, il y a. Bon, après, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans ces-là. Il y a Mozart in the Jungle que j'ai évoqué, Transparent que tu as évoqué, Grégoire. Ouais, on en avait parlé il y a quelques podcasts, qui a gagné donc un prix au Golden Globe. Hein, c'est un homme de 60 ans qui veut parler à ses enfants pour leur apprendre qu'il a changé de sexe. Voilà, qui veut changer de sexe, a priori. Et on en avait parlé lors du dernier podcast sur la news sur le féminisme, voilà, justement avec des séries causées, peut-être un peu aller plus loin que le débat homme-femme habituel. On pourra en parler un peu de cette série, moi j'ai été moyen convaincu. J'ai pas vu du tout, moi j'ai même pas vu un extrait. À voir. Non, pas vu non plus. On pourra en parler. Il y a une série dont j'ai vu le pilote qui est vraiment bien, qui s'appelle The Man in the High Castle. C'est une adaptation d'un roman de Philip K. Dick, qui est une série produite par Ridley Scott. Oh purée. Faite par Ridley Scott. Ils sont des gros noms Amazon, attends, mais là je découvre complètement là. C'est vrai, hein. Et The Man in the High Castle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une uchronie qui se passe dans les années 60, alors que l'Allemagne et le Japon ont gagné la Seconde Guerre. Ah ouais. C'est assez saisissant de voir. Ça se passe aux États-Unis, mais c'est sous le régime nazi. Hitler est vieillissant, il est en train de bientôt décliner et partir. Et il y a Goebbels et Himmler qui disputent le pouvoir. Mais ça se passe un peu comme ça. Je ne sais pas si j'anticipe sur un des trucs que tu voulais dire, mais. Ce qui me paraît étonnant, c'est que toutes ces séries, bah là, tu me parles de séries avec des énormes noms et j'en ai jamais entendu parler. Par rapport aux séries de Netflix qui font un débat, enfin, tu vois, à chaque fois, par exemple, Daredevil, on a entendu parler sur tout Internet, tout le monde en parlait sur Twitter, etc. Là, c'est la première fois que j'entends parler de ce truc. Et bah, ça, c'est le problème. L'avantage et l'inconvénient d'Amazon, c'est que pour l'instant, c'est vraiment américano-centré. C'est-à-dire qu'ils se développent absolument pas à l'international. Ils ne parlent pas de leur série à l'international. C'est vraiment tout sur le continent américain. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment être le rouleau compresseur aux États-Unis avant de se développer à l'international. Pourquoi pas, hein. C'est ce qu'ils ont fait pour le site marchand et ça a plutôt bien marché. Parce que là, ils ont les noms quand même pour. Ils ont les noms pour réussir. Ce qui est bizarre, c'est que tu vois, par exemple. Encore une fois, on peut voir leur série. Si vous avez OCS City, c'est vraiment. Moi, j'ai pu voir ces séries grâce à OCS City. Ah, je regarde ce que je l'ai. Ouais, donc ça manque. Mozart in the Jungle, Transparent, ça passe en ce moment. Ça manque un peu de pub quand même, parce que c'est vrai que tu vois, House of Cards, on n'avait pas Netflix en France, on connaissait déjà House of Cards. Oui. Et là, on n'a pas Amazon Prime en France, mais on ne connaît pas leur Transparente, ça, on en parlait quand même pas mal. Ouais, il y a eu un petit succès d'estime. J'en ai entendu parler sur Canal, après qu'on s'est passé pour les Golden Globes. Oui. En tout cas, là, les gros noms que tu nous as sortis sont, donnent envie quand même. Hein. Voilà, moi, en fait, je voulais vous parler de ça parce que le modèle de production est assez original. Il peut être enthousiasmant le fait qu'on puisse proposer ses propres scripts et même avoir des outils en ligne. Si on va sur leur site, on a des outils en ligne pour qu'ils nous aident à écrire des scripts. Après, que penser du fait que le pilote soit soumis à l'avis du public ? Alors ça, par contre, ouais, je suis plus dubitatif parce que ça veut dire qu'effectivement, tu dois faire un pilote convaincant. Alors pour une série, genre, je pense à Lost. Voilà, c'est un des meilleurs pilotes que vous avez mis vachement d'argent, etc. C'est un pilote hyper prenant. Donc qui coûtait plus cher à l'époque. Envie de voir la suite. Voilà, c'était le pilote le plus cher de l'histoire à l'époque. Ça a dû être largement battu depuis. Mais voilà, ça marche très bien pour ce genre de série. Mais des séries où tu dois mettre plus de temps à t'installer, où il y a une réflexion de fond, peut-être Mad Men, je ne sais pas, ou des choses comme ça. Où t'as pas... Non, mais voilà, on en parlait. Mad Men, t'es accro dès le début, non ? Ouais, non, mais voilà, il y a des séries où t'as besoin de t'accrocher aux gens. Ah, et c'est des personnalités c'est plus compliquées. Et du coup, si elle te plaît pas dès le premier épisode. Ouais, c'est dur, je trouve, quand même. C'est Amazon fait parler le public, quoi. C'est... Peut-être trop. Enfin, tu vois, sur une série, il faut aussi, je pense... peut-être que je suis un peu vieux jeu en disant ça, mais quand Netflix prend la décision, par exemple, de produire un Daredevil, il ne demande pas sa décision au public. Il dit au public, nous, on va le faire selon la vision de Frank Miller. On va le faire avec tel réalisateur, on va le faire avec tel acteur. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. On fait les 8 épisodes, les 12 épisodes, pardon. Et voilà, si ça ne vous plaît pas, nous, on aura pris le risque et on a notre vision artistique quelque part. Et tant pis si ça ne marche pas, quoi. Mais là, je trouve ça, en fait, à la fois bien, parce que oui, c'est bien le côté, tout le monde peut soumettre son idée, etc. Par contre, le côté... Vous votez, si ça marche pas, surtout dès le premier épisode, c'est fini. Alors, moi, le côté soumettre son idée, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Hein. Ouais, c'est sympa, il peut y avoir des idées, après, idée, bon. Mais alors après, pour le coup, je vais être aussi totalement vieux jeu, je suis totalement contre ce principe qui, pour moi, fait très télé-réalité. C'est-à-dire, c'est ça, tu votes pour quelqu'un que tu as envie de voir dégager. Et c'est pas le principe d'une ligne éditoriale, d'une chaîne, d'être, entre guillemets, à la merci de son public. Après, forcément, il y a aussi des principes des audiences à la télévision qui font que si ta série marche pas, la chaîne va la décaler en deuxième partie de soirée ou va la supprimer. Déjà, je trouve ça limite quand une chaîne supprime une série qu'ils ont achetée, ils la suppriment dès le début, je sais pas, au bout de 6 épisodes, ils voient que ça marche pas. Mais alors là, c'est quand même un peu la dictature du public. Moi, je trouve ça quand même assez dangereux. Oui, je suis entièrement d'accord. Ouais, puis ça risque, tu vois, tu as une sorte de promotion à faire des séries un peu avec des cliffhangers à la fin ou ce genre de choses, quoi. Un certain type de série. Écriture. Alors déjà, il y a des séries qui sont formatées, on va pas se mentir non plus. Il y a des tests qui sont faits parce qu'il y a forcément des audiences, donc il faut que ça marche. Mais alors là, c'est encore plus direct, quoi. Il faut que ça. Puis ouais, c'est très immédiat. Il dirait, on fait voter au bout d'une demi-saison, peut-être, tu vois, ou quelque chose comme ça. Mais au bout d'une demi-saison, t'as les audiences qui parlent. C'est oui, viens de faire voter. Tu vois. Moi, ça me paraît. C'est vrai que juste un pilote, c'est quand même vraiment réducteur, quoi. Bah ouais. Par exemple, on prend une série comme The Wire. Je suis pas sûr qu'on accroche juste au pilote, par exemple. Ouais, c'est clair. Même Breaking Bad. Même tu parlais de Lost. Enfin, le pilote, même s'il est très bien, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ça représente pas du tout tout le reste de la série par rapport à ce qu'elle est. Par exemple, c'est vraiment une série fantastique, alors que le pilote, c'est plus, on va dire, c'est quasiment un scénario de film catastrophe. Ouais. Donc, c'est vrai que juger vraiment une série sur un pilote, c'est limite. Ouais. Ouais, y a beaucoup de séries comme ça que j'aime beaucoup, et effectivement, le pilote, au final, n'est pas révélateur. Ouais, après, tu peux aussi penser que ça peut s'arrêter en cours. Je sais pas, on prend Lost, par exemple. Je sais pas, les gens, ils en ont marre de la trappe à la deuxième saison. Et ils disent, bah non, on veut plus voir cette série, et puis finalement, t'as jamais la suite. Est-ce qu'aurait pu se passer, en plus. Ouais, tu vois, c'est très long, la trappe. Hein. Donc, ça dure 24 épisodes sur la deuxième saison. Et... Mais c'est génial. Ah oui, non, mais après, voilà, mais tu dis, les gens, bon, c'est la meilleure partie. On a un peu des fans de Lost, hein, vous aurez compris. Mais voilà, tu te dis, les gens, il y a plein de gens qui ont décroché à ce moment-là de la série, et la série, après, elle est restée entre gens qui étaient un peu initiés à Lost, alors que la première saison, qui était plus un peu de la survie, un peu style, c'était un peu du Koh-Lanta fantastique, elle avait super bien marché, et après, forcément, voilà, ça part. Mais je trouve que dans l'endroit où c'est parti, c'est tout aussi intéressant, voire plus. Mais si après, le public a le pouvoir d'arrêter une série. Disons que ça fait un peu. On se gosse de la vision d'auteur, quoi. On donne pas la chance. Même, alors après, en termes de, là, je rentre dans peut-être un aspect plus technique, mais en termes de production, ça doit être une sacrée galère, parce que ça veut dire que tu produis entièrement un épisode, tu réalises entièrement un épisode, t'arrêtes tout. Il faut que ça plaise d'abord, et ensuite tu recontactes tous les acteurs, tu les fais revenir au Canada ou je ne sais pas où. Je t'avoue que je connais pas les rouages. Enfin, tu vois, t'imagines, même en termes d'organisation. Pour avoir vu The After, le pilote de Chris Carter, il y avait des moyens. C'était assez impressionnant. Bah après, la série était de très bonne qualité. Je parle niveau image, hein, c'est-à-dire que. Voilà, en plus il y avait une Française qui jouait dedans, qui jouait très très bien en plus, pour une fois. Wow. Donc une actrice française qui était vraiment nickel dedans. Bon après, ça avait l'air vraiment pas convaincant. Je comprends que ça avait pas séduit plus que ça, mais... Après, à quand ça va venir en France tout ça aussi, quoi, parce que Prime en France, c'est pas pour tout de suite, si je comprends bien, du coup. Je sais pas. Honnêtement, ils parlent pas de leur plan sur... Mais bon, encore une fois, on peut voir les séries en France de manière plus ou moins légale. Hein, oui, enfin ça, c'est un autre débat, mais... Ouais, mais après, voilà ce que je dis aussi. T'as des séries qui évoluent sur la durée. Par exemple, je pense aussi, une série, c'était la série de Abrams, là... Comment s'appelle cette série, là, fantastique Fringe. Fringe, voilà. Complètement différent. Ouais, premier épisode qui est très bizarre, qui est pas terrible, en fait. Apparemment, les dernières saisons, c'est les meilleures. Ah ouais, mais en fait, la qualité augmente en pic, et surtout, ça part sur complètement autre chose. Ouais. Enfin, voilà. Encore une fois... Les premiers épisodes, on a l'impression d'un sous X-Files ou un truc comme ça. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, et à la fin, il y a tout un univers assez marrant, quoi, qui se développe. C'est particulier comme série, il ne faut pas se mentir, mais bon, effectivement... Encore Abrams, il est assez fort, je trouve, pour installer très vite quelque chose, comme dans Alias, où on est tout de suite happé par le rythme. Voilà, Abrams, on n'a pas à se plaindre quand même. Oui, il ne pourrait pas se faire retoquer par le, par le système d'Amazon. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il est assez bon à ce sujet. Moi, les séries d'Amazon, déjà, j'en ai vu aucune qui m'a vraiment plu à 2000%, et je ne suis pas du tout pour leur système de « vous n'aimez pas le pilote, on arrête tout ». Ouais. Alors ça veut dire que quand une série est validée, c'est comme Netflix, tu peux voir tous les épisodes d'un coup ou il faut attendre tous les semaines? Ils sont partagés, mais en tout cas ils sont plutôt pour le binge-watching. D'accord. Ce que tu décris, c'est le binge-watching. Ouais. Pour certaines séries, ils vont les diffuser semaine par semaine exprès. D'accord. Parce qu'ils disent qu'ils ont conscience que parfois c'est bien d'attendre. Ah, c'est marrant ça. Voilà. Là-dessus, ils ont une vision, par contre. Bah, on avait vu. Enfin, je sais pas si on en avait parlé dans le podcast. C'est un peu bête de dire ça, mais Netflix se rend compte qu'en fait, le binge watching, ça ne marche pas tellement ça. C'est-à-dire que les gens le réclament. Mais par exemple, pour House of Cards, ils avaient mis tous les épisodes et ils s'étaient rendu compte que moins de 3% des gens avaient regardé la série premier week-end. Ah, c'est marrant ça. Alors, en fait, les gens prennent le temps de regarder. Ils aiment bien avoir tous les épisodes, mais prennent le temps de regarder. Bah, c'est ce que je fais. Hein. Better Call Saul, ils les avaient passés. Il fallait attendre une semaine entre chaque épisode. Alors, je sais pas si c'était un deal, les États-Unis, je ne sais pas. Ils revenaient un peu dessus. Et derrière, moi, j'avais vraiment aimé en fait reprendre ce rythme en disant ce soir, il y avait Better Call Saul, enfin tu vois, il y avait un côté moi en tant que vieux con de la télé. Better Call Saul, c'était aussi coproduit par AMC, je crois. et c'était diffusé en même temps sur la chaîne, donc c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, c'est ça. Tu dois avoir raison. Ouais. Il y avait un système, un truc à la, voilà, aux États-Unis qu'on. Mais moi, je me souviens de Lost qui passait 2 épisodes par soir sur TF1. Ah, c'était affreux. Attends. Mais j'adorais ça. Oui, c'était génial. Le lendemain, on en parlait au boulot. Enfin, c'était super. Bah, c'était à la fois, c'est un âge d'or révolu. Enfin, c'est un âge d'or. Je ne sais pas si c'est un âge d'or. C'était un âge révolu, en tout cas. Mais en même temps, s'il réinstaure avec des nouvelles façons de faire, pourquoi pas, quoi. Après, là, par exemple, un Game of Thrones, on est obligé d'attendre toutes les semaines pour l'avoir. Oui. Donc, on aime bien. Quelque part, ça crée le buzz toutes les semaines. Ouais, Mad Men aussi. Mad Men, on crée le buzz. Enfin, voilà, même si c'est bientôt fini. Ouais. C'est, malheureusement. Ça s'est fini hier. Je suis tristesse. Julien est un peu éteint. Je suis dépression. Je n'ai pas vu encore le dernier, parce que c'est demain. Mais donc, on n'en parlera pas. On ne fera pas de spoiler. Bon, parler de Mad Men, c'est dur. Je voulais juste attirer votre attention. C'est bien qu'Amazon essaye aussi de changer les choses. Pourquoi pas en termes de production. On est tous les trois, vous l'avez compris, du coup, très dubitatif sur cette histoire. Tous les quatre, même. On est très français, on est très. Tu nous as pas donné ton avis, toi, finalement. Tu n'es pas trop non plus d'accord, au final, Dim, sur le côté donner son avis juste sur le pilote, si je comprends bien ce que tu nous disais sur Lost. T'es plutôt dubitatif aussi. Ce que je disais, un pilote, c'est vraiment réducteur. Ouais, donc on est quatre à pas être convaincus. Sur juste un épisode. Bon, si vous voyez des arguments qu'on n'a pas, nous, vus de notre côté, tous les quatre, en parlant là, comme quoi c'est peut-être une bonne solution de faire ça, venez nous en faire part sur le site upcast.fr. Mais c'est vrai que cette méthode de production paraît étonnante, même si c'est bien, je trouve que voilà, Amazon, Netflix essayent de changer les choses. On a vu que Netflix avait fait une sortie à Cannes qui avait fait largement débat en disant que bah voilà, en ce moment, c'était l'âge d'or de la série, l'âge d'or de la télévision, l'âge d'or du cinéma, et suite à quoi ils ont été vivement critiqués parce qu'ils remettaient en cause tout le système de production européen, tout le système de délai. Bien, un peu de mettre à copier la formule. Au final, c'est peut-être ça qu'on est aussi, nous, en tant que consommateurs, parce que voilà, on est tous les quatre, je pense, des gros consommateurs à la fois de séries, de ciné ou de ce genre de produits. Bah, nous, on a quelque part envie d'avoir aussi les séries plus rapidement, de ne pas avoir à attendre 36 mois entre sa diffusion au ciné pour un film. Parce qu'Amazon produit aussi des films maintenant. Donc, je trouve que la réflexion est pas mal. Bon, après, voilà, cette histoire de vote sur un pilote, c'est vraiment discutable. Mais par contre, la volonté derrière de foutre un coup de pied dans la fourmilière, moi, je suis totalement pour. Quoi. Et en plus, il faut dire qu'à part nous et les gens qui nous écoutent, le grand public a un peu des goûts de merde quand même. Donc, tu vois, moi, je me fierais pas. Bah, c'est bien, on se mouille pas trop parce que le grand public nous écoute pas des masses. Là, je pense. Non, mais voilà. Et les gars, vous avez des goûts de merde. J'ai pas trop envie de me fier à des gens qui vont décider un peu pour moi. Tu vois. Bon, après, c'est un principe démocratique, on va dire. C'est vrai que quand tu commences à laisser passer 70% des votes, on va dire que tu te retrouves avec des séries de TF1. Non, mais c'est surtout que. En général, les gens écoutent, enfin, même nous, ça nous arrive. C'est-à-dire que de temps en temps, on se met devant des émissions de merde, on sait que c'est de la merde, mais on regarde quand même. Ouais, c'est pas faux. Le problème, on vote pas pour que ça s'arrête ou que ça continue. Voilà. Mais le problème, c'est que si tu laisses écouter les gens juste à ce qu'ils ont envie sur le moment, tu te retrouves avec des trucs de bas qualité. Exactement. D'où l'intérêt de parfois proposer une vision, même si elle plaît pas aux gens, elle peut les chambouler. Alors, je vais citer une série, mais ça n'a rien à voir. C'est une série de bas de gamme, j'ai envie de dire, mais moi que j'adore, qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça. Ouais. Voilà. C'est une série, ils ont fait une saison. C'est pas de la bas de gamme, c'est grand public. C'est grand public. Moi, je dirais que j'adore cette série. Grand public. C'est long, c'est un long format. C'est un long format français, c'est une heure, 43, 45 minutes, voilà. Ils ont fait une saison, ils se sont dit, ça marche pas, on s'en fiche, etc. Ils ont quand même fait une deuxième saison. Et en fait, la mayonnaise est venue à la saison 3 ou 4. Ça a pris doucement, très doucement. Ça fait 7 saisons et moi, j'adore cette série. Non, mais il y a plein d'exemples dans tous les médias de trucs qui ont mis du temps à s'installer et qui sont devenus soit culte après, soit. À un moment, tu peux pas la vision d'un artiste, elle est pas c'est pas conditionnée que du court terme, au succès ou à l'adhésion de la majorité du public. Hein, sinon, après avoir réussi à amener Woody Allen à la série, je dis ça peut être intéressant. Oui, mais là, il n'aura pas le même principe, donc voilà. Non, mais c'est vrai. Là, que il sera sanctionné par les audiences si c'est mauvais. C'est la première fois qu'il se risque à ça, et finalement, c'est avec un des nouveaux acteurs dont on parle, donc Amazon en l'occurrence. Donc, c'est vrai que ça prouve que même artistiquement, peut-être qu'ils arrivent à changer les choses. Finalement, pas que dans le bien, mais parfois dans le bien, peut-être. À voir. Bon, Greg, je te laisse la parole. Tu voulais nous parler du dernier film d'Orson Welles. Ouais, il vient de sortir. Il va sortir. Il est un peu à Cannes, Orson Welles, effectivement. Le film inachevé le plus, peut-être le plus mythique de l'histoire de cinéma, The Other Side of the Wind, d'Orson Welles, pourrait enfin voir le jour, puisqu'il n'a toujours pas vu le jour. Il y a une campagne de crowdfunding qui a en effet été lancée sur la plateforme Indiegogo. Hein, c'est un des acteurs dont on n'a pas parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Son objectif, récolter 2 millions de dollars auprès des cinéphiles du monde entier. 30 ans donc après la mort d'Orson Welles, l'industrie du cinéma, c'est vrai, continue un peu à célébrer cette personnalité hors du commun qui a réalisé à 26 ans seulement Citizen Kane. 1941. Donc là, ça met un petit complexe à tout le monde. Merci. ceux qui ont plus de 26 ans, en tout cas. Ouais, voilà, ouais. Et qu'on n'a pas réalisé ce week-end. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Bon, c'est vrai qu'on entend pas mal parler d'Orson Welles en ce moment, parce que c'est 2015, l'année Orson Welles. Hein. Le 6 mai dernier, Orson Welles aurait eu 100 ans. Voilà pourquoi. C'est une personnalité qui reste trouble dans l'imaginaire collectif, acclamé à la fois comme un génie, mais aussi dépeint comme un artiste un peu difficile, voire arrogant, incapable de faire des concessions trop radicales pour travailler avec une équipe ou des grands studios. Il s'est un peu forgé de son vivant et ça a un peu perduré une réputation de réalisateur incontrôlable, qui a largement, par exemple, dépassé des budgets sur certains de ses films. Et voilà, le centième anniversaire de sa naissance, on en reparle du coup pas mal. On va parler un petit peu de The Other Side of the Wind. Il y a d'autres hommages qui se multiplient au cours de l'année. Hein. Il y a des films qui sont diffusés à la télévision. Hein. Si vous vous demandez pourquoi vous avez vu des films de Welles en ce moment dernièrement, ou que vous allez en bouffer un petit peu cet été, bah c'est parce que c'est les 100 ans de la naissance d'Orson Welles. Donc voilà, vous pourrez regarder ça chez vous tranquillement. Également pendant le Festival de Cannes, hein, on célèbre Orson Welles, justement, t'en parlais Julien, hein, dans la sélection Cannes Classique, donc où il y a une série de projections et de conférences du 17 juin au 2 août, aussi également à la Cinémathèque française, pour voilà, revoir un peu l'intégralité de l'œuvre d'Orson Welles. Et justement, parmi cette œuvre que nous a laissé ce génie du cinéma, il y a The Other Side of the Wind, qui est un film qui a été tourné de façon un peu erratique entre 1970 et 1976, donc pendant 6 ans, un développement un peu L. Et c'est un peu, pour les cinéphiles, le saint graal des films inachevés, si j'ose dire. C'est un film qui a un intérêt particulier à la fois pour son casting et pour son propos, puisque c'est une réflexion en fait acerbe sur Hollywood et un peu autobiographique pour Orson Welles. Donc c'est Jack Hannaford, qui est un réalisateur qui est interprété par John Huston, qui lutte pour tenter de finir The Other Side of the Wind, un film inspiré par le nouvel Hollywood et qui doit marquer son grand retour après une longue traversée du désert. Ça, c'est le pitch du film. Donc on voit qu'il est largement autobiographique de Orson Welles, hein, qui était exactement la même situation au moment où il essayait de faire le même film qui avait le même nom que le film imaginaire qui était filmé dans son propre film. Donc voilà, mise en abîme totale. Voilà, c'est un film qui se déroule sur une journée, qui relate les dernières heures de la vie donc, de ce fameux Jack Hannaford à travers une fête d'anniversaire célébrant ses 70 ans, entrecoupée d'extraits de son film Comeback inachevé, voilà, dont on voit des extraits. Dans le casting, on a Oja Kodar, hein, donc qui est la co-auteure du scénario et la dernière compagne de Welles jusqu'à sa disparition. Il y a Peter Bogdanovich, critique de film et réalisateur. Il y a aussi Dennis Hopper, par exemple, hein, dans ce film. Donc, au-delà de ça, au-delà de ce film un peu testament qui s'annonce depuis près de 40 ans, le film mythique que tous les cinéphiles aimeraient voir, on n'est pas loin en fait, de pouvoir le toucher du bout de doigt, ce film. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à remettre en fait, la main sur des pellicules qui avaient été pendant très longtemps perdues. Hein, des films ont été tournés en 35 mm, 16 mm et 8 mm. Elles doivent être scannées en 4K, nettoyées, traitées pour corriger les couleurs qui ont dû passer à cause de nombreuses années où les pellicules avaient été perdues. Et enfin, le montage sera finalisé et la musique qui doit encore être composée sera ajoutée. Donc voilà, ces ultimes opérations de scan, etc., nécessitent encore 2 millions de dollars, d'où cette campagne Indiegogo. Donc si vous voulez participer à l'élaboration du dernier film d'Orson Welles, vous pouvez aller voir sur cette plateforme. La campagne de crowdfunding, elle est soutenue par de nombreux réalisateurs, hein, dont J.J. Abrams, dont on a parlé, Steven Soderbergh, dont a parlé Stan aussi. Il y a aussi Wes Anderson, Clint Eastwood qui sont derrière ce projet. Donc voilà, 40 jours pour réunir la somme et enfin révéler au monde entier ce mystérieux film d'Orson Welles, avec une sortie promise a priori avant la fin de l'année 2015, si ils arrivent à réunir les 2 millions de dollars. Donc allez voir sur Indiegogo, vous tapez Orson Welles, et puis si ça vous intéresse, vous pourrez participer à ce projet un petit peu hors norme, je trouve, dans l'industrie du cinéma. Intéressant. Ouais. Dim, je vais te passer la parole. Tu voulais nous parler de Star Wars Anthology. Voilà, donc c'était juste pour dire que Josh Trank quitte le deuxième Star Wars Anthology. Josh Trank, c'est un réalisateur qui a fait Chronicle en 2012. Ah oui, ouais. Ah oui. Il a été sélectionné pour être aux commandes du deuxième spin-off après avoir achevé les Quatre Fantastiques qu'il est en train de terminer en ce moment. Mais début mai, on a appris sur le site officiel de Star Wars que celui-ci a abandonné le projet. Ah merde. Alors, il donne comme explication, attention, je cite... Des désaccords artistiques. J'avais mal au ventre. Voilà, ouais. Après une année à avoir l'incroyable honneur de travailler avec les talentueuses et merveilleuses personnes de Lucasfilm, j'ai décidé d'avancer et de prendre un chemin différent. J'ai proposé énormément d'idées pour ce projet, mais je sais au fond de moi que j'ai envie de m'essayer à quelques opportunités créatives originales. Ceci étant dit, l'univers Star Wars a toujours été l'une de mes principales influences, et je suis incroyablement excité de découvrir son futur aux côtés de millions de fans de la saga. Je voudrais remercier mes amis Kathleen Kennedy, donc c'est la présidente de Lucasfilm, Thierry Hart, responsable du département développement de Lucasfilm, Simon Kinberg et tout le monde chez Lucasfilm et Disney pour la merveilleuse opportunité en faisant partie de ce projet. Que la force soit avec vous. Ouais. Ça sent le bullshit, hein. Ça sent le gros bullshit. Oui, j'ai beaucoup de chance de plus faire ce film. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Apparemment, je sais pas. Ouais, je sais pas si t'as vu. Il y a des rumeurs qui disent qu'en fait, il s'est fait virer, plus ou moins, en fait. Je sais si t'as entendu parler de ça, mais. Donc, déjà, Lucasfilm a également publié un communiqué pour qu'il souhaite le meilleur à Trunks. Elle remercie pour son apport à la saga. Donc ça, c'est pour la version officielle, mais bon, voilà, comme tu disais, il se murmure une version un peu moins reluisante en coulisses. On parle de tension entre Trunks et Simon Kinberg. Donc Simon Kinberg, lui, c'est le producteur et scénariste qui est très influent à Hollywood. Pour faire simple, entre autres, on va dire que les Marvel de chez Fox, X-Men, Fantastic, c'est lui. Ouais. Et c'est lui aussi Star Wars pour Disney. Ah oui, rien que ça. Donc ouais. C'est lui aussi qui avait choisi Josh Trunks pour les 4 Fantastiques. C'est à partir de ce moment que la mésentente a commencé au point de déconseiller à Kathleen Kennedy de poursuivre son travail avec lui pour Star Wars. Kinberg reproche à Trunks d'avoir été trop isolé et de ne pas avoir dirigé ses acteurs ni les équipes techniques. C'est loin d'être tout, ce qu'il accuse aussi le réalisateur d'avoir coûté à la production une somme de $100,000 due aux dégâts de ses chiens. Donc je sais pas, il a peut-être des chiens pyromanes, je sais pas. Mais... c'est quoi, ça c'est what the fuck quoi, oui. Qui font de la trompette voilà, en conduisant des voitures, apparemment, une sombre histoire. De... Ils ont quoi, ils ont bouffé des sables laser ou... Ah, c'est un truc de ouf quoi. Ça doit être ça. Donc ces tensions provoquaient une production chaotique du film, et on parle de reshoot sans la participation de Josh Trunks. En attendant de démêler le vrai du faux, moi je trouve que c'est dommage pour Trunks parce que il aurait pu apporter une touche singulière à l'univers dont il est très attaché. Bah ouais, ouais. Il avait même réalisé un court métrage où il rendait hommage à la saga, donc je sais pas, on pourra peut-être le mettre. Ouais, je le mettrai en lien, ouais. En commentaire. Ouais. Voilà, ouais. Et bon, ce que je voulais rajouter aussi sur ce spin-off, c'est qu'aux dernières nouvelles, ça serait un spin-off sur Boba Fett. on sait pas si ça va se passer, on va dire, durant la première, enfin, entre la première trilogie et la deuxième, ou après l'épisode 6. Ouais. Et pour l'instant, il n'y a aucun remplaçant qui a été annoncé, quoi. Ouais, moi, on en avait parlé ensemble, dit, mais le fait que ça soit sur Boba Fett, je fais l'éternel râleur, mécontent, mais. T'es pas content. Pourquoi il est hyper populaire, Boba Fett? Boba Fett, il est hyper populaire, mais justement, c'est pour ça que je suis pas content. C'est qu'au lieu de créer un nouveau personnage mythique, ils reprennent un mec, c'est trop facile, qui est en plus mort. Bon, alors, comme Dil a dit, il sera peut-être dans la. On va peut-être repartir dans le passé pour voir ce qui s'est passé dans sa vie. Ouais, il est mort dans le Retour du Jedi. Ouais. Enfin, bon, il est peut-être mort dans le Retour du Jedi. Dans l'ancien univers étendu, il n'était pas vraiment mort. Il avait réussi à se sortir. Il tombe dans le rancor. Ah, il tombe dans le. Comment il s'appelle? Le Sarlacc. Sarlacc. Ah oui, Sarlacc. Oui, voilà, dans la gueule. Ah oui. Il est digéré pendant 1000 ans, s'il te plaît. Le mec, il est mort, quoi. Enfin, non, il est encore là, 1000 ans. Non. Alors, apparemment, ce que me disait Dim, c'est peut-être s'est échappé avec son jetpack quand on en a parlé. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, non, ça serait un peu beau. Un peu gros. Mais moi, je trouve que c'est dommage, en fait, de faire revenir un personnage populaire juste parce qu'il était populaire, tu vois. Il faut j'espère qu'ils vont bien le justifier, oui, en fait, avant c'est surtout, alors, ou alors qu'ils le fassent avant, mais dans ce cas ils cassent la nouvelle chronologie qu'ils sont en train de mettre en place et qui commence avec les enfants de Luke, enfin tu vois, ou des trucs comme ça quoi. Donc ils repartent dans le passé, voilà, quoi. Il se mouille pas trop, on va dire, pour le début. Non, quoi, c'est ça, le début pas trop, des spin-off. À mon avis, bon, avec Rogue One, il se mouille un peu plus quand même. Rogue One, c'est entre les deux trilogies. Rogue One, ouais, mais c'est juste avant. Mais bon, ça fait quand même le lien. Non, mais pendant Rogue One, Boba Fett, il est encore en train d'être digéré, il a encore eu le temps. Ça se trouve, si quelqu'un si va. Si je dis pas de bêtises, c'est pour voler les plans de l'étoile noire. Ouais, c'est ça, ouais. La mission de Rogue One. Donc, ça y a quand même un lien avec les films. Donc, je pense qu'ils se mouillent pas trop pour le début. Après, ils tenteront peut-être quelque chose d'un peu plus couillu. Hein. Faut voir. Bon, d'accord. Bon, bah intéressant, toujours un deck que ça touche à Star Wars, de toute façon. De toute façon, nous, on est fans, voilà. De toute façon, ils pourront nous chier sur la table. Je serais quand même content, moi. Non, que c'est Boba Fett qui chie. Voilà, c'est Boba Fett qui chie, ça fera un très bon film. Non. Il est parfait, ce film. Bon, allez, Julien, tu voulais nous parler un peu de... Alors, la guerre de du sound. Alors, tu veux que je parle de quoi? On va faire parler la musique. Je suis prêt pour tout, n'importe quoi. Allez, moi-même, les voitures. Les voitures. Non, parce qu'après, c'est plus des news rapides, donc autant que tu fasses ta grosse news. Moi, c'est rapide. Oui, parce que justement, tout à l'heure, Greg parlait de Spotify versus Apple. Et c'est, en ce moment, c'est vrai que dans le monde de la musique, c'est un peu la guerre entre les artistes et les sites de streaming. Hein, on l'avait vu avec Tidal. Entre les sites de streaming, entre eux, c'est-à-dire c'est un peu la guerre entre Spotify et Deezer, entre Spotify et Beats. Et c'est aussi la guerre entre les sites de streaming et les labels. Tout ça, surtout pour une question de gros sous, hein, forcément, on l'a dit tout à l'heure. Et là, la nouvelle bataille qui a eu lieu ces derniers jours, un peu dans l'ombre aussi de Apple et Spotify, c'est un peu différent, c'est entre SoundCloud, le site de streaming plutôt connu et assez utilisé. Alors, je ne connais pas leurs chiffres par rapport à Deezer, mais c'était surtout, je me rappelle, une époque où on s'en servait beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes qui avaient un SoundCloud et ils mettaient directement des nouveaux morceaux ou des mix. C'était plutôt assez sympa. Donc, entre SoundCloud et Sony, en fait, Sony a fait retirer les chansons de certains de ses artistes de la plateforme musicale, notamment Adele. Ah oui. Voilà, je cite la plus grosse en... la plus connue. La plus connue. Non, mais la plus grosse en notoriété, pardon. Non, mais elle a accouché depuis. Non, les gars, on valide pas. Non, mais en plus, je ne voulais pas du tout. C'est, vous m'emmenez sur un terrain que dont je ne voulais pas du tout aller. Stan, ta blague, elle est mauvaise. Voilà, on rejette tout sur Stan comme ça. Oh, dis donc. Moi, je trouve qu'elle était drôle. Stan, franchement, non, c'est trop. Là. Voilà, la plus importante en termes de notoriété, voilà, Adele, puisqu'elle a énormément de fans et ses deux albums sont très bons d'ailleurs. Je ne sais pas, je ne les ai pas écoutés. Tu as jamais écouté Adele? Bah, si, c'est titre connu, mais sinon, je n'ai pas écouté les albums. Très bien. Il y a Passion Pit aussi, hein, qui a ressorti d'ailleurs un album dernièrement, qui avait fait un petit buzz il y a quelques temps. Voilà. Voilà, la raison qui a été évoquée selon Billboard, c'est que les négociations entre Sony et SoundCloud sont vraiment très tendues au sujet de la monétisation et du manque de garantie finalement qui est apporté par SoundCloud pour justement payer. Alors, on ne sait pas si c'est un retrait provisoire ou définitif, si c'est simplement une façon de faire pression de la part de Sony sur SoundCloud. Puisqu'en fait, SoundCloud a lancé en août 2014 une offre payante qui s'appelle On SoundCloud. Et ils ont annoncé qu'ils avaient déjà négocié avec les principaux labels pour consolider l'offre. Et ils déclarent même qu'ils ont déjà versé 2 millions de dollars aux maisons de disques et qu'une centaine d'entre elles avaient signé un accord. Je crois qu'il y a notamment aussi Warner qui a signé dernièrement un accord avec eux. Alors peut-être que voilà, c'est un deal et que Sony est plutôt trop gourmand et que... Voilà, peut-être que j'avais évoqué à une époque quand Sony n'allait pas très bien, ou toujours pas très bien sur certaines branches de leurs activités, la possibilité de vendre leur catalogue musical, qui est un catalogue musical qui est possédé par plusieurs personnes, notamment les héritiers de Michael Jackson. Donc c'était un imbroglio judiciaire assez important. Mais disons que. Juridique, pardon. Judiciaire aussi. Judiciaire aussi. Avec Michael Jackson. Non, avec Michael Jackson. C'est assez important au niveau juridique. Surtout, c'était aussi un problème aussi, enfin ils voulaient peut-être faire ça aussi pour faire pression parce qu'ils touchaient pas assez d'argent de la part des sites de streaming. C'est un des gros problèmes dont on avait parlé, c'est-à-dire que le modèle de rémunération des sites de streaming étant ce qu'il est, il permet pas de verser au label ce qu'ils gagnaient à une certaine époque quand la musique était un peu était bonne. Bah ouais, quand la musique on vendait des cassettes, un festival. voilà, donc c'était tout, c'est juste pour souligner le fait qu'ils avaient retiré des artistes de SoundCloud qu'on ne peut plus écouter, et donc on va voir si ça va se régler ou si finalement on ne pourra plus écouter Adele sur SoundCloud. Bon, après, il y a d'autres moyens, on ira sur Spotify ou YouTube, on achètera les disques. Hein. Quelle idée de folie, sans aller jusque-là. Greg, parle-nous du féminisme à Hollywood dans la semaine dernière. Ouais, on a eu un long débat lors du dernier podcast 12, effectivement, sur le féminisme à Hollywood, ou plutôt la misogynie à Hollywood, et il s'est passé, je voulais en fait plutôt faire un suivi de ce qui s'était passé entre ces deux semaines. On dirait qu'on a lancé un truc en fait. Je pense que les gens nous ont écoutés et le sujet du féminisme ou de la misogynie à Hollywood est devenu un peu trending topic sur Twitter suite à notre podcast. Ce qui s'est passé, pas mal de choses encore suite à qui ça. Qui nous a écouté alors? Bah écoute, ne serait-ce que justement Joss Whedon lui-même a tenu à un peu valider notre débat et la pertinence de celui-ci. Il nous a remercié juste après, du café la dernière fois. C'est ça, juste après la sortie d'Avengers 2, l'ère d'Ultron. Puisqu'il y a eu tout de suite une sorte de débat sur le caractère sexiste de certaines scènes qui ont été critiquées par de nombreux internautes qui donc ont interpellé notre ami Whedon, le réalisateur, donc bien sûr, hein, je le précise pour ceux qui ne savent pas, sur Twitter. Et Josh Whedon a quitté le réseau social lundi 4 mai, et du coup, certains ont pensé que c'était lié à toutes ces attaques sur son aspect un peu misogyne dans ce. Mais tu vois pas du tout ce qu'il y a de misogyne dans. Alors je vais te dire ce qui a été reproché. Bon, il a dit après que ça avait été. Il n'avait pas quitté Twitter pour ça, pour d'autres raisons plus personnelles, qu'il en avait un petit peu marre du réseau social. Bref. Pourtant, en plus, on peut dire que Josh Whedon, c'est pas vraiment le réalisateur où on dirait qu'il est misogyne. C'est lui qui avait fait Buffy contre les vampires. C'est lui qui avait par exemple critiqué la bande-annonce du prochain Jurassic World en disant bah, justement que c'était des stéréotypes sexistes des années 70. Donc il est plutôt, en général, il fait des sorties qui vont plutôt dans le sens du féminisme que de la misogynie. C'est vrai qu'il n'y avait que des T-Rex mâles, pas beaucoup de T-Rex femelles. Mais bon. C'est vrai que la bande de Stan est on fire. J'annonce. Il y a tout un stock de blagues. J'annonce ce soir, c'est Blake chez Stan. Non, alors voilà, qu'est-ce qui est en cause dans Avengers? C'est la veuve noire qui serait déjà moins bien représentée que ses pères masculins, déjà dans le merchandising. Voilà, il y a moins de jouets Black Widow, et ou alors Black Widow est remplacée par des personnages masculins sur les scènes qu'elle a dans les jouets, tu vois, donc ce genre de choses. Bon, ça c'est une petite chose, il y a d'autres choses, je continue les Avengers à la fête chez Tony Stark, donc toutes les Avengers sauf la veuve noire essayent de voilà, soulever le marteau de Thor, et en gros Iron Man plaisante en disant que s'il parvient à le faire, il réinstaurera le droit de cuissage, ce qui a été très très mal perçu aux États-Unis. Ah bon, c'est drôle pourtant. C'est une sorte de blague sur le viol, donc ça a été assez moins bien perçu par pas mal de féministes. Dans le film, la veuve noire, donc Scarlett Johansson, explique un moment à Hulk en plus qu'il n'est pas le seul monstre parmi les Avengers. En gros, elle dit qu'elle est monstrueuse. Et juste avant ça, en fait, elle vient de dire qu'elle a été stérilisée à l'issue de son entraînement. Donc en fait, il y a pas mal de féministes en disant bah donc une femme qui est stérilisée est un monstre. C'est quoi ces propos un peu dans Avengers? Tout le monde ne l'a pas compris comme ça. Je parle du débat qui s'est passé. Hein, voilà, donc, mec qui se transforme en gros mec vert. Chacun se fera son avis sur la véracité des reproches qui ont été faits à Josh Whedon. Et puis, pendant la promotion, il y a deux autres Avengers, à savoir Jeremy Renner et Chris Evans, donc Hawkeye et Captain America, qui avaient un peu plaisanté sur leur consoeur Black Widow. La veuve noire, merci. en plaisantant, en disant que voilà, c'était un peu une fille facile, que c'était une bitch, tu vois. Ah oui, je me souviens, voilà, et ils sont excusés. Ils parlaient du personnage, on est d'accord. Parlaient du personnage. C'était une gaudriole, et en plus, elle avait rigolé. C'est le seul personnage féminin, donc forcément, ça crée un peu de problème. Ils se sont excusés, mais Jeremy Renner a recommencé après en disant she's a slut, donc c'est une salope. Hein. Et voilà, sur un autre plateau de télé, donc ça a un petit peu continué. Et on dit que je fais des blagues lourdes. Voilà. Mais Jeremy, c'est pas le dernier. Jeremy Renner, ouais, en même temps. Faudrait qu'on l'invite. Hein, voilà, c'est clair. Il faudra prévoir des bouteilles de vin. Enfin, bref. Il y a aussi, entre nos deux podcasts, le PDG de Marvel, quand même, qui est ressorti, un de ses mails qui est ressorti suite au leak de Sony dont on avait parlé il y a pas mal de temps maintenant, Julien, qui fait un peu preuve de sa misogynie. En gros, il évoque les films de Elektra, Catwoman et Supergirl en insinuant que dès qu'il y a une super-héroïne qui est à l'affiche, bah, c'est un bide complet et que c'est de cette cause-là, en fait, que c'est parce que l'héroïne est une femme que les films sont des échecs. C'est surtout quand tu prends Pitoff pour faire un film. À partir du moment où t'as vu Vidocq et que t'as pas vomi, je veux dire, t'as un problème dans ta tête, quoi. si tu confies Catwoman à Orson Welles, ce sera peut-être un bon film. Et puis, à Cannes, récemment, il y a Mai Wen, hein, quand même, donc en compétition pour la Palme pour la deuxième fois avec donc, Mon Roi cette année. Qui a été mal accueilli, d'ailleurs. Qui a été assez mal accueilli, qui a fait une petite sortie en disant que, elle parlait du débat donc, sur la misogynie qui était lancé par notre podcast. Et donc, elle a dit que c'était très important, je cite, c'est très important pour moi de ne pas figurer là-dedans. On fait du tort aux femmes en râlant comme ça. Il y a plus de maquilleuses femmes que d'hommes. Et alors, qui s'en émeut? C'est un métier qui fait appel aux hormones masculines de réaliser. Hein. Donc, il y a simplement plus d'hommes réalisateurs, c'est aussi bête que ça. Donc voilà, même les réalisatrices considèrent qu'il faut des hormones masculines pour réaliser des films, donc on est mal barré. Donc voilà, si j'ai pas forcément envie de relancer le débat là-dessus, c'était juste pour vous dire que le débat est encore vivace. Si ça vous intéresse, il y a un Tumblr qui est même sorti qui recense les réflexions misogynes que se prennent dans la figure les réalisatrices au sein même de l'industrie du cinéma. Qui est apparu sur le web, donc je vous le mettrai en lien. Ça s'appelle Shit People Say to Women Directors. Je vous mettrai ça en lien si ce sujet vous intéresse. En tout cas, le débat reste vif. Mywen, si tu veux nous mettre un petit commentaire sur podcast.fr, n'hésite pas, big up Mywen. On te répondra si on a envie. Le 3DS, hein. Mywen, si tu veux un code 3DS. Moi j'ai bien aimé Police, alors bon. J'ai adoré. Voilà. Ça va. Bah avant de passer à vos parties news en vrac, les gars, je vais donner la parole à Dim encore une fois, qui voulait nous parler du téléfilm, non, ou du film d'ailleurs, de ça. Oui, alors on a appris l'acteur qui allait jouer le clown dans le film Ça, c'est Will Poulter. Donc ça, c'est un roman de Stephen King qui a déjà été adapté en mini-série, donc en téléfilm, comme tu disais, Stan. en 91 et qui s'appelait En France, il est revenu. C'était nul. Diffusé ouais. pas mal de fois dans les années 90. Ouais, sur M6, on n'arrêtait pas de se le taper, là. Putain, quel daube. Sur M6. moi, j'adorais. Enfin, ça m'a oui, le toit deep, t'es spécial. Mais Dim, il a peur des clowns, hein, il faut le savoir pour les auditeurs. Voilà, ouais. Ah, mais t'as vu American Horror Story alors? Avec les clowns. Oui, j'ai vu, ouais. Ah. Oui, ça m'a bien fait peur. Bref, continue. On a appris que le remake serait lui aussi en deux parties et serait réalisé par Cary Fukunaga, qui était le réalisateur de la première saison de True Detective. Ah oui, d'accord. Donc voilà, ça garantit déjà une ambiance assez sombre, hein. Présente du look. C'est clair. Il a donc choisi Will Poulter pour le clown. C'est un choix surprenant car il est beaucoup plus jeune que l'acteur qui a précédemment interprété le clown, Tim Curry. Il a que 22 ans. On avait pu le voir dans Le Labyrinthe récemment, ouais. Ou Les Miller, ou encore Narnia. Ouais, dans Les Miller, ça joue, il joue l'adolescent. Ouais, dans Labyrinthe, il joue un des méchants, je crois, ou un truc comme ça. C'était le Vegeta du groupe. Tu dis ça pour ses sourcils ou comment? Tu dis ça à cause de ses sourcils parce qu'il a des sourcils très particuliers, cet acteur. Hein. Il a des sourcils en V inversé. Fais attention, toi. Mais il a une bonne tête de clown qui fait peur. Je trouve que c'est un bon choix. Moi, je trouve qu'il a une bonne tête parce qu'il peut faire à la fois très gentil, naïf comme dans Les Miller et qu'il est très crédible dans Le Labyrinthe. Ouais, c'est pas faux. Bon, ouais, bref, voilà. Donc pour moi, c'est un acteur qui reste à surveiller. Ce qui paraît, il a impressionné l'équipe du casting. Avec une performance assez flippante. Et en plus, moi je trouve qu'il ressemble quand même à Tim Curry en plus jeune. Ouais. Donc voilà, quoi. Je pense que tout ça, ça peut bien réanimer ma phobie des clowns. Et excuse-moi, j'ai pas compris, ça va être un film ou un téléfilm? Un film en deux parties. Non, ça va être un film en deux parties. Un film ciné donc. Ah, c'est cool ouais. Ça. Ouais. Ah bien, bah, je suis curieux du coup. Pourquoi non, pas, ouais. Pas si, je suis curieux, bah, depuis qu'ils ont annoncé l'acteur en fait, je suis curieux. D'accord, bon. On va passer à une partie un peu plus news rapide. On va commencer par toi, Julien. Ouais, je sais pas si ça va être rapide, mais je vais essayer. Tu vas nous parler de Magic Mike XXL. Bah, il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé un peu de l'idole d'Upcast, hein, ouais. Sa Majesté Channing Tatum. Hein, voilà. Le roi incontesté. Le roi Tatum. Le roi Tatum est de retour. L'acteur de 2015. On l'a déjà dit, je crois que c'est aussi 2013, l'acteur de 2014 et 2016. Dans les commentaires, vous êtes d'accord avec nous. Hein. Beaucoup de gens aiment Channing Tatum. Bah oui. Il a maintenant une très bonne filmographie hein, quand on fera le bilan. Channing qui sera de passage à Paris, on l'invitera d'ailleurs pour un prochain cast. C'est ça, voilà. On va voir s'il va venir. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu la nouvelle bande-annonce de Magic Mike XXL. Et en fait, XXL, c'est particulièrement bien nommé, je trouve, puisqu'on trouve effectivement des corps XXL. Hein, pas se mentir. Je veux dire voilà, tous les corps. Faut pas le regarder un soir et après se mettre en pyjama. Ou... enfin, ça dépend pour qui, j'imagine. Non, bah, moi, c'est... Ouais, non, je regarde pas ce genre de film. Mais aussi, c'est surtout assez spectaculaire, XXL, dans la mise en scène des shows. C'est vrai que la bande-annonce, elle insiste vraiment sur les spectacles, de striptease. Et c'est un peu ce qui m'a inquiété dans cette bande-annonce. C'est qu'on retrouve peu de choses du premier film qui était signé Soderbergh. Voilà, Magic Mike, c'était vrai, bon, c'était des numéros de striptease, mais c'était aussi un peu comme ce que Soderbergh avait fait avec Erin Brockovich. C'était un portrait d'un peu des petits de l'Amérique, des gens qui galèrent, qui font plusieurs boulots, qui n'ont pas trop d'argent, qui n'ont pas de prêts au niveau des banques. Voilà, il y avait tout un comme ça un portrait de l'Amérique un peu caché, un peu de ce grand. Voilà, c'était un peu les déçus du rêve américain. C'était des bars miteux, les striptease, ils ressemblaient parfois à des spectacles de fin d'année à l'école. Tu vois, il était filmé assez. Il n'y avait pas vraiment de mise en scène qui les magnifiait. Ils étaient filmés un peu du public, il n'y avait pas tellement d'effet dans la mise en scène. Et là, c'est quand même un peu l'inverse. Je sais pas, ça ressemble un peu à du Full Monty avec des beaux mecs, quoi, ou un truc où on met la musique à fond. Mais on le XXL, c'est Soderbergh qui fait, c'est pas non, c'est pas le Soderbergh. Ah bah voilà. Non, ouais, tout complètement. Ils ont changé de paradigme en fait. Hein. T'as l'impression que là, ils l'ont c'est fait. C'est vrai qu'avec un nouveau paradigme, ça change tout. Ça me fait marrer sur ce mot-là à ce moment-là. Ouais. Ah là, ils ont surtout misé sur un gros paradigme. Bon, les gars, avec 8 rangées d'abdos. Les podcasts le soir, on arrête. Hein. On non, voilà, le matin. Ils ont des sacrés pecs. Je sais pas si vous l'avez vu la bande annonce, mais voilà. Non, j'ai pas vu. Non, mais t'as des trucs qui sont. Tu vois, t'as un moment, t'as le mec qui jouait dans True Blood, là, le mec, ouais. Le barbu. Là, ouais, qui joue aussi dans How I Met Your Mother. Ah, c'est lui qui l'a fait, c'est un Canadien, lui. Ouais, c'est ça. Et tu vois, un moment, il est en train d'acheter du lait et tu vois, il mime une éjection. gesticulations avec sa bouteille. Ouais, c'est très bas du front, quoi. Ouais, c'est un peu. C'est... Alors, peut-être que dans le film, peut-être la bande-annonce, elle essaie un peu de vendre le film sur son côté un peu sexy. Et peut-être que le film, il sera pas comme ça. Mais voilà, il y avait un côté un peu ridicule dans le premier. La bande-annonce, ça fait peur, quoi. Avec, par exemple, le personnage de Matthew McConaughey, qui était voilà, un peu ce type qui avait des idées de grandeur, alors qu'il faisait qu'un pauvre spectacle dans un truc miteux. Mmh. Et là, j'ai l'impression que ça va passer un peu à l'as, tout ça. Enfin, bon, voilà, on verra bien. Donc, à voir. Quelques craintes. En c'est cas. Réalisé par qui? Je ne sais plus, mais on l'avait dit la dernière fois quand on en avait parlé au tout début, mais alors j'ai oublié son nom. Ouais, c'est pas quelqu'un de connu, quoi. Non, je crois pas. Bon. Bon, je sais pas non plus. Greg, tu nous avais parlé d'une série qui s'appelait The Leftovers, tu m'avais même recommandé. Ouais, c'était un des mes conseils il y a quelques mois maintenant, du coup, et c'est vrai que maintenant on j'ai bien envie de la voir, j'ai toujours pas vu. C'est... Ah, moi je vous la recommande mais encore une fois. On fait que de me dire qu'il faut pas être déprimé ou dans petite forme quand non, on la voit. Non, donc, c'est pas un peu peur. Non, c'est plutôt une série, assez lente, on va dire. Hein. Donc c'est assez une série plutôt presque métaphysique que voilà sur l'action. Typiquement, elle aurait pas été validée sur Amazon. Hein. Ça c'est clair. Donc voilà, la série qui raconte effectivement l'histoire de rescapés suite à un événement inexpliqué qui fait disparaître 2% de l'humanité. Hein. Autant on part sur un pitch où on peut se dire oh ben là, on va partir dans un Lost, autant pas du tout dans le développement. Et là, on a un peu plus de news sur la saison 2. Et la série va déménager, en fait. Hein. Elle va s'installer au Texas, en fait, la saison 2. Voilà, donc on va voir. Hein. Les personnages eux-mêmes vont quitter la fameuse ville de Mapleton dans l'état de New York pour venir s'installer dans l'état du sud des États-Unis. Donc on risque de changer un petit peu d'ambiance. Changement qui n'est pas finalement très étonnant puisque la série va décider de se renouveler un peu complètement pour sa deuxième saison. Elle ne va pas s'appuyer sur le roman qui a inspiré justement tout ce qui se passait dans la saison 1 puisque ça a quasiment utilisé l'intégralité du roman de ce qui se passait dans la saison 1. Donc peut-être que la qualité ne sera pas également au rendez-vous, on verra. Ça fait toujours un peu peur quand on s'éloigne du matériau d'origine, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Il y a pas mal de membres du casting de la saison 1 aussi qui vont être absents de cette nouvelle saison. Cependant, les principaux, on va dire, surtout donc Justin Theroux, Amy Brenneman, Chris Zilka, Margaret Qualley, enfin voilà, il y en a pas mal. Je citerai quand même Christopher Eccleston, qui est un très bon acteur, et Carrie Coon aussi, très très bonne actrice dans la saison 1, qui devrait quand même être présent. Donc on retrouve quasiment les meilleurs acteurs, ça se passe beaucoup sur le jeu d'acteur, hein, c'est une série très psychologique. Donc voilà, on a Regina King qui a été annoncée, donc elle est actuellement dans American Crime et qui va donc rejoindre la seconde saison de The Leftovers. Donc voilà, c'est une série, je rappelle, qui est sur HBO, qui est plébiscitée par la critique, que moi j'avais longuement conseillé il y a quelques mois, que je vous reconseille à nouveau. Donc voilà, on en saura plus bientôt pour la saison 2 de The Leftovers. Super, merci Grégoire. Julien il s'appelle. On va peut-être changer le micro de Julien, oui, c'est ça, ça oui, je dis juste qu'il y a presque plus de piles dans mon d'accord. micro. Bah, sinon, je passe le mien. Je pense qu'il va tenir, quand même. Moi, je vais chercher une pile en attendant. Alors, bah, tu voulais nous parler de Sense 8. Alors, je dis Sense 8, Sense 8. Donc voilà, c'est une série qui est produite par Netflix, qui n'arrête décidément pas de lancer de nouvelles séries. Et le 5 juin, on va pouvoir voir cette série qui attise un peu quand même ma curiosité, puisque Sense 8, dont on a vu le premier trailer... c'est signé par frère et sœur Wachowski. Lana oui. et Larry maintenant et Lana. Alors Lana, il s'appelle. Elle s'appelle. Qu'on présente plus. Et une autre personne qui s'appelle Michael Straczynski, pas facile à dire, qui est l'auteur de Babylon 5. Donc ils se sont mis à trois pour faire cette nouvelle série. Alors le pitch fait penser un peu à Lost, pas vraiment dans son idée de départ, pas le côté dont on parlait tout à l'heure, survie en terrain hostile, mais plutôt le développement, on va dire, quand Lost est arrivé un peu à mi-série. Donc en fait, Sense8, ça raconte le destin de 8 personnages qui vivent dans différents endroits du monde et qui sont en fait connectés entre elles, capables d'accéder aux pensées, aux actes et aux émotions des 7 autres. Donc en fait, ils vont essayer de comprendre ce qui leur arrive, et il y a une mystérieuse organisation qui cherche à les localiser pour les exterminer. Donc voilà, ça fait un peu penser à ce qui se passait dans les saisons un peu avancées de Lost. Ouais. La série a été tournée en fait dans 8 villes différentes, San Francisco, Chicago, Londres, Reykjavik, Séoul, Mumbai, Berlin, Nairobi et Mexico. Sympa. Et c'est un principe aussi qui rappelle un peu le film de Wachowski qui s'appelle Cloud Atlas, ouais. En fait, où il se passait à différentes époques et dans différents endroits avec des acteurs qu'on voyait. J'ai un peu peur, moi, si c'est les Wachowski, mais... Bon, non, pourquoi tu... Je sais pas. Ouais, oui, bon. Cloud Atlas, c'était un peu... Ça fait débat, on va dire. Bah, Speed Racer, Cloud oui. Atlas... Ouais. Bah, non, bah oui. Même aimé, Matrix hein. 2 ou 3. Non, Cloud Atlas, c'était pas mal, c'était assez ambitieux. Mmh. Moi, je suis un peu refroidi par ça, mais pourquoi pas. Et au casting, on va retrouver un acteur de Lost hein, qui était Navin Andrews. Ouais, qui jouait Saïd. Ouais. Ouais. Ah oui. Voilà. Ah, bien. Donc, je sais pas, la bande-annonce m'a pas non plus donné une folle envie de la voir, mais par rapport aux réalisateurs qui sont, enfin, toi, qui sont derrière le projet, bah, je suis curieux. Pas confiant. Curieux, ouais. Je suis pas confiant que les films des frères Wachowski, mais je suis toujours curieux. D'accord. Bon. Greg, tu voulais nous parler d'un film, une suite plus précisément. Ouais, c'est Independence Day 2 qui commence à préciser son casting. Je pensais que tu avais parlé de John Wick. Ah, pardon. Je parlais de John Wick juste après. Effectivement, il y a Liam Neeson. Je vais peut-être un peu couper l'opération micro, c'est bon. Voilà, excusez-nous, petit problème de batterie à côté pour le micro de Julien. Donc, on va avoir Liam Hemsworth, hein, donc c'est celui qui joue Thor, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. On savait aussi qu'il y avait Jesse Usher et surtout Charlotte Gainsbourg qui seraient les nouvelles tête d'affiche du film qui est prévu pour le 24 juin 2016, Independence Day 2 donc. Et dans les visages connus, vous pourrez aussi compter sur Jeff Goldblum, Bill Pullman ou Vivica Fox. Et on sait maintenant qu'il y aura une nouvelle tête que vous connaissez peut-être déjà qui va rejoindre ce casting d'Independence 2, des deux, c'est l'actrice qu'on a découvert dans It Follows. Donc voilà la très bonne surprise que Stan nous avait conseillé dans un précédent podcast qui a rejoint officiellement la première grosse production. Voilà, on en a très grand, le casting de Independence Day Forever, donc qui est toujours réalisé par Roland Emmerich. Donc voilà, on sait pas exactement quel rôle elle va jouer. On sait aussi que Stella Ward va jouer dans Independence Day 2, qu'elle va jouer la présidente des États-Unis, car oui, ça sera une présidente, hein. Bill Pullman ne sera plus le président. Donc voilà, Stella Ward, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne voient pas exactement qui c'est une actrice qu'on a vue dans Le Fugitif, qu'on a vue dans Le Jour d'après, qu'on a vue dans Gone Girl, qu'on a vue dans Doctor House. Dans Doctor House, c'est la femme de Gregory House. Alors voilà. Dans Indépendance des 1, le président fait des pilotes de chasse, dans le 2, elle fera du kung-fu. Peut-être, voilà. Elle cassera la gueule aux aliens. Elle botter le cul des aliens. Je confiance à Roland Emmerich pour ça. C'est Roland Emmerich, hein. Bah. Puis ça s'appelle Indépendance des Forever. Alors bon, on imagine déjà les drapeaux flotter sur nos yeux éberlués. Bon, parle-nous de John Wick pendant qu'il y a. Bah, John Wick, je continue sur les suites, effectivement. Et Lionsgate a confirmé que John Wick, qui est sorti en 2014, aura bien une suite. Qui était plutôt bon film. Exactement, ce que j'allais dire, apparemment. Pardon. Alors moi je ne l'ai pas vu, donc je crois que Stan, moi j'ai bien aimé, lui est le seul à l'avoir vu, il me semble. Est-ce que Julien est là? Oui, je suis là. Est-ce mais que j'ai... son micro change? Alors attends, j'ai juste si, un peu si, son si, micro. Ouais, c'est bon, la batterie. Tu l'as... Je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Bah, bon, moi j'étais agréablement surpris. Dim, tu l'as vu toi? Non, je l'ai loupé. Hein. Bah, apparemment, c'est vraiment pas mal, effectivement. C'est un film très classique, hein, rien de spécial, oui, mais très bien. Très bien fait, apparemment, voilà. Très bien réalisé. 20 millions de dollars, il avait coûté, il a rapporté 78,7 millions de dollars. Donc forcément, quand il y a un bon ratio comme ça, on envisage rapidement des suites. Voilà. Et donc, ça sera les réalisateurs David Leitch et Chad Stahelski et le scénariste Derek Kolstad qui remplissent sur le projet. On n'a pas d'intrigues qui ont été dévoilées pour John Wick 2. On sait que Keanu Reeves est déjà confirmé pour reprendre son rôle. Heureusement, j'ai envie de dire. Grand intérêt. Et c'est vrai que dans le casting du premier film, il y avait William Dafoe, il y avait des pas mal de noms, je ne vais pas tous les citer. Hein. Il y avait un directeur de Game of Thrones. Là. Voilà, donc en fait, on est content, a priori, globalement, que John Wick 2 revienne. Je ne sais pas, voir le scénario. Hein. Est-ce que ça vaut le coup d'en faire un conseil un jour du John Wick 1? Je ne sais pas, Stan. Non, quand même pas. C'est un bon petit film de soir. Non, c'est un bon film de genre. Ouais. Pour le genre, c'est un bon film. Après, c'est pas un bon film tout court. D'accord. Bon, j'irai regarder ça. Voilà. Quand même. D'accord. En tout cas, une suite se fait. Très bien. Julien, tu voulais nous parler de Richer chez Besson? Oui. C'est du radio. En fait, ouais. Richer chez Besson. Richer chez Besson. Pas facile. En fait, il y a pas mal d'actualités autour de Jean-François Richer. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le réalisateur du diptyque sur Mérine. Mm-hmm. Et puis, il avait aussi réalisé des films aussi un peu coup de poing, comme Ma cité va craquer, ouais. T'as des lieux. Enfin, moi, j'avais adoré son diptyque sur Mérine. C'était très, très bien fait. Exceptionnel, ouais. Pour moi, qui était avec Vincent Cassel. Et en fait, le 24 juin prochain, on va pouvoir voir un film de Richer qui s'appelle Un moment d'égarement avec Cluzet et Cassel encore, qui est une comédie dramatique, ouais. Ce qui est plutôt surprenant dans la filmo de Richer. Tu m'étonnes. Et il a aussi réalisé un polar avec Mel Gibson, qui s'appelle Bloodfather, qui sortira prochainement, enfin il est sans date, qui a l'air d'être plus pour le coup un thriller un peu plus dans un polar, un peu plus dans ce que Richer peut faire et ce qu'il mérite, il y avait des parties un peu comme ça. Et il a annoncé qu'il allait tourner un thriller pour Europacorp. Donc Europacorp, c'est la boîte de production de Luc Besson, qui en fait coécrit le film en question. Alors ça, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Non. Hein qui s'appellera Twice. On ne sait encore rien du casting. Par contre, on a le pitch. En fait, c'est une épouse découvre que l'homme auquel elle est mariée depuis 20 ans cache un arsenal militaire dans leur maison. Celui qu'elle pensait connaître révèle soudain une face sombre dont elle ignorait tout. Ça me fait peur. Rien que le pitch me fait peur. Voilà, si donc, et il n'utilise que 10% de son cerveau. C'est incroyable. Et il doit transporter ses armes dans un endroit de la ville. Dans un taxi. Il va se transformer en clé. USB lui si ça continue. Oh, putain. Donc voilà, moi j'adore Richer. J'adore Luc Besson. Ah, il y a des fans, mais il y a des fans de la première période de Luc Besson. Mais oui, mais Besson a fait des très bons cinémas. Moi, mais moi, je suis une fan de la première période, mais je sais qu'il y a des gens de bon goût qui sont fans de la première période de Luc Besson. Voilà, donc c'est pas, ça me fait un peu peur de me dire qu'il a coécrit. Après, Richet, c'est plutôt un bon réalisateur. Ouais. Maintenant, ça peut être un pitch simple et un bon film. Oui, bah oui. Bah, laissons-lui le bénéfice du doute au moins. Et Greg, tu parlais de Besson. Ouais, j'ai une autre news sur Luc Besson qui a annoncé sur Twitter l'arrivée de Valériane au cinéma. Hein, donc, le réalisateur de Lucie, hein, voilà, notre bien-aimé film de Lucie, voilà, va dit que son prochain film serait donc Valériane and the City of the Thousand Planets, donc bon, Valériane et la cité de 1000 planètes. Ah, merci. Pour ceux qui comprennent mon accent anglais magnifique. Donc voilà, ça va être la première adaptation sur grand écran de la série créée par Pierre Christin et Jean-Claude Mézières en 1967 dans l'hebdomadaire Pilote. Voilà, donc il a de même dans sa série de tweets, on va dire, révélé la présence au casting de Dan DeHaan. Donc c'est celui qui jouait Green Goblin ou Harry Osborn dans The Amazing Spider-Man, Le Destin d'un Héros. Bah, justement celui qui avait joué dans Chronicle aussi, dont Dim nous a parlé plus tôt. Un petit blond à la DiCaprio. Voilà, et Cara Delevingne, je ne sais jamais comment on prononce son nom à celle-là, bref, qui joue dans Suicide Squad. Donc après... une fille quoi, voilà, Cara Delevingne quoi, hein, donc Valériane pour ceux qui connaissent pas, donc dont je faisais partie en préparant cette news, moi je connaissais pas du tout, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le décrit comme le plus grand space opéra publié par des auteurs français qui ont, voilà, nous entraînent dans un monde et un futur lointain. Le duo est constitué d'agents spatio-temporels, donc Valériane et Laureline, et c'est à bord d'un vaisseau affrété par Galaxy City, capitale de l'Empire terrien, qu'ils se déplacent pour vivre des aventures hautes en couleurs. Voilà, donc le tournage débutera en décembre de cette année et il faudra attendre 2017 pour le voir en film, en salle, ce film en salle obscure. Donc voilà, le prochain Luc Besson. Et c'est quoi le rapport avec Lucie, ou c'est juste que c'est... Ah, c'est que c'est Luc Besson qui réalise là. Ah d'accord, ok. Voilà. C'est quand même un rapport. Donc comme Lucie quoi. Il va réaliser une suite aussi à Lucie, non? A priori, ouais, une suite va être faite à Lucie parce qu'on voulait en voir plus quoi. Non mais Luc Besson avec le cinquième élément, moi j'avais beaucoup aimé le cinquième élément. Là on se rapproche du space opéra du cinquième élément. S'il nous fait un truc aussi réussi. Ah moi j'ai trouvé ça totalement raté, mais bon. Ouais, perso, j'aime pas trop le cinquième élément. Moi, j'aime beaucoup, mais je suis fan de Bruce Willis, moi. J'aime bien un peu le... Il y a Luc Perry quand même dedans. Je pense pas que tu peux défendre un film où Luc Perry apparaît... Il apparaît 5 minutes au début, dis donc. T'as des culots. Et Lucie, je trouve quand même, c'est un des prénoms auxquels on fait le plus de mal. Hein. Il y a eu Lucie le film, la chanson de Bispo. On va peut-être un peu arrêter avec Lucie. Le squelette en Afrique. Voilà. Non, va peut-être falloir s'arrêter. Les gens qui s'appellent Lucie, ils souffrent peut-être dans leur vie quotidienne. C'est vrai, ça merde. Ah, t'appelles Lucie en parlant de bons films. Ouais, bon, certes, il n'y a que Julien qui pourrait nous parler de ce film-là, à savoir Indy 5. Ah, bah, exactement. Oh, ah, bah, c'est pas vraiment une surprise vu toutes les rumeurs qui traînaient depuis quelques mois sur le net, mais c'est confirmé après le glorieux Indiana Jones 4, le crâne de cristal. Après, tu dis que t'aimes pas le cinquième élément. Non, mais. Je dis voilà, un film qui sépare le bon grain de l'ivraie dans les goûts cinématographiques. Putain, la honte. Ah si, ça achève notre podcast. Dim, ton avis, toi, sur, je connais pas, Easy 4, c'est de la merde. En deux mots. 4. Après, il y a pire, mais c'est quand même pas génial. Hein. Ah. Ah, voilà, mais j'aime bien en jouer, hein, d'ailleurs. Donc, ça sépare effectivement bien le bon grain de l'ivraie, on est d'accord là-dessus. La productrice, donc Kathleen Kennedy, qu'on a déjà cité deux fois, hein, d'ailleurs. Je crois que si on la cite trois fois, elle apparaît. C'est pas Beetlejuice. Qu'est-ce que fait Beetlejuice ici? Ce podcast, c'est n'importe quoi. Voilà, elle a confirmé au magazine Variety que bah, qu'ils allaient faire un cinquième volet, tout simplement. Voilà. Mais avec Harrison Ford. Non, il est mort. Ah non, bah ils savent pas encore. Non, ça va être avec l'autre. Si c'est avec Shia LaBeouf, c'est même pas la peine. Chris Pratt. Ça. Ouais, il y a des encore Chris Pratt, mais Chris Pratt, il a le syndrome Channing Tatum et Shia LaBeouf. Hein. Moi, je trouve. Juste pour préciser, en fait, elle a dit que c'était pas pour tout de suite parce qu'en fait, ils avaient pas commencé le travail sur le scénario. Je vais devancer la blague de Greg qui me dirait qu'ils n'ont pas non plus commencé le travail de scénariste sur le quatrième. T'es un salaud, tu me laisses même pas casser le 4. Voilà, donc il faudra s'armer de patience ou pas hein, si on n'a pas envie de voir Indy 5. J'ai pas envie de voir Indy 5. Après, moi, perso, je vois bien un reboot de la série. Ah non, putain. Bah, si, il change d'acteur, il faut faire un reboot. À rigueur, je serais peut-être presque plus content par un reboot que par une suite encore. Oui, mais un reboot intelligent en pensée. Moi, je verrais bien un reboot du crâne de cristal. Non. Ah, non. Ça, ils feront pas cette erreur parce qu'ils savent que c'est de la merde. Ils veulent mieux qu'un. Donc. Ils savent que leur film est nul, ils vont pas le refaire. Bon. Grégoire, parle-nous d'un bon réalisateur. Alors, j'en ai deux en stock. Donc, je vais commencer par David Fincher. Bah voilà. David Fincher, j'ai intitulé ça En avant la musique pour David Fincher. Moi, je le dis, je suis fatigué. Donc, il va faire une série musicale, en fait, hein, Video Synchronicity. Ce fameux David Fincher, le réalisateur de Gone Girl, pour ceux qui ne connaissent moins bien, on va dire que nous qui sommes tous fans, je crois, ici. Hein, accessoirement Seven, The Game. Oui, entre autres, hein, mais je parlais du dernier film dont on a entendu parler, qu'il a réalisé. Et donc, ça sera une série située dans le monde du vidéoclip. C'est commandé par la chaîne HBO. Donc, ça va suivre le quotidien de Bobby, un jeune garçon fraîchement sorti du lycée qui rêve de réaliser un film de science-fiction sur place. Donc, en essayant de se débrouiller pour créer sa chance, on va dire, il obtient un poste dans une compagnie spécialisée dans la confection de clips vidéo. Donc, il va découvrir ce monde en même temps que nous. Ce qui est pas mal, c'est que David Fincher était quand même un grand réalisateur de clips musicaux. Donc, il a commencé en fait chez ILM, hein, David Fincher, mais que rapidement il s'est démarqué dans ses clips musicaux. Donc voilà, c'est une comédie annoncée un peu dans la veine d'Entourage, Video Synchronicity, qui se veut un coup de projecteur sur l'industrie naissante du vidéoclip dans les années 80. On ne sait pas si on verra des clips en entier, on ne sait pas à quel point, si on verra peut-être des clips de David Fincher, peut-être David Fincher lui-même pourrait faire une propre apparition en caméo dans cette série. On n'a pas encore beaucoup de détails là-dessus. Donc, Fincher poursuit son parcours dans l'univers des séries après quand même House of Cards, excusez du peu, hein, puisque voilà, il faut pas oublier qu'il a travaillé quand même largement dessus. On voit sa patte. Exactement. Et que peut-être que ça va aussi. Je rappellerai juste que David Fincher avait travaillé notamment pour Madonna, Rolling Stones ou Justin Timberlake aussi quand il a fait ses clips. Michael Jackson un peu. Voilà, donc. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. C'est un monde qui doit être un peu marrant, en plus de se replonger dans cet univers dans les années 80. Ça va déborder de coquets. Moi, Fincher, je cautionne. Mais bon. Je suis très intrigué par ce projet musical, en plus. Donc, il va y avoir beaucoup de musique. Donc, voilà. C'est-à-dire que c'est plutôt sympa. Tendance légère, ce qui n'est pas le style de Fincher à la base. Pas forcément légère. Gone Girl. Gone Girl, il y a un côté très second degré, en fait. Hein. Enfin, bon. Oui, cynique plutôt. Humour noir, un peu. Voilà, ouais. Humour noir. En parlant de David, tu veux nous parler d'un autre David David Lynch, parce que là, c'était un peu le feuilleton. Quelle transition. Attendez. Transition. Hein de maître. Ah ça se professionnalise ce podcast. Par contre, après, David Spielberg, ça ne m'a donc j'ai du mal. Je vais chercher. Donc, David Lynch. C'était un peu le feuilleton. Partira pas. Autour de la saison 3 de Twin Peaks. Eh bien, nouveau rebondissement et probable happy end, on l'espère, puisque Lynch a annoncé via Twitter qu'il réaliserait les 9 épisodes de la nouvelle saison. Quelques semaines après avoir déclaré, toujours sur Twitter, qu'un désaccord financier l'obligeait à quitter le projet. Mm-hmm. Alors, on en avait parlé, on ne savait pas trop si finalement il demandait trop d'argent, si c'était... Apparemment, ce n'était pas des divergences de point de vue artistique, c'était plus une question de gros sous. On espère que c'est le dernier volte-face pour cette saison qui est prévue toujours en 2016 via Showtime. C'est 9 épisodes seulement Oui, 9 épisodes. Il les avait déjà écrits et là, il les réalisera. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Plutôt une très bonne nouvelle. Oui, Twin Peaks, c'est assez particulier comme ambiance. Faut pas non plus. J'ai toujours pas vu la série, je vais la regarder. Dans la saison 2, ça s'éternise un peu, notamment. On en avait parlé. Enfin, bon. Il disait d'ailleurs qu'il avait eu du mal à quitter cet univers et donc il avait... Qui est, même pour les fans, c'est un univers difficile à quitter. Une fois qu'on l'a vu, cette série, elle est particulière. Greg, je finis l'enchaînement du coup. Je finis sur Spielberg. Voilà. David Spielberg. Bah, regarde, on parle de série, je continue. On va travailler les transitions. On est nul. Donc Spielberg qui travaille avec Sci-Fi, avec sa firme Amblin Télévision, de Steven Spielberg pour développer un drame baptisé sur Brave New World, donc le meilleur des mondes, hein, de Aldous Huxley, qui est donc un roman publié en 1932. Brave New World c'est classé cinquième parmi les 100 meilleurs romans de langue anglaise du XXe siècle par la société américaine de l'édition Modern Library. C'est un classement. Oui, c'est un bon, mais c'est pas mon préféré. Moi. Je préfère 84. Bah, tu vois, c'est le cinquième, donc peut-être 84, je ne sais pas. Le roman se déroule dans un monde sans pauvreté, sans guerre, sans maladie, mais voilà, où des drogues psychotropes, le sexe gratuit et la consommation effrénée dominent. Tout va bien alors. Voilà, donc c'est un monde parfait, effectivement. Et c'est pas tout ce que va faire Spielberg sur ses séries. Hein. C'est vrai que c'est une personnalité qui intervient pas mal dans le monde des séries, finalement. Spielberg, on le sait pas forcément trop, mais il en produit énormément. On a vu le week-end dernier la première image de Minority Report, on a vu la première aussi bande-annonce de cette série qui s'annonce finalement assez riche en action. Qui a l'air bien d'ailleurs. Bizarrement. Alors, moi j'ai été très dubitatif. Ah bon, faites-vous votre propre avis, je mettrai peut-être le lien. parce que bah moi donc c'est une série qui, il faut savoir en fait, qui prend la suite du film, mais qui ne se base pas sur un agent du pré-crime, mais sur un pré-cog en fait, hein. Donc on se base sur une de ces personnes qui voit l'avenir là, qui baigne un peu dans leur liquide dans les films de Minority Report. Voilà, donc c'est une de ces personnes qui est dissociée de son frère et de sa sœur. Il ne perçoit plus que l'avenir de façon très fragmentée. Et il essaye de décoder un peu ce qu'il voit pour essayer d'éviter le pire. Donc moi, je trouve que ça fait un peu série des années 80, un peu comme Demain à la Une ou ce genre de truc, évidemment. Tu vois, une série... Ouais, je me méfie un peu des séries Spielberg. Bill Cosby. Non, mais quand Spielberg produit des séries, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Hein. Oui, c'est un très bon réalisateur, mais en tant que producteur de séries, je suis beaucoup plus méfiant. Et là, moi, j'ai trouvé que la bande-annonce, c'était pas terrible. Stan, toi, t'as bien aimé. Donc... Mais moi, j'adore Minority Report, le film, donc je suis plutôt bienveillant vis-à-vis de ça. Moi aussi, justement, j'adore le film. Et là, je trouve que ce n'est pas du tout au niveau. Donc, c'est dans l'univers, en fait. Donc, On verra. Faites-vous votre propre avis. Allez voir la bande-annonce de cette nouvelle série. Bon, je vous annonce qu'on est très en retard, ça fait 1h06. On va aller très vite sur la partie jeux vidéo, je crois. Bon, ça fait rire Julien, ce qui veut dire que non. Non, bah, donc ça sera un podcast de 3 heures. Si. Non, non, pas beaucoup. Allez, à tout de suite notre partie art ludique. Partie art ludique, on va commencer par débat, j'ai envie de dire, avec Julien. Oui, bah, c'est le traditionnel débat, on a déjà fait un sur... Le traditionnel débat, on a déjà fait un sur Amazon tout à l'heure. En fait, je me suis demandé de quoi on pourrait parler, étant donné qu'on est à... qu'on n'a rien à dire. Non, mais étant donné que là, en ce moment, le monde du jeu vidéo, c'est assez calme, puisqu'on est à un mois de l'E3, oui, donc ouais. Tout le monde garde ses annonces. Bon, il y a la sortie de Witcher 3, mais bon, ça c'est demain, et puis voilà, on va pas forcément parler, parce que moi j'ai joué une heure, donc... Alors ton avis, en profondeur, Julien, sur Witcher 3. Voilà, le temps de faire tous les didacticiels, et voilà, ça faisait une heure, déjà le temps de l'installer, ça faisait deux heures. Bon, voilà, d'ailleurs, ça rentrera peut-être dans le débat. Il y avait bien l'annonce d'un nouvel Assassin's Creed, là, Syndicate, mais bon, il y a eu son trailer, quelques minutes de gameplay, mais bon voilà, plus il y en a des Assassin's Creed, oui. Plus ça devient un non-événement, j'ai l'impression. Voilà, et puis il n'y avait pas vraiment moyen de faire un débat sur Assassin's Creed. Donc en scrutant un peu l'actualité jeux vidéo ces derniers jours, il y a deux choses qui m'ont interpellé. C'est à la fois le Nintendo Direct qui était consacré à Splatoon, et les actualités sur les Season Pass qui va coûter 40€ pour le prochain Batman. Et 50€ pour le prochain Call of Duty. Carrément. Voilà, et donc je me suis dit que c'était le bon moment pour poser la question suivante. Jeux vidéo en kit, point d'interrogation, joueur en vrac, point d'interrogation. Voilà, c'est le titre de mon débat. Très bon titre. Voilà, merci. Envoyez-moi des fleurs. On t'envoie des fleurs. Bon, alors, pour le coup, je ne connais pas l'âge de Dim, mais bon, je me dis, autour de cette table, on doit avoir entre 30 et 40 ans. Voilà, 33. Bon, ben voilà, parfait. On a l'âge de Christ. Hein. Voilà. Ok, merci pour la référence. ça casse bien l'ambiance. Ouais, donc, pour le coup, on a commencé à jouer assez jeune. Donc voilà, si on a 33, et entre 30 et 40 ans. Ouais, c'est ça, oui. Moi, j'ai commencé à 8 ans, ouais. Et donc, on a connu plusieurs époques du média jeu vidéo. Et on a grandi principalement, on va dire, avec les cartouches. Moi, un peu avec les disquettes aussi, mais surtout avec les cartouches. Donc, des jeux qui étaient vendus sous une forme immuable. Bah, les bugs et les glitches restaient tels qu'ils étaient quand la cartouche sortait. Des formes définitives. Et on peut dire que depuis, en fait, la génération 7, donc celle de la PS3 et de la 360, le modèle économique et la nature même de ce qu'est un jeu vidéo, sur console notamment, parce que sur PC, c'est un petit peu différent puisque c'est un peu plus ancien, bah, ça a été complètement bouleversé. Pour le coup, je vais même balayer d'un revers de la main la célèbre phrase de Miyamoto qui disait qu'un jeu retardé sera peut-être bon un jour, alors qu'un jeu qui est sorti n'a plus aucune chance de l'être. Eh bien non, aujourd'hui, mon cher Miyamoto, vous êtes un peu has-been, puisque un jeu mauvais qui sort, il peut très bien être bon quelques mois plus tard, puisque maintenant il peut être patché, il peut être refait dans les grandes largeurs. Voilà, donc en gros, bah, il sera encore meilleur quand il sera fini, amélioré. On a même l'impression que maintenant, les développeurs sortent des jeux work in progress. Hein. Un peu sur la manière des bêtas, on a l'impression de payer 70€ pour des bêtas, puisque les jeux sont pas tout à fait finis. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, l'architecture bah, des consoles actuelles, qui sont constamment connectées à Internet, et avec les divers stores qui permettent aujourd'hui aux développeurs de sortir des jeux work in progress, bah, on assiste voilà, à une guerre entre les développeurs qui sont pressés par l'éditeur de sortir un jeu à la date prévue pour que ça rentre dans l'année fiscale, ça c'est toujours important. Puis on dit, bah, tant pis, on sortira un patch Day One. Hein. Aujourd'hui, on ne voit pas vraiment de jeux qui sortent sans un patch Day One. Bah, les développeurs sont aussi prêts à saucissonner les jeux pour faire de l'argent et les vendre via les DLC. Et une partie des joueurs qui critiquent cette façon de faire, via souvent, il y a même des pétitions contre les DLC, des pétitions contre les jeux en kit, quand une autre partie, finalement, achète achètent ces jeux en kit et ces DLC, et c'est parfois même les mêmes qui critiquent et qui achètent aussi les DLC. Clairement, ouais, clairement. Oh, je dis ça, ça m'est arrivé aussi, des fois je critique les DLC et j'en achète aussi, donc on est toujours un peu, voilà, on est toujours pas dans des paradoxes quand on est consommateur. C'est peut-être parce qu'on se prend un peu, on est un peu lié par ça, enfin je veux dire, on est un peu tous la gorge, quoi. Puis on aime bien à la fois critiquer, puis en même temps, quand il y a un truc, voilà, quand c'est un peu des trucs où t'es fan, ils savent te vendre des trucs, quand même. Ouais. Donc, en fait, ce que je voulais aborder, c'est différents cas. Donc, d'abord, le premier cas, selon moi, c'est le jeu ou les jeux work in progress. Donc, je vois trois cas assez récents. Je parlais tout à l'heure de Splatoon, puisqu'en fait, on a eu un Nintendo Direct il y a peu de temps sur le jeu qui va sortir le 29 mai. Et en fait, on nous a donné dans ce Nintendo Direct un programme de tout ce qui va nous attendre avec Splatoon, mais dans les prochains mois qui vont suivre le lancement. C'est-à-dire que le jeu, il va sortir avec un certain nombre de maps. Donc, je rappelle, c'est un shooter plus ou moins orienté online, un TPS, où on balance de la peinture. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils vont le lancer un peu incomplet au lancement, puisqu'en fait, il va y avoir des mises à jour gratuites qui vont arriver. Les développeurs ont même décidé de bloquer des choses et qui vont débloquer au fur et à mesure quand les joueurs atteindront un certain niveau dans le jeu. Okay. Voilà, l'idée c'est en fait d'accompagner les joueurs. Alors il y a deux écoles, on va dire. Il y a ceux qui disent parce que le jeu n'est pas fini et qui veulent le sortir à la date prévue, et d'autres qui font confiance à la bonne foi des développeurs, qui disent eux qu'ils essayent d'accompagner le joueur puisque c'est un peu nouveau. C'est vrai que Nintendo, ils sont toujours un peu en retard sur le online, hein, ça se fait déjà dans plein de MMO, plein de jeux en ligne, mais eux, leur idée c'est que voilà, c'est un peu nouveau pour le public Nintendo, donc on va pas tout leur donner tout de suite et on va essayer de faire vivre le jeu sur la durée. Donc la question, voilà, c'est de se demander si le jeu il est fini pour sa sortie ou si on croit à la bonne foi des développeurs, hein, puisque là c'est vraiment la foire au contenu. Il va y avoir des mises à jour, il y a le principe avec les amiibo qui débloquent du contenu, il y a les DLC avec des maps, des armes, des persos, il y a des choses gratuites, des choses payantes, il va y avoir des modes de jeu en plus. Par exemple, en août, ils vont débloquer la possibilité de créer des équipes avec des amis, ce qui n'est pas du tout dans le jeu de base quand il sortira. Donc on va avoir un jeu qui va essayer d'exister sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc pour essayer de le faire vivre auprès de la communauté, il y a eu un autre jeu assez célèbre dernièrement, c'était Destiny, qui a été lancé, c'était en septembre de l'année dernière. Septembre, ça me semble déjà très loin. Ouais, c'est clair. Donc là, c'est un cas célèbre. On sait que Bungie, donc le créateur du jeu, qui est aussi créateur de Halo, avait annoncé que c'est un jeu qui allait durer 10 ans. Et déjà, en fait, à l'époque où c'est sorti, il y avait assez peu de contenu, et en même temps, ils annonçaient déjà des mises à jour, certaines gratuites, deux DLC, dont le dernier là qui est sorti, qui s'appelle La Maison des Loups, qui était prévu d'ailleurs dès la sortie du jeu, et donc on connaissait déjà presque le contenu. Voilà, c'est intéressant de voir aujourd'hui, quand le jeu, on en a parlé à sa sortie, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui de Destiny ? Alors, ils annoncent 20 millions de joueurs, moi j'ai joué à Destiny au tout début, j'ai complètement lâché, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le jeu, si j'y retourne... Bon, déjà, c'est un désert, je crois. Alors, non, ça marche très très bien, ils ont annoncé 20 millions de joueurs, alors il faudrait voir avec des joueurs actifs, mais ça marche très très bien. Ah, ouais. Par contre, c'est un jeu qui n'a plus du tout de presse. C'est-à-dire que c'est un jeu dont j'ai l'impression que la presse n'en parle plus, s'en fout un peu, alors que c'est un jeu où la communauté est très active. Et moi, j'ai l'impression que si j'y reviens, moi j'avais joué une petite trentaine d'heures, pas un gros score sur un truc qui était plus ou moins MMO. Et voilà, c'était un jeu qui était plutôt intéressant, mais qui était assez vide en contenu, mais qui a été enrichi au fur et à mesure. Donc si tu y retournes maintenant, c'est totalement un jeu différent. C'est drôle. Voilà, donc c'est pour le coup, comme je disais, c'est work in progress. On a aussi le cas de Drive Club. Donc Drive Club, qui était un jeu de course lancé, une exclusivité Sony, qui avait eu un lancement complètement chaotique, puisque mode online ne fonctionnait pas. Ce qui était un jeu qui était basé sur le côté social, où tu pouvais créer des clubs et tu rapportais des points pour tes clubs, et ça marchait pas. Sauf qu'aujourd'hui, et le jeu s'était fait quand même casser à l'époque pour ça, il avait des très mauvaises notes. Et aujourd'hui, le jeu, de tous les gens qui jouent encore, il a été patché énormément de fois, il y a eu plein de DLC qui sont arrivés, des choses gratuites, et apparemment il est très bon. Ah oui ? Ouais. Donc comme quoi, on parlait de la citation de Miyamoto, mais un jeu qui est... Ouais, comme quoi, il faut renoter les jeux presque 6 mois après leur sortie, maintenant. Ouais. Donc ça, c'est le premier cas d'étude, c'est ces jeux que j'appellerais work in progress, qui vont essayer un de... Peu, tu inclus les Assassin's Creed, par exemple, là-dedans ? Alors, je l'ai... Unity, par exemple, qui a été quand même beaucoup critiqué à sa sortie pour les bugs. Ouais, alors je les mettrais dans des cas différents. Pour moi, ça, c'est plus des jeux qui ont soit des patchs day one, soit qui sont améliorés au fur et à mesure. Là, je dirais que c'est des améliorations de contenu. D'accord. C'est-à-dire c'est des jeux qui ont une base. On dit, voilà, vous allez pouvoir y jouer. Il y a souvent, c'est des jeux qui sont plutôt avec des composantes online et qui, au fur et à mesure, vont avoir du contenu qui s'ajoute pour faire durer la communauté autour de ce jeu-là. Okay. Alors, il y a un risque. Hein, si la communauté ne prend pas, le jeu, il est périclite complètement et il est complètement désert. On a vu le cas avec, par exemple, Evolve, qui marche assez mal. Et donc, il n'y a presque plus personne qui joue à Evolve aujourd'hui. Alors que Destiny, ce n'est pas du tout le cas. Destiny, c'est un vrai carton. Après, médiatiquement, il est plus du tout suivi, sauf quand il y a un DLC qui sort. Après, il y a un autre cas, c'est le patch Day One. Là, on peut dire finalement ça va vite parce que tous les gros jeux aujourd'hui ont un patch Day One. Tu vois, là, j'ai acheté Witcher 3, il y a un patch de 500 mégas. Normal. Voilà, donc là, ok, c'est un peu le côté un peu même usine à fantasmes, puisque les gens vont penser que ça va résoudre les bugs. Alors tu vois un test, ouais, le framerate il est pas terrible, mais il y aura le patch day one qui peut-être corrigera le framerate, on n'en sait pas. Enfin, t'as l'impression que ça va faire passer ton jeu, il était hyper moche, il va devenir hyper beau. Bon, voilà, c'est souvent maintenant tous les jeux, tous les gros jeux ont un patch day one, donc ça, ça montre aussi que bah, un jeu il peut ne pas être prêt à temps, mais il le sort quand même tout en sachant qu'il continue à bosser sur le patch, parce que forcément, après, il y a une fois que tu sors ton jeu, quand il est gold, quand il est envoyé, quand il est distribué, bah, il se passe toujours à un ou deux mois, donc là les développeurs peuvent encore bosser dessus pour l'améliorer. Ça, ça semble aujourd'hui accepté, j'ai l'impression que tout le monde accepte qu'il y ait des one. C'est pratiquement normal. Finalement, enfin, c'est pas plus mal à la limite. Oui. Et dernier cas d'étude, c'est les DLC et les Season Pass. Et là, j'ai l'impression qu'on a franchi une limite ces derniers jours, j'en parlais, avec des Season Pass qui aujourd'hui coûtent entre 40 et 50 euros. Ça me paraît énorme, là. Alors, si on fait un pourcentage contenu de base et contenu à acheter, on est en train vraiment de bouger dangereusement vers les lignes. Avant, les DLC, c'était souvent 10 euros pour un DLC. Un Season Pass, c'était entre 15 et 25 euros. Là, on arrive quand même on arrive à une offre de base avec plus DLC Season Pass à 100 euros pratiquement. Mm-hmm. Si tu imagines qu'un jeu coûte 60 euros, et tu vas payer 40 euros. Donc, tu es presque à un rapport, pratiquement, le DLC, il vaut plus cher que le jeu. Y a des explications. Déjà, c'est l'argent, faut quand même qu'ils gagnent le jeu. Et il y a aussi faire vivre un jeu sur la durée. Aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de gens qui vont acheter, par exemple, un seul jeu dans l'année, un FIFA, un GTA, ça arrive, un Call of Duty. Il y en a beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce que les développeurs ou les éditeurs plutôt font avec ces gens-là? Comment ils arrivent à leur vendre des choses? Ils leur vendent des choses qui sont liées à ce jeu-là. Parce qu'ils n'achètent pas d'autres jeux, ils vont jouer qu'à ça. Donc pour leur prendre de l'argent dans leur portefeuille, il faut bien qu'ils leur proposent de la continuité. Donc quand on a un Call of Duty, ça va être des maps. Quand on a un GTA, ça va être des nouveaux modes de jeu en ligne. Voilà, donc ça c'est l'idée aussi, c'est de faire de l'argent, mais c'est aussi de faire vivre le jeu. Parce que maintenant les jeux coûtent de plus en plus cher. Donc s'il y a des personnes qui en achètent qu'un par mois, ça peut pas être rentable, qu'un par an, pardon, ça peut pas être rentable pour les développeurs et les éditeurs surtout. Alors il y a des spécialistes, on a Ubisoft, on a Electronic Arts, on a Activision qui sont un peu les spécialistes du Season Pass et du DLC. On a aussi même des éditeurs qui s'y mettent un peu comme Nintendo. On voit que Nintendo fait de plus en plus de DLC de Season Pass. Alors il y a du bon et du mauvais chez eux. On avait parlé du DLC Mario Kart qui est plutôt un bon exemple de DLC. Smash, c'est un peu différent avec le prix des personnages. Et on a ceux qui passent un peu entre les gouttes en faisant du DLC. Il y a Rockstar qui est rarement taclé pour ses DLC. Ouais. Et CD Projekt Red, les auteurs, les créateurs de Witcher aussi, qui sont plutôt bien considérés puisqu'ils font du DLC gratuit et du DLC avec vraiment 30-20 heures de jeu pour chaque DLC. Donc là, voilà, sur les DLC, il y a aussi des petites choses, on en parlera peut-être. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une particularité du jeu vidéo, c'est que comme c'est une connexion permanente à Internet, c'est devenu un média qui est totalement ouvert, et je vois pas finalement d'équivalent dans d'autres médias. Non, c'est vrai que te faire racheter quelque chose comme ça, tu vois, non. Alors je voyais, j'avais noté, par exemple, on a en musique, on a les bonus sur les CD, c'est-à-dire ils vont te ressortir un album. Ouais. Mais en fait, c'est pas. On a ça aussi, par exemple, tu pourrais penser aux versions longues au cinéma, les director cuts. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui. Pour le coup, c'est une version qui va chasser l'autre. C'est pas on multiplie pas l'œuvre, en fait. Par exemple, au cinéma, tu vas avoir la version classique, la version courte, par exemple, je pense au Seigneur des Anneaux, et la version longue. Donc les deux coexistent. Alors que là, c'est des choses. On remplace des choses. Mmh. On ramène des patchs, donc on va modifier un jeu de base. Mais oui, tu ne pourras plus jouer à l'ancienne version du jeu. Tu peux plus jouer, à part si tu connectes pas mais je sais même pas s'il y a quelqu'un le fait ou si ça... Non, ou si c'est un intérêt artistique. En fait, t'ajoutes des couches et tu remplaces. Mmh. Donc, c'est un média qui s'écrase, qui évolue en permanence. Voilà, c'est un média, comme je disais, work in progress, c'est un média qui va toujours de l'avant, alors que dans le cinéma, je sais pas, tu prends Apocalypse Now Redux, tu peux voir encore l'ancienne version de Apocalypse Now sortie au cinéma. Mais comme tu le dis, peut-être au détriment du consommateur-joueur, là, pour le coup, parce qu'une fois que t'as vu Apocalypse Now et que tu vas peut-être dépenser un peu plus d'argent pour voir Apocalypse Now Redux... t'as vu toutes les versions d'Apocalypse Now, tu as ton truc, c'est fini, etc. Bon, là, quand t'as un jeu et que tu dois encore repayer, si tu veux avoir la totalité du jeu, l'expérience totale de ton jeu parce que tu es fan, là, on commence à atteindre des montants importants. Là, on commence à aller loin. Quand tu parles de 100 euros pour un jeu complet où tu vois tout du jeu, ça commence à faire un peu cher, quoi. Ça fait très cher et tu te dis, tu sais pas trop si finalement ça va être des contenus qui sont intéressants parce que maintenant ils te les vendent d'entrée de jeu et tu. Ouais. Par exemple là, le season pass de Batman, il est prévu pour 6 mois. Ce qui est toujours un peu après à la question, moi que je me pose toujours, mais ça c'est peut-être mon aspect. Moi je m'y connais beaucoup moins en jeux vidéo. C'est à quel moment ils décident que ça c'est un DLC et que ça fait partie du jeu. Tu vois, est-ce qu'ils enlèvent pas une partie du jeu? C'est toute la question. Contenu à la base dans le jeu qu'ils ont développé pour te dire finalement on va la faire. Enfin tu vois cette mission elle est bien, on va peut-être la faire acheter quoi. En fait moi j'ai l'impression maintenant c'est tellement intégré dans le process de travail des développeurs que de base, ils ont des plans où ils disent, bah voilà, ça c'est le jeu de base, ça c'est des DLC. Après, peut-être qu'ils les développent pas tout de suite, peut-être qu'ils les développent au cours des 6 mois. Mais simplement, ils ont, à mon avis, ils ont déjà pris le parti de les supprimer et d'en faire des DLC. Après, c'est vrai qu'à une époque, il y a souvent des éditeurs qui ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont sciemment coupé du contenu. On peut penser à des personnages qui étaient voilà, que tu devais racheter dans des jeux de combat, et ils les ont coupés pour les vendre après en DLC. Mais j'ai l'impression que maintenant c'est tellement intégré. Je pense qu'aujourd'hui, dès le premier jour de création, ils pensent en contenu additionnel. Ouais. Mais peut-être qu'ils ne le développent pas tout de suite, ils se concentrent sur la base qu'est le jeu. Pour certains jeux, je vois un parallèle assez intéressant qui pourrait être fait avec le monde des séries. Hein. C'est-à-dire que quel moyen de faire durer un jeu sur une année complète jusqu'à la prochaine itération, c'est de vendre des DLC, mais ça peut être une très bonne logique. Hein. Je ne critique pas forcément ça. C'est-à-dire qu'on offre une base comme une sorte de pilote de série, de saison, et après, vous pouvez racheter et ajouter du contenu, ou même sous forme de season pass, et ça te fait durer le jeu toute l'année, jusqu'à la prochaine itération, ou jusqu'à un autre jeu. Mais c'est pas mal, enfin, après, ça peut avoir un point de vue très intéressant. Du côté positif, effectivement, c'est que c'est une autre façon de voir un jeu vidéo, au lieu de le consommer en 30 heures, où tu passes 30 heures sur ton jeu, tu joues pendant 30 heures à fond, en une semaine, tu le claques, et après, tu joues plus jamais. Bah, c'est une évolution du média, peut-être où tu vas y jouer pendant un an. Tu vois, là, on rejoue à Mario Kart parce qu'il y a le DLC qui est sorti il n'y a pas longtemps, alors qu'avant, peut-être il aurait peut-être pris la poussière assez rapidement et tu aurais plus jamais joué. Le fait qu'ils aient retenu les 200 cm3 longtemps et qu'ils l'aient seulement lâché au bout de, alors que le jeu est sorti depuis un an. Ça redonne une vie. D'un coup, ça relance le jeu. La logique de Splatoon, pour moi, elle n'est pas totalement idiote, elle est plutôt bien pensée, je trouve. En plus, ils le préviennent vraiment en amont. C'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quel pied ils dansent, on pourra peut-être jamais le savoir. Il y a toujours la question de la finance aussi. Exactement. Il faut pas aller trop loin, voilà, comme tu dis. Dans le cadre de Splatoon, la plupart des choses qui vont arriver, c'est des choses qui sont gratuites. Par exemple, il y a une vraie logique, C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'avec Mario Kart, ils ont pris conscience que tout d'un coup, ils pouvaient faire durer et relancer un jeu alors que les gens l'avaient acheté il y a plus d'un an, et du coup, même faire repartir des ventes. Peut-être qu'avec Splatoon, ils se disent, on va enfoncer ce clou-là et on va aller dans cette direction. D'ailleurs, dans leur dernière déclaration aux actionnaires, Iwata disait justement qu'ils allaient faire de plus en plus continuer leur jeu dans la durée, donc ça veut dire faire du DLC, donc peut-être qu'il y aura encore des courses pour Mario Kart. Peut-être. Mais là, par exemple, le problème que ça pose aussi, moi je me suis posé la question, c'est par rapport à la presse. C'est-à-dire que la presse, par exemple, quand elle note un jeu, elle reçoit un jeu qui a un contenu de base. Je pense à Destiny. Alors on a beau leur dire, dans 6 mois, vous allez avoir des super trucs dans Destiny, vous serez au level, il y aura ça qui va se débloquer. La presse, elle teste un jeu, elle rend une note, un verdict. Alors peut-être qu'il faut qu'elle change finalement sa façon de faire. C'est un des débats, c'est un des gros débats. C'est est-ce que la note ou la façon de rendre un verdict du jeu vidéo doit changer? Parce que déjà, le concept de note est critiquable en soi, mais en plus, il y a l'évolution du jeu vidéo derrière qui rajoute complètement autre chose. Quand tu dis Drive Club, c'est ça qui a été effectivement, je me souviens, moi j'ai suivi ça de loin, mais il a été crucifié ce jeu. Et maintenant, ils ont mis du temps à réagir aussi. Maintenant, tu me dis que c'est un bon jeu. Problème, c'était une erreur industrielle. Quand t'es pas un joueur qui joue Day One, t'en as rien à foutre qu'il marche pas Day One, tu vois. Il y en a plein des joueurs qui sont pas Day One. Alors oui, ça va faire énerver une base de gens, etc. Ça va énerver les développeurs. Les critiques de jeux vidéo sont obligés d'en rendre compte. Sauf que là, t'abordes un problème différent, c'est que le jeu ne fonctionnait pas. C'est pas un contenu enlevé. Là, on allait trop loin, mais. Effectivement, dire que Destiny aujourd'hui n'est plus le même jeu qu'à l'époque où il est sorti, c'est une autre. Est-ce que les notes du coup correspondent toujours? Est-ce que le point de vue de la presse correspond toujours? Peut-être qu'il faut juste se dire qu'un jeu, c'est maintenant plus un truc d'évolution. Un produit fini Day One. C'est plus immuable. C'est quelque chose en perpétuelle évolution. Ce que fait au bas gauche droite là, quand ils maintenant dans leur nouvelle section de leur podcast, donc un podcast de jeux vidéo, quand ils reviennent sur les jeux justement en disant retour sur le jeu là qui est sorti il y a 6 mois et qui a sorti un DLC et depuis il a évolué de telle façon. Ils font un suivi. Je trouve que ça c'est une très bonne idée et peut-être que c'est quelque chose. Je pense que ça va rentrer dans les mœurs. Rien que les jeux comme Life is Strange, les jeux épisodiques qui sont une logique complètement différente de DLC, je suis bien d'accord, mais en fait ça, finalement c'est pas si différent que ça. Le jeu épisodique, c'est de faire parler du jeu tous les 3 mois, 3 semaines. Oui, ils auraient pu le sortir en un coup. Voilà, tout d'un coup. Et faire des DLC qui rallongent l'histoire à chaque fois. Voilà, quand je pense au DLC standalone, un peu comme il y a sur le jeu de Sony là, après Uncharted, c'était comment Last of Us. Last of Us. Ils ont fait un standalone finalement. Ouais. On a reparlé du jeu. Puis après, il y a eu la version remasterisée, etc. Enfin, c'est des façons de reparler du jeu. Les DLC, je trouve, ça peut être une façon intelligente. Ouais. Si c'est par exemple, tu vois tout ce qui était version remasterisée, GOTY, ça c'est des choses. Choses qui se faisaient déjà dans le jeu vidéo. C'est juste redonner une nouvelle exposition, une nouvelle vie au produit. Mais là, c'est de te dire que un jeu Day One, il sera totalement différent dans un an. Ça, c'est quand même incroyable. Alors, le problème, c'est que si tu achètes un jeu Day One, tu te dis c'est cool, j'ai le jeu que j'adore, et etc. Et que tu te dis après, que tu commences à comprendre qu'après, qu'il va falloir que tu débousses 10€ parce qu'il y a une partie que t'as pas. Voilà, ça, c'est quelque chose, moi, que j'aime pas du tout. Et c'est pour ça que, par exemple, j'achète jamais un Assassin's Creed l'année de sa sortie. Ouais. Parce que je veux l'édition complète. Ouais, c'est ça. Voilà, je veux pas me poser de questions, je veux tout avoir, point barre. J'adore tellement l'univers Assassin's Creed que je préfère ne pas l'acheter. Ouais, je comprends. Moi, c'est pas tellement une question d'argent, c'est surtout, tu vois, je fais un jeu, les DLC ils sortent après, et je suis plus tellement dans l'esprit de ce jeu-là. Voilà. Donc, je suis passé à autre chose. Par exemple, là, moi, j'ai beaucoup aimé The Evil Within, on en avait parlé ici. Mm-hmm. Là, il y a eu 3 DLC qui sont sortis depuis, qui étaient déjà prévus, mais je les ai pas encore fait parce que, voilà, je suis plus trop dans l'esprit du jeu, j'ai plus touché au jeu depuis que je l'ai fini. Donc, j'ai pas, tu vois, des fois, t'as plus de réticence à t'y remettre tout de suite que si t'avais le DLC directement et enchaîné suite juste après le jeu. Bah, c'est un pari, c'est vrai, ouais. Que le quelque part l'éditeur ou le développeur te fait le pari de te dire je vais te réintéresser à mon jeu sur un an. Peut-être, voilà, dans Mario Kart on parle d'un an, là, de Witcher c'était il y a plus de 6 mois maintenant. Pour Evil Within. The Evil Within, pardon. Ouais. Plus de 6 mois, c'est un pari de l'éditeur de se dire est-ce que le spectateur, enfin le joueur du coup, sera toujours actif et. Bah, ça oblige l'éditeur à faire des jeux de qualité et des univers dans lesquels on a envie de revenir en fait. Hein. Bah, c'est pour ça qu'ils font des season pass, hein, comme ça t'es captif et puis tu l'achètes et voilà, tu l'achètes. Season pass, donc, voilà, tu te dis bah zut, je l'ai payé. Autant y jouer. Voilà. Enfin là, du coup, c'est une autre approche parce que c'est une approche par dépit quoi. Oui. Oh, je vais y jouer. C'est pour ça que pour moi, c'est une mauvaise approche. Ouais. Mais ça, c'est un point. Après, c'est toujours, tu sais, c'est le principe du bon et du mauvais chasseur. Il y a des bons DLC comme il y a des mauvais DLC. Et même à l'intérieur d'un même studio, on disait pour Nintendo, moi je trouve que les prix des personnages pour Smash, ils sont carrément abusés. Alors que les prix des DLC de Mario Kart, ils justifient complètement par rapport au travail fourni. Et personnellement, ils annonceraient à l'E3 qu'il y a 2 nouveaux DLC pour Mario Kart, je sauterais de joie. Ouais, c'est clair. Hein. Ça, c'est des DLC qui valent le coup. Mais effectivement, comme tu le dis, après, c'est presque. Les avis de chaque personne sont différents selon chaque DLC. Quoi. Je ne sais pas s'il y aura un jour un consensus sur le prix, le bon prix d'un DLC sur son contenu qu'il apporte. Quoi. Ouais, il y avait l'exemple des GTA 4 avec les standalone qui avaient été très bien accueillis. Et qui, pour le coup, change complètement l'expérience de GTA, parce que c'est des histoires qui sont entremêlées. Donc, une fois que tu as fait les trois bouts, tu as une histoire un peu comme dans Alara Shomon ou à la Jackie Brown, où tu vois un peu de différents points de vue. Génial, ça. Moi, je les ai pas fait, tu vois. Mais bon. Je sais pas si Dim avait quelque chose à dire sur la pratique à la fois des DLC, des season pass, du work in progress maintenant, de ce qui est la nature même d'un jeu vidéo. Moi, je suis assez d'accord avec toi dans le style où il y a des bons et des mauvais DLC. Par exemple, moi, j'ai encore le souvenir... du Prince of Persia qui était en self-shading, où il me semble que la fin était en DLC. Ouais, la vraie fin. Vraiment avoir la vraie fin du jeu, il fallait payer. Ah, c'était en 2008. Je trouve ça vraiment honteux. Après, par exemple, oui, pour les GTA, où il y avait Infamous aussi qui avait fait un standalone, là, je trouve que ça vaut le coup, parce que fait vraiment un vrai jeu dans le jeu, quoi. Mais par exemple l'exemple du Batman, moi ça me débite quoi, parce que j'ai acheté une PS4, c'est une des raisons pour quoi j'ai acheté une PS4, c'est un peu le Batman. Ouais, qui a été repoussé déjà. Je vais pas me l'acheter le Day One quoi, parce que bon, avec le Season Pass et tout, ça fait plus de 100€ le jeu. Je vais faire comme les autres, je vais attendre un an et je l'aurai à 30€ en version GOTY quoi. Ouais, ou alors t'attends que le DLC baisse, tu achètes le jeu de base et puis tu attends que le DLC les DLC baissent quoi. Ce qui arrive assez souvent, parfois il y a des promos. Après, c'est si t'es pressé, si t'as acheté la PS4 et que tu te dis bon, je le fais pas finalement, c'est bon, il y a d'autres jeux. Hein, mais c'est un peu dommage. Tu peux jouer à Witcher 3. Oui, oui, bah ça va, j'ai quand même de quoi m'occuper. Hein. Ouais, lis les Blu-ray sinon. Lis les Blu-ray, ouais. Voilà, je sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter sur cette partie. Non, mais c'est un point délicat en fait, c'est pas un avis, c'est toujours un avis contrasté. Moi je pense qu'on aura là-dessus, c'est comme voilà, on peut pas être tranché en disant c'est une bonne pratique. Quand tu disais ton titre du début, joueur en vrac, non, joueur en vrac, bah oui et non. Ouais, voilà, il y a vraiment des mauvaises pratiques. Pour moi ça dépend vraiment comment tu considères le jeu, et encore je reviens au parallèle de la série, hein, mais il y a des séries où je préfère attendre que la saison soit complète pour regarder. Il y a des séries où je peux regarder épisode par épisode en attendant. Voilà, c'est un peu pareil le jeu vidéo. Parfois, je préfère attendre que le produit soit vraiment complet, tous les DLC inclus. Parfois, je peux accepter qu'il y ait des choses qui arrivent après. Mais là, tu vois, je suis assez curieux de voir comment Splatoon va être accueilli. Alors, on ne connaît pas encore ce que donnera le solo, s'il sera assez conséquent. Mais c'est-à-dire que s'il y a très peu de contenu de base et que le jeu arrive que vers août-septembre à être totalement complet, le jeu il peut se faire casser parce qu'il n'y a pas assez de choses à faire. On parle de 5-6 maps, donc sur un jeu, un shooter, c'est quand même assez peu. C'est très peu. Il y aura d'autres armes qui vont arriver, ils font tourner toutes les quatre maps, tu dois changer de map. Donc tu vois, il y a des parties pris. D'ailleurs, c'est un peu le débat que j'avais avec des gens sur internet, des gens disaient ouais, mais c'est parce que le jeu est pas fini ou voilà, mais tu vois, c'est vrai que on sait pas trop s'ils rajoutent des choses parce que le jeu est pas fini ou qu'ils ont pas le temps de les faire, ou si c'est vraiment une volonté d'accompagner le jeu. Mais je pense que par rapport à la presse, ça va être peut-être un peu délicat au départ. Donc voilà, il faudra voir, même si maintenant je pense que les mentalités vont changer. J'écoutais l'émission de Gamekult où justement c'était Exerf qui disait ouais, bah, peut-être que Drive Club, on va peut-être refaire un, pas forcément le renoter, mais refaire un live dessus pour dire ce qui a changé, comment le jeu est maintenant. Parce que c'est vrai que, bah, en plus, on sait qu'il y a pas mal de studios qui, qui touchent plus d'argent selon des notes Metacritic. Oui, tu en avais parlé de ça. Donc, tu vois, si par exemple le jeu, il a... bon, après c'est aussi de leur faute si leur jeu il sort en Day One, il est tout pourri et qu'ils mettent un an avant. Tu vois, Drive Club, c'est quand même un peu de leur faute. Hein, oui. Leur mais faute, on sait peut-être pas tout. Hein. Il y a une pression ailleurs, peut-être sûrement qui ouais, les il a obligés. Déjà repoussé. Leur faute ou ceux des commerciaux. Mais ouais, là, enfin, c'est la faute de l'éditeur. L'entreprise, voilà, quoi. Voilà. Quelque... Voilà, ouais, je veux dire, c'est la faute de l'éditeur. C'est pas aller à la presse qui a mal noté le jeu. Après, voilà, si le jeu il est meilleur un an après, ok. Alors voilà, c'est peut-être un truc à prendre en considération pour tout ce qui est presse vidéoludique. Ouais. Bah, c'est intéressant tout ça. Hein. Ouais. Le marché est vraiment en évolution. Hein. Ouais. Super. Bah, Grégoire, je te laisse la parole. On va parler de Splatoon et Nintendo. Ouais, j'irai assez vite sur pas mal de news qui ont concerné Nintendo sur ces deux dernières semaines avec déjà les résultats financiers. Tu avais parlé, Julien, de. Effectivement, ils ont un peu communiqué aux actionnaires et on a vu qu'ils bah, allaient mieux hein, globalement puisque le groupe est revenu dans le vert pour la première fois en 3 ans. Donc, ça faisait 3 ans qu'ils perdaient de l'argent. Bon, c'est vrai qu'il y a les ventes soutenues de Smash Bros. Qui ont joué là-dedans. Il y a Yo-Kai Watch qui marche terriblement bien au Japon et qui s'apprête à débarquer en force en Europe, je pense. Qui joue forcément dans la politique, enfin voilà, dans les bons résultats de Nintendo. Et malheureusement, il faut quand même pas oublier que c'est surtout le taux de change favorable hein, ouais. qui fait que les résultats sont bons. Il faut pas non plus se voiler les la face. Amiibo, les et je vais en parler après des Amiibo qui ont plus aidé que ça. Les jeux, presque. Donc c'est l'occasion quand même de revenir sur certains chiffres. Bon, j'irai assez vite parce que voilà, les nouvelles sont bonnes, les chiffres sont dans le vert, mais globalement, les moins bonnes nouvelles quand même sur les ventes de consoles où les chiffres sont pas hyper bon, hein, la sortie du modèle New de la 3DS, bah maintenant fait qu'elle s'est vendue cette année à 8,73 millions d'exemplaires, alors qu'elle s'était vendue à 12,24 millions d'exemplaires l'année d'avant. Donc quand même 4 millions d'exemplaires de moins malgré un nouveau modèle en une année. Bon, c'est normal, on avait dit, hein, ouais. La console arrive en fin de vie. Il faut qu'il lance un Pokémon. Il faut qu'il fasse quelque chose. Non mais c'est vrai, sérieusement, parce que là, elle est en train de mourir doucement, finalement. Ouais, mais je pense qu'elle est arrivée à son maximum en termes de vente. Ouais, là, je pense que c'est vraiment la fin de... C'est la dernière édition, on l'avait dit, d'une console qui arrive à sa fin doucement. On arrive quand même à 52 millions de 3DS vendus au global. Les ventes de la Wii U sont passées de 2,72 millions l'an passé à 3,38 cette année. Ouais. Bon, ils n'en vendent pas beaucoup, mais il y a une dynamique. Il y a une bonne dynamique. On n'en est pas au niveau de la PS4 non plus, oui, non, mais la dynamique, elle est positive, ça c'est sûr. Donc il y a quand même plusieurs jeux qui ont dépassé la barre du million symbolique sur Wii U. Hein. Ouais, ils ont signalé, alors je citerai Mario Kart 8 hein, notamment, qui alors lui est autour de 5 millions. Super Smash Bros. Wii U qui a dépassé les 3,5 millions d'unités écoulées, ce qui est quand même, ça reste des beaux chiffres pour une console dont on dit que c'est un échec. Bah c'est surtout pour un parc de 10 millions, c'est-à-dire qu'on est pratiquement à un jour sur deux qui a Mario Kart. Quoi. On est sur c'est des, énorme. Ouais, on est sur des gens où voilà, chaque acheteur d'une Wii U a acheté quasiment un Mario Kart et maintenant presque tous aussi un Smash Bros aux États-Unis en tout cas. Ouais. Donc c'est une belle performance parce qu'en plus je crois que Nintendo est rentable à partir du moment où on achète un jeu sur la Wii U, il me semble. Ouais, c'était ce qu'ils disaient, ce qu'ils disaient à l'époque. Ouais. C'est ce qu'ils avaient annoncé à l'époque. Au niveau des autres choses qui ont été annoncées, bon, ils sont revenus un petit peu sur le jeu mobile qui est quand même la grosse annonce chez Nintendo. Hein. Ils ont confirmé qu'ils allaient bien donc lancer un jeu d'ici la fin de l'année et surtout 5 jeux d'ici la fin du mois de mars 2017. Donc ce qui pourrait être un rythme relativement faible hein, finalement, que 5 jeux en plus de 2 ans, mais ce qui aussi ils ont réinsisté un petit peu sur la volonté quand même de faire des jeux de qualité et que c'était pour eux un important pilier dans leur revenu futur, donc ils n'avaient pas l'intention en gros de se planter là-dessus. Et d'ailleurs ils ont nommé le producteur de Mario Kart hein, à la tête de cette branche jeux vidéo, donc Hideki Kono, qui est quand même un développeur au sein de Nintendo depuis 1986 et qui donc est en charge de la nouvelle division en charge de la supervision de futurs jeux pour smartphones. Vous pouvez voir un article sur Le Monde si ça vous intéresse, qui fait un petit portrait de cette personne. De Kono. Voilà, exactement, ouais. On connaît pas forcément son nom, etc. C'est un peu un personnage de l'ombre, mais il a quand même travaillé sur l'adaptation de SimCity sur Super Nintendo, qui est quand même un jeu un peu culte. Luigi's Mansion fait partie aussi des jeux qu'il a suivi. Nintendogs, qui a été un succès quand même très important pour Nintendo. Il a fait beaucoup de choses. Hein. Il a été responsable aussi de F-Zero et de F-Zero X notamment, puis de tous les Mario Kart. Ouais. Hein. Mais là, en fait, c'est son bras droit qui va prendre la suite. Voilà, exactement. C'est celui qui avait... Yoaji, je crois. Yoaji, ouais. Yoaji. Yasayuki Yoaji, exactement. Et puis bon, alors, ils ont annoncé... Enfin, on a eu dans les annonces aussi, mais ça, je passerai rapidement, sur le fait qu'on allait avoir des attractions, des parcs d'attractions de Nintendo. Hein, avec juste l'information importante, je pense, là-dedans, c'est que c'est c'est une association avec Universal. Hein, ce qui pourrait être intéressant, parce qu'on parle souvent de la rivalité entre Disney et Nintendo. Bon, bah, ça se confirme encore un petit peu, même au niveau des attractions. Et puis, on a dit, on allait parler d'Amiibo. Hein, on ne peut pas ne pas parler d'Amiibo, forcément. On a eu un peu des chiffres. Donc, 10,5 millions de figurines distribuées dans le monde. Donc, ce qui paraît quand même relativement pas mal, puisqu'il faut dater qu'elle date que de novembre 2014, les premiers Amiibo. Et on en est déjà à plus de 10 millions, là, en fin mars 2015. Mais je crois que elles sont surtout vendues en 2014. Notamment aux États-Unis où, effectivement, les ventes ont été très importantes. Alors j'ai un chiffre là justement, la distribution d'Amiibo n'était que de 5,7 millions au moment de boucler de 2014, donc 5,7 millions fin 2014 et maintenant 10 millions, 10,5 millions. Donc ils ont quasiment doublé. Doublé en fait. C'est un rythme qui tient bien en fait, justement, malgré la fin des périodes des fêtes, justement. Ils ont même publié un message d'excuses sur Facebook, t'as peut-être vu ça, sur leur propre page, pour s'excuser auprès des consommateurs frustrés qui n'arrivent pas à mettre la main sur les modèles les plus rares. Ils ont dit qu'ils avaient peut-être mal jugé que la demande serait si forte et que peut-être ils allaient en republier, en réimprimer, je ne sais pas comment dire, mais en refaire certains. Bon, moi je pense que là-dessus, je pense pas qu'ils vont le faire. Je trouve qu'ils ont tort en fait. Justement, ça fait partie du métagame chercher l'amiibo rare. Ils vont être obligés de le faire parce que sinon des gens vont se suicider s'ils n'ont pas un Yoshi-Len. Hein. Ah bah ça. Dans le Yoshi-Len. Le Yoshi-Len, il y a un peu de trailer où tu vois des tonnes de petits Yoshi de toutes les couleurs. Ah, c'est très dur à avoir celui-là. Hein. Ouais. Et puis enfin, bon, je repasserai rapidement sur la NX. On n'a pas appris grand-chose de nouveau. Finalement, je crois qu'ils essaient de moins communiquer dessus maintenant. Ils sont aperçus qu'ils en avaient parlé un peu trop tôt, je pense. Et ils ont juste fait une petite vidéo parodique pour arriver à l'approche de l'E3 pour annoncer un peu leur plan sur l'édition 2015 de l'E3. Bon, comme l'année dernière, il y aura un peu le digital event classique finalement. Moi, je trouve ça pas mal, presque mieux qu'une conférence perso. C'est le mieux travaillé. Moi, je préfère. C'est peut-être plus cut, plus rythmé. Moi, pas chier pendant 2 heures. Exactement. Moi, je trouve ça pas mal. Voilà. Mardi 16 juin, 18h. Et puis, il y aura de longues sessions de jeux capturés en direct depuis son stand, donc dans le cadre du Treehouse qu'ils avaient déjà fait l'année dernière, qui avait été un beau succès. Et puis qui refont des fois, tu as des Treehouse comme ça qui débarquent. Donc voilà, ils ont aussi annoncé qu'ils allaient ressusciter les Nintendo World Cup, les Nintendo World Championship. C'est quelque chose qu'on connaît assez peu en Europe, mais qui a été très, très populaire aux États-Unis, parce qu'ils avaient notamment fait un film aux États-Unis qui était en gros une sorte de méga publicité pour Nintendo. Ouais. Et apparemment, là-bas, ça a évoqué beaucoup de nostalgie à pas mal de joueurs. Donc ça va renaître. Ouais, ils ont joué ça dans le petit trailer là où tu vois Reggie Fils-Aimé qui s'entraîne pour les Nintendo Championship. Reggie Fils-Aimé qui a vraiment beaucoup d'humour sur le porte des GameCube comme si c'était des haltères. C'est très très bon. Voilà pour Nintendo, pour ce que je voulais dire. Je sais pas si Julien, tu voulais rajouter des choses sur Nintendo. Non. Julien, tu voulais nous parler de D4 sur PC. Ouais, D4 en fait, les exclus One, ça continue d'arriver sur PC. Et c'est au tour en fait de D4 de s'annoncer sur PC. D4, c'est quoi? C'est Dark Dreams Don't Die, donc 4D. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà, D4. Qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau jeu épisodique de Swery 65, je vais le dire à la française, qui est un créateur japonais assez culte, puisqu'il avait fait un jeu qui s'appelle Deadly Premonition, qui était une repompe, et même pas éhontée, mais. Répond tout à fait assumé de Twin Peaks, qui était un jeu à la troisième personne, très très moche graphiquement, on aurait dit un jeu Dreamcast, voire pire, et par contre qui était totalement culte. Oh. Qu'est-ce que t'as contre la Dreamcast? Non, j'adore la Dreamcast, c'est une de mes consoles préférées, mais c'était sorti sur PS3, je me rappelle. Oui, bon, ok. Mais voilà, c'était un jeu qui est complètement culte parce que complètement barré, et donc D4, que je n'ai pas encore fait, mais que j'ai téléchargé puisqu'il était offert avec les Game with Gold, donc le programme de Microsoft, elle n'avait pas trop marché la première saison, il y avait même on avait des craintes que ça ne sorte même pas en deuxième saison. Et finalement, on voit que ça arrive le 5 juin pour $15 sur Steam, sur Good Old Game et Humble Store, et via la boutique de Playism, dont j'avais parlé, Playism, il n'y a pas longtemps, qui est chargée de publier le jeu au Japon. C'est une bonne nouvelle, puisqu'on a aussi appris qu'il y aurait une saison 2, que Swery travaillait dessus, puisqu'à une époque, il avait dit si ça ne se vend pas assez, je ne ferai pas de saison 2. Donc là, on a vu... Donc ça s'est bien vendu. Voilà, non, c'est pas que ça s'est bien vendu, mais je pense qu'il y a eu peut-être, avec la version PC, il s'est bien téléchargé avec Game with Gold, donc peut-être que Microsoft, qu'il avait... Enfin, en fait, le jeu, ils l'ont annoncé, et il est sorti le lendemain. Ah, bah, c'est bizarre de faire ça. Ils ont dit, ah, bah, ça sort demain. Oui. Alors voilà, il n'y a pas du tout de promo pour le jeu. Alors après, c'est un jeu un peu particulier. Ça joue avec Kinect ou à la manette, mais c'était une sorte de point and click totalement barré. Enfin, Square Enix, c'est quelqu'un qui est assez barré. Mais voilà, donc c'est très bien qu'un jeu comme ça puisse avoir une saison 2. C'est toujours moi d'ailleurs. Sony choisit la Paris Games Week. Oui, bah oui, une news qui était assez surprenante et plutôt inattendue, puisque Sony en fait a indiqué qu'il ne tiendrait pas de conférence de presse à la Gamescom. En fait, cette année, ils vont remplacer leur conférence de la Gamescom par une conférence à la Paris Game Week. Donc Paris Game Week, c'est le salon qui se déroule porte de Versailles depuis pas mal d'années là maintenant. Là où on peut se faire piétiner pour un call-off. Ouais, là où il y a Moïse et tout. Là, il y a Moïse. le gardien. Le fameux Moïse qui était quand même resté culte. Donc ça sera le 27 octobre 2015. Alors Sony, la raison invoquée par Sony, c'est en fait la proximité entre l'E3 et la Gamescom. C'est vrai que cette année, l'E3 est, je crois, un peu plus tôt en juin et la Gamescom. Alors il est. Ils sont plus trop proches l'un de l'autre. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 mois d'écart entre. Avant, il y avait pratiquement 3 mois parce que c'était plus début juin et l'autre c'était plus fin août, et là il y a que 2 mois, donc ils ont dit que ça justifiait pas de faire une autre conférence et que c'était plus intéressant de faire une conférence plus tard dans l'année à une période qui est plus charnière pour l'industrie, qui est la période juste avant Noël. Alors c'est vrai que ça se tient tout à fait parce que la Gamescom côté conférence était un peu une redite de l'E3. Mmh. Alors souvent ils gardaient une petite nouveauté pour l'annoncer. On se rappelle du le playable trailer de le Pity qui avait été annoncé à la Gamescom. Une bonne nouvelle pour la Paris Games Week. Ouais, parce que justement peut-être derrière ça, ce qu'ils disent, c'est peut-être une redistribution des cartes et peut-être que en interne ou enfin on va dire derrière le rideau, il y a des pressions à la fois des gens de la Gamescom, de la Paris Game Week et de Sony pour essayer en fait de rendre plus importante, pour rendre plus important ce salon au détriment de la Gamescom. On a parlé de ça, il y a au tout début de nos podcasts, des chiffres de la Paris Games Week de l'année dernière, et justement il y avait tout un imbroglio entre la Gamescom et Paris Games Week qui essaye de se chourer le marché concrètement. Ouais, alors après on peut penser aussi que j'ai rien contre Cologne, mais Paris est peut-être une ville un peu plus vendeur, enfin, tu vois. Un peu moins allemande. Non, mais c'est vrai que pour faire venir du monde, tu joues sur le côté touristique de Paris. Ouais. Ouais, ça nous arrange surtout. Ouais, et puis après, il y a peut-être aussi des tractations, peut-être qu'ils sont mieux avec les gens de la Paris Game Week Gamescom. On t'enverra en tant qu'envoyé spécial de toute façon à la Paris Games Week, Julien. Oui, j'irai. Généralement, j'ai des invites pour aller. Lui, il est bien vu, Julien. À la soirée. Non, mais par contre, la dernière fois, j'avais été invité, mais pas pour Sony. T'avais pas eu de petit four? Si, tu peux en avoir facilement. Ça, c'est pas dur à avoir, mais par exemple, Sony, tu pouvais pas rentrer parce qu'il fallait une deuxième invitation. C'est-à-dire qu'ils avaient juste un pré-salon, et après, tu devais avoir une invitation, même pour la soirée presse. Donc, c'était un peu dommage, mais oui, je pense que si j'y vais, je ferai un retour. Après, on peut aussi demander des invites, je crois que ça dépend du nombre d'écoutes. Ouais. Pour aller pipoter en disant qu'il y a des millions de gens. Ouais. On a Joss Whedon et. Joss Whedon qui nous écoute. Envoyez-nous des invites. Donc voilà, ouais, c'est à suivre, puisqu'on va voir comment les autres éditeurs et constructeurs vont réagir. Est-ce qu'ils vont faire des conférences aussi? On sait que Nintendo. Est-ce qu'il y aura des grosses annonces surtout? Il y aura des grosses annonces. Ça va faire parler de la Paris Game Week au niveau international s'il y a de la grosse annonce, quoi. Super. Ouais. Et ben ainsi s'achève notre partie ludique. On a un jingle? Oui, à chaque fois je demande. On va passer à la partie conseil critique. Partie conseil critique, cette semaine ça va être un conseil, une critique, et c'est moi qui vais me fendre d'un conseil. C'est toi qui vas t'y coller. Oh non, dis tout de suite. Je vais vous conseiller tout simplement une série dont vous avez au moins entendu parler et que vous avez peut-être même vu, puisqu'elle est passée il n'y a pas longtemps sur France 2 et qu'elle passe encore, c'est Broadchurch. Broadchurch, qu'est-ce que c'est? Broadchurch, c'est une série anglaise, je vais rapidement vous dire, c'est une série policière. Je vais vous raconter le pitch de la série. N'en dis pas trop, hein. Non, j'ai justement pris le pitch. Pas de spoiler. Non, pas de spoiler. C'est parfait. Un pitch que j'ai pris sur Internet exprès pour pas dire des bêtises. Donc c'est l'assassinat d'un jeune garçon, mais sous le feu des projecteurs, la petite communauté de Broadchurch. Quoi? Petite ville imaginaire, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Côtière du comté de Dorset. Et l'inspecteur principal Alec Hardy, récemment nommé à son poste, est chargé de l'enquête avec le lieutenant Ellie Miller, proche de la famille Latimer, donc le jeune garçon qui a été tué, et qui espérait le poste de Hardy. Donc on comprend avec ce pitch qu'en fait, tout simplement, il y a eu un meurtre d'un jeune garçon d'une dizaine d'années dans un petit village anglais, et que l'enquête va être menée par deux inspecteurs, dont l'un des inspecteurs, une femme, et une habitante de ce village. Ouais, petit village, ouais. Donc cette série, très simplement, c'est une série anglaise, une série policière. Pourquoi je voulais en parler? Parce que à première vue, je voulais absolument pas m'intéresser à cette série, et en fait, je suis tombé dessus par hasard sur le premier épisode que j'ai regardé, et j'ai été happé littéralement par cette série. Ouais. Parce que je m'attendais Broadchurch. Alors, quand on dit série anglaise policière, je m'attends à du vieil Agatha Christie complètement chiant. Hein. Je m'attends à Inspecteur Barnaby. voilà, la série que regardent les vieux des gens. On ne jugera pas. Voilà. Enfin, pour moi, ça fait vieille série, quoi. Vieille série en pantoufle qu'on regarde en pantoufle. Je crois que c'était Julo de Gameblog qui regardait ça. Je me rappelle. Ah ouais, on parlait dans un podcast. Inspecteur Barnaby, il adorait. Voilà. Bon, bah, pour moi, c'est une image. Je ne connais pas Inspecteur Barnaby, en fait. Hein. Je confesse, mais pour moi, c'est une image de série pantouflarde qu'on regarde et qui n'est pas très intéressante. Broadchurch, c'est très loin de tout ça. Broadchurch, c'est une série très bien écrite, déjà, ce qu'il faut savoir. Il y a à ce jour 2 saisons. Chaque saison fait 8 épisodes. Le producteur ne voulait pas en faire une troisième, mais finalement a confirmé en faire une troisième. D'accord. Il n'en fera pas de quatrième ni de cinquième. Il a dit que ça serait la saison finale. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une idée toute simple d'un meurtre d'un enfant et que la série devient de plus en plus complexe au fur et à mesure des épisodes. Mmh. C'est-à-dire qu'on assiste à l'implosion sous nos yeux d'une communauté. C'est-à-dire qu'au début, on commence à comprendre les liens qui sont tissés entre les gens petit à petit au fur et à mesure que l'inspecteur mène l'enquête. Et en fait, l'enquête révèle petit à petit la vie privée de chaque personne. Et comme Twin Peaks. C'est un peu ça. C'est un Twin Peaks un peu... Pas du tout pas louche, en fait. Voilà, pas bizarre. Voilà, pas du tout lynchien. Il n'y a pas des chevaux et des géants, quoi. Non, il n'y a pas de géants muets, il n'y a pas de choses comme ça. Mais par contre, ouais, c'est très intriguant. Et effectivement, on apprend chaque personnage ses secrets les plus sombres que chacun essaye de cacher depuis des années dans une communauté où tout le monde se connaît, quoi. Voilà, tout le monde se connaît et tout le monde découvre qu'en fait, ils ont des liens les uns avec les autres. Parfois, des liens entre amants et mariés et amants. Enfin, voilà, un tel couche avec un tel, un tel a tel passé qui est dévoilé. Du coup, tout le monde lui en veut. Enfin, voilà. Donc, c'est une série qui est très bien écrite. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est les personnages. Je trouve que les personnages ont ce que j'aime beaucoup dans une série, une sorte de dépassement de soi. C'est-à-dire que l'inspecteur et un des inspecteurs a une certaine faiblesse physique et il essaie d'aller par-delà cette faiblesse. Je trouve ce dépassement de soi toujours très agréable dans une série. Ce que j'ai moins aimé de la série, c'est la deuxième saison, malheureusement. D'accord. Je sens qu'elle est vraiment... La deuxième saison a été rajoutée. Je trouve que ça se sent vraiment beaucoup, que la première saison se suffisait elle-même. Parce qu'à la fin de la première saison, ils trouvent le coupable ou... Je dis pas. On n'en dira pas plus. Mais en tout cas, la première saison se suffit elle-même. Et alors, le coupable, qui est, donc? Écoute... Disons que je dirais juste que la première saison se suffit elle-même, je te dis pas si on trouve le coupable ou pas. C'est pas en la rigueur, c'est même pas l'intérêt. C'est pas ce qui est important, en fait. Ce qui est important dans cette série. C'est-à-dire, on finit la première saison, on se dit c'était une très bonne série, je suis content de l'avoir vue. D'accord. On sent pas le besoin d'en savoir plus. La deuxième saison a été faite après coup. Elle est intéressante, mais je trouve qu'elle est moins forte que la première saison. Je crains pour la troisième saison, malheureusement. En tout cas, je vous conseille ardemment. Pardon? C'est ce qui fait peur pour la troisième saison. Je me demande vraiment ce qu'ils vont pouvoir refaire. Qui va être le fil conducteur, quoi. Oui, j'ai vraiment peur, moi aussi. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, je conseille ardemment de voir la première saison, moins, qui vous donnera envie de voir la deuxième. La deuxième n'est pas nulle. Hein. Elle est juste un peu moins bien, parce que la première est... On peut peut-être souligner aussi la... Je sais pas si tu voulais en parler, la qualité de la réalisation et des plans, en fait, de la... Je trouve que c'est très, très soigné au niveau de l'image. On a une caméra qui est toujours un cadrage très réfléchi, je trouve, avec presque une composition artistique dans chacun des plans. Et puis vraiment une certaine lumière qui est un peu baignée dans le jaune d'un coucher de soleil permanent presque dans Broadchurch dans la saison 1, je pense à ça. En tout cas, moi j'ai vu que la saison 1, puisque ça se situe donc dans un endroit où on est près de la mer, etc. Ouais, c'est le Dorset, c'est quoi? C'est très campagnard, c'est très... campagne britannique. Ouais, campagne britannique au bord de l'eau. Moi je suis pas du tout fan des environnements britanniques et je trouve que pour une fois... Il aime pas la vie. Toi tu as l'office du tourisme de Marseille plus l'office du tourisme anglais, ils vont t'appeler là. Non mais je trouve que dans les séries anglaises d'habitude on joue toujours... dans les séries anglaises, on joue toujours sur le climat et la décoration anglaise que je trouve pas bien réussie dans les séries. Et je trouve que là, il n'y a pas du tout ce cliché-là de la province anglaise profonde. Voilà. Et pourtant, c'est en pleine province. Pourtant, c'est en pleine. Mais moi, je trouve que c'est universel. On pourrait se croire en France presque. Voilà, pas trop marqué. Ils ne sont pas tombés dans ce travers-là. Et je trouve que c'est bien fait. Et une chose aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est très intéressant. Moi, je noterai juste que la série, ce qui m'a marqué aussi premier épisode, les premières minutes du premier épisode, ça commence par... c'est révélateur de l'application des séries anglaises à faire des choses peut-être plus originales et mieux ficelées que les séries françaises. Ça commence par une sorte de plan-séquence filmé sur un avec un comment ça s'appelle ça une steadicam voilà où on suit un personnage dans la rue justement où il dit bonjour à plein de personnes enfin voilà on voit qu'il connaît un peu tout le monde que tout le monde se connaît on comprend déjà pas mal de petites choses dans un petit plan séquence comme ça qui dure 5 minutes et en termes de réalisation qui est ultra bien faite parce que voilà qui est suivi au steadicam qui est hyper bien monté on passe d'un trottoir à l'autre etc on suit plusieurs personnages en même temps et là en 5 minutes on voit tout de suite qu'on est déjà dans une série où bah, l'ambiance on la comprend la qualité de la réalisation elle est là la qualité du montage est là la qualité de l'acting est là. Un autre point fort, c'est le rythme de la série. Et le rythme de la série, ouais. Tous les enjeux sont posés en 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Mais vraiment 5 minutes. L'intro et cette scène-là. Et c'est voilà. Ça dure combien de temps par épisode? C'est une heure. Enfin, 45 minutes, une heure, ça dépend de l'épisode. Combien d'épisodes? 8. Pour la première saison. C'est court. 8 pour la saison. C'est très dense, c'est ça qui est bien. C'est très très dense, on ne s'ennuie vraiment pas dans aucun épisode. C'est rebondissement sur rebondissement, voilà. Il faut juste savoir que France 2 a décidé de faire un remake, malheureusement. Oh non, parce que il y a quand même l'ambiance anglaise, même si peut être international. C'est pour ça, d'où mon malheureusement, parce que je trouve que la série a un état de grâce qui se suffit elle-même, il ne faut pas y toucher. Mais ça a été diffusé en France sur que c'est encore diffusé en France, il y a la saison 2 en ce moment qui est encore diffusée. Je noterai les performances des deux acteurs principaux, des deux inspecteurs, là, justement. Donc le mec, là, qui s'appelle... Alec Hardy. Voilà, David Tennant, qui joue Doctor Who aussi, enfin qui a joué Doctor Who. Et je ne sais pas s'il le joue encore parce que je connais pas très bien Doctor Who hein, donc Dim il joue en... ouais c'est plus lui ouais. Et l'autre inspectrice alors je ne sais pas comment elle s'appelle Ellie Miller l'actrice voilà. Donc Ellie Miller dans la série cette actrice là joue d'une façon absolument magnifique quoi enfin elle est vraiment très crédible c'est pas une seule fausse note et moi elle m'a ému quoi cette nana hein. Elle m'a ému en plein de scènes elle joue d'une justesse c'est bon, assez bluffant. Dernier point pour vraiment vous convaincre que cette série est bien, c'est qu'elle a eu un succès énorme en France, 6,7 millions de spectateurs. Ah, putain, ouais. Et qu'elle a fait mieux que Joséphine en Ce Gardien. Ce qui prouve sa qualité. C'est pour dire que c'est une série de qualité. Ouais, est-ce que ça veut dire qu'ils vont arrêter Joséphine en Gardien? Que les gens vont dire non, on ne veut plus Joséphine en Gardien? Non, du rêve. Bon, Joséphine en Gardien, c'était F1. Là, c'est diffusé sur France 2. Non, mais voilà. Bon, on vous encourage, en tout cas, Grégoire qui l'a vu, Dim qui l'a vu, se joint à nous, à voir cette série. Si un jour tu peux tomber dessus. Ouais, franchement, ça vaut le coup pour l'ambiance. Moi, je regarde Joséphine Regarde. Tente quand même. Tente quand même, alors. Voilà, c'est une bonne série, c'est une bonne surprise. Voilà. On valide. On va continuer avec les sorties ciné des deux semaines à venir. Tiens, Dim, commence par nous parler. Qu'est-ce que tu as remarqué le 20 mai qui te plaisait? À la poursuite de demain de Brad Bird avec George Clooney. Ça, c'est un mec bien, ça, tu vois. Je crois que Grégoire l'avait repéré. Il a repéré les bons films, la Dim. Julien aussi. Donc, le réal de Mission Impossible, Ratatouille, Indestructible. Ça a l'air un peu fantastique, fantasy. Est-ce que ça n'a pas l'air trop cucu? Non. Après, moi, comme j'avais déjà dit dans un autre podcast, je regarde pas trop les bandes annonces pour justement garder la surprise. Donc. Je sais pas, mais bon, vu des affiches, ça m'intriguait quand même bien. Quoi. Moi, je trouve que le monde imaginaire, donc ça se passe dans imaginaire du futur, quoi. Ça se passe un peu dans le futur où on ne sait pas exactement, mais il a l'air d'être hyper bien développé. En fait, plein de détails qui fourmillent, plein d'une super imaginaire, très très recherché. Moi, comme je m'en disais un peu off avant, c'est un film qui pourrait me faire penser au film qu'on aime bien quand on est enfant, en fait. Comme quand on a vu la première fois qu'on a vu Retour vers le futur et qu'on s'est dit mais waouh c'est incroyable tout ce qu'ils ont imaginé pour 2015 quand je parle de Retour vers le futur 2 et là ça me fait un peu penser à ça où disant waouh ils ont été loin et c'est un film qui peut faire rêver l'enfant qui est en nous alors je dis pas que ça sera réussi en tout cas moi ça m'a donné envie pour ça quoi. D'accord, je serais curieux que vous nous fassiez un retour. Je pense que j'irai le voir. Dim, oui, Julien, t'as dit que t'étais intéressé aussi. Oui, je sais pas si j'irai le voir, mais j'aimerais le voir en vidéo. Ok. Et il y a la loi du marché aussi, le 20 mai. La loi du marché, ça c'est un de mes choix. Ouais. Greg aussi, Stéphane Brisé. Donc moi c'est un réalisateur que j'aime énormément. Tu te souviens, Grégoire, un de ces films qu'on avait vu ensemble? Je ne sais pas, dis-moi ce que je ne suis pas là pour être aimé. Ah, j'adore ce film. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il a réussi ce film. C'est pas son premier film, mais c'est un de ses premiers films. Il a fait aussi Mademoiselle Chambon que j'avais adoré. Ouais. Et Quelques heures de printemps. Mademoiselle Chambon et Quelques heures de printemps, c'était déjà avec Vincent Lindon, qui est l'acteur principal de La Loi du marché, qui a fait très forte impression à Cannes. Très grosse buzz de ces dernières heures. Je suis fan absolu de Vincent Lindon, moi j'adore sa présence, il n'a pas besoin de jouer beaucoup. C'est un très bon acteur. Je suis assez curieux de voir La Loi du marché, qui m'a l'air quand même un film assez dur, mais je ne sais pas. C'est sur le capitalisme et ses dérives, on va dire, mais vu du point de vue sur un homme humain, brisé qui a du mal à se relever. D'après ce que j'ai compris, j'ai vu la bonne annonce. Quelqu'un qui a été au chômage, il a été au chômage pendant longtemps, il a une cinquantaine d'années, il retrouve un boulot et en gros, jusqu'à où on est prêt à qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour garder son travail dans ce genre de situation, quoi. Sans que ça soit non plus dans le truc complètement surréaliste, hein, mais en posant les bonnes questions qui font un peu froid dans le dos dans un monde capitaliste aussi froid que la bande-annonce peut le montrer, quoi. Très bien. Pour le 20 mai, c'est le 20 mai qui avait ton acteur préféré, Dim, qui le 27 mai. Le 27 mai. C'est le 27 mai. Alors, quel est ton acteur préféré? Non, mais moi, j'ai un film encore le 20 mai. Ah, excuse-moi. Attends, Julien, excuse-nous, Dim. Oui, parce qu'il y a quand même le nouveau film de Arnaud Desplechin, donc qui s'appelle Trois souvenirs de ma jeunesse, qui n'était pas en compétition à Cannes, mais qui est, je crois, dans une autre catégorie. Il me semble. Et bah voilà, moi j'adore Desplechin pour YRN, pour Un conte de Noël, souvent des films assez denses. Là, ça a l'air aussi, ça part sur plusieurs périodes. Ouais. Voilà, donc c'est, je crois que c'est Mathieu Amalric qui raconte à la fois sa jeunesse, plusieurs âges de sa vie. Il s'appelle dedans Thomas Dédalus, donc ça dit un peu tout ce qu'on va apprendre de souvenirs labyrinthiques de cet homme. Bah voilà, c'est Desplechin, donc moi ça me parle et ça me donne vraiment envie de le voir. J'ai trouvé que c'était très très mal joué dans la bande-annonce. Hein. Par contre, c'est ça m'a choqué. C'est de diriger de Desplechin aussi. Ah bon, ok. Bah, je suis peut-être pas très connaisseur de ce réalisateur. Un conte de Noël, moi, ça m'avait beaucoup perturbé. Mais là, c'est très mal ouais, joué. T'avais vu un YRN ? J'ai vu un conte de Noël, j'ai pas vu YRN. Un conte de Noël, c'était très très bien. C'est bien, hein, mais ça m'avait beaucoup perturbé. Mais c'est parce, je trouvais très réussi. C'est un style de film. Je pense qu'on, mais ça mérite d'être vu parce que ça a l'air d'être, effectivement, comme tu l'as dit, assez dense. Rien que la bande-annonce. On va le voir entre bobos, là. La non. Bien dans une salle. Voilà, c'est ça. Fumera des pipes. Salle de quartier, voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, vrai. C'est pas moi qui fais la blague. Je propose qu'on passe à un autre film du 27 mai. Donc le 27 mai, Dim, qu'est-ce que tu vas aller voir au ciné? Le nouveau Desplechin. San Andreas. Non, c'est San Andreas. Avec The Rock, le meilleur acteur du monde, avec David Tennant quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Alors... C'est quand même un peu le gars qui te sauve. Tu vois, quand il n'y a pas beaucoup de bons films qui sortent dans une semaine, bah, t'es bien content qu'il y ait un film avec The Rock ou Jason Statham, tu vois. Au moins la semaine est sauvée, quoi. Alors, est-ce qu'il va faire un rock bottom à un immeuble en train de tomber, tu vois? C'est ça ma grosse question. J'espère bien, quoi, tu vois. En tout cas, moi j'ai vu la bande-annonce, c'est vrai qu'elle est... elle dépote, c'est 2012, quoi. Ah bah là, c'est 2012-2010. Ils ont mis de l'argent les effets spéciaux, ouais. Et le rock va sauver le monde. C'est plus pour déconner que je dis ça, hein. Ça n'a pas l'air terrible, mais bon. Ouais. Voilà, pour rigoler, ça peut être sympa. Sinon, il y a Maggie avec Schwarzenegger. Ah ouais, là, donc la question, c'était de savoir qui reprenait le rôle de Jean-Marc Thibault et de Rosie Bart. Franchement, je ne voyais pas Schwarzenegger dans le rôle de Jean-Marc Thibault, mais bon, ouais, pourquoi pas. Peut-être trop fermé l'esprit. Ouais, peut-être qu'il travaillait à la quincaillerie de Jean-Marc Thibault dedans et que voilà, il est médecin avec. Il l'a racheté, c'est un Américain qui vient s'installer en France. Ouais, peut-être. On ne sait pas. Voilà, et puis elle voit souvent rouge. Bon, il faut que cette blague s'arrête. Donc, de quoi parle Maggie, Dim, ça, si tu peux nous faire le pitch. Il me semble alors que c'est donc Abigail Breslin qui joue la fille de Arnold Schwarzenegger, c'est ça, qui est atteinte d'un virus qui va la transformer lentement en zombie. Et lui, il cherche un moyen de la sauver. Donc après, ça m'a fait penser, j'ai pas fait le jeu, mais un petit peu à The Last of Us. Voilà, ouais. La relation entre un père et une fille. Après, dans Last of Us, c'est peut-être pas le père, je sais pas du tout, mais non, ça m'a fait penser à ça, même aussi au niveau des affiches et tout. Ouais, même apparemment, apparemment, des gens disaient dans la réalisation, dans les scènes, dans les plans. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Moi, j'ai pas joué Last of Us en fait. J'ai fait Last of Us, mais j'ai pas vu la bande annonce de Maggie. Pas trop, parce que moi, je rêve d'y jouer. Apparemment, il est même habillé pareil et tout. Schwarzenegger avec une sorte de chemise en bûcheron, apparemment comme le personnage. Moi, ça m'intrigue beaucoup ce film. Je l'ai mis aussi dans les films. Il a l'air pas si mal que ça. Écoute, Schwarzenegger a l'air d'être tout en retenue. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, tout en retenue. Bravo. Et c'est le dernier rôle de Marthe Villalonga, non, c'est ça? C'est Abigail Breslin en Marthe Villalonga. Ça se transforme à la fin. C'est du jamais vu. C'est elle qui joue. C'est bien, il faut jamais lâcher une blague, moi, je crois. Bah, complètement. Bon, est-ce que vous voyez d'autres films le 27? Non. À ce moment-là, Cannes sera terminé, on saura qui a gagné. Oui, on parlera de Cannes, parce que c'est vrai que là, on n'en a pas parlé. Mais, oui, d'accord. On parlera de Cannes la prochaine fois. Oui. On fera un petit retour sur les films qu'on n'a pas vus. Et pourquoi on est mécontents? C'est de la merde. Il jouait mal dans la bande-annonce. Pourquoi il a gagné? Ouais, pourquoi on va arrêter de regarder tous les frères Cohen? On pronostique un film français qui gagne la Palme d'Or ou pas? Moi j'aimerais bien Vincent Lindon pour meilleur. On a une bonne chance quand même là. Ah bon, tu crois? Pour le prix d'un film français. Attends. Oui, d'accord, mais bon. Après, statistiquement, on a une chance. Statistiquement, on merci Grégoire. Il y a pas mal d'Italiens aussi. Ouais, allez. Bon, c'est ainsi que s'achève notre Upcast numéro 13, le podcast de tout le bonheur finalement. 13, c'est exactement ça. 13, ça porte bonheur. Je vous rappelle que vous pouvez. Et des clowns tueurs quand même. et des clowns tueurs. Vous pouvez nous trouver sur iTunes, vous cherchez Upcast. Si vous nous trouvez, bah, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles plutôt 5, ça nous ferait plaisir. Le mec voilà. Coriandre d'accord. On peut pas vous influencer, mais mettez 5 étoiles. Voilà. Si on est en dessous de combien de 3 étoiles, on dégage ça. Non, il y a un truc à l'Amazon. Ah bon merde. Voilà, on est mal. Si 70% des gens n'ont pas aimé, on dégage. Donc sur iTunes, bien évidemment, sinon nous avons un site qui s'appelle Upcast.fr sur lequel vous pouvez mettre des commentaires auxquels on répond avec plaisir. Et notamment essayer de gagner à nouveau un jeu sur 3DS. Oui, voilà, il nous reste un code 3DS pour le jeu Mario versus Donkey Kong. Voilà, Tipping Stars. Tipping Stars. Exactement. Jeu à la Lemmings. Sur le site upcast.fr, vous pouvez écouter, télécharger notre podcast de manière chapitrée, l'écouter directement en ligne. Ouais. Le télécharger en format MP3. Ouais. Voilà, si vous avez des petits problèmes, j'ai cru comprendre que certaines personnes avaient eu des petits problèmes à le lire via iTunes, donc n'hésitez pas à le télécharger. Et via un truc sous Android, parce que ouais. C'était. Il y a plusieurs petits problèmes sur certaines applis, mais bon, voilà, effectivement, avec le lien en MP3, vous pourrez l'écouter. On fait notre mieux pour régler, hein, évidemment. Ouais, on est un peu dépendant de notre fournisseur là-dessus. Mais... Voilà. On a un Twitter qu'on n'a pas trop mis à jour dernièrement. On n'a pas trop mis à jour. @ Upcast France. Voilà. Voilà. On est plutôt fan des commentaires sur le site. Ouais, on cache pas. On mettra en musique de fin une musique de Broadchurch, du on coup. On va mettre une musique de Broadchurch en musique de fin. Sur ces bonnes paroles, on vous souhaite de prochaines semaines très agréables. Ouais. Plein de bonheur. Que dire d'autre? Un bon festival de Cannes. Ah bon, je ne sais un pas. Un bon Roland Garros. Un bon Roland Garros. Je ne sais pas ce qui se passe. Un bon film avec The Rock. Un bon San Andreas. On vous donne rendez-vous fin mai. On va aller se coucher. Et puis on va aller se coucher. Parce enfin, moi je vais aller jouer à Witcher. Toi, ouais, plutôt ouais. Allez, à bientôt. On vous dit à la prochaine fois. Salut. Salut à tous. Salut tout le monde.